Bonjour à tous, bienvenue dans le Upcast numéro 9, Upcast, le podcast qui vous parle de technologie, de divertissement, d'art ludique et de plein d'autres choses. Je suis Stanislas et je suis en compagnie de Grégoire. Salut à tous. Et de Julien. Salut à tous. Salut Julien. Cette semaine, nous allons commencer pour changer par revenir un peu sur des commentaires que nous avons eus de nos chers auditeurs. Déjà, on tient à vous remercier de nous faire des commentaires. J'ai noté par exemple, alors j'ai du mal à dire ce pseudo, mais c'est J et Bob FR. Je pense que c'est comme ça qu'on dit. Et Chaton Pute, le petit Canadien qui nous met souvent des commentaires et qu'on remercie. Le grand, on ne sait pas. Hein. Oui, le grand, je ne sais pas à quoi il ressemble, à quoi il ressemble, Chaton Pute. On va revenir sur des commentaires. Bah, déjà, Chaton Pute qui est revenu sur une news que j'ai abordée le dernier podcast, la news sur Mars One. Mars One, pour rappeler brièvement, c'est une mission spatiale qui va être lancée en 2025 et qui compte envoyer des personnes sur Mars sans voyage de retour, c'est-à-dire des gens pour aller vivre sur Mars. Donc j'ai présenté ça d'une façon assez enjouée, voilà, positive et plutôt très joyeuse. Et en fait, il y a un versant un peu plus sombre que Chaton Puté évoque et que je n'ai pas évoqué, qu'il est bon d'évoquer, je pense. Et il parlait du fait que il y avait des que l'espérance de vie, en fait, en gros, était assez faible sur Mars. Si on se renseigne un petit peu, je crois que c'est une soixantaine de jours, ce qu'il a dit ou un truc. C'est ça, voilà. Il y avait des études, c'était le mot que je cherchais, une étude. J'ai du mal avec les mots. Une étude du MIT, voilà, qui disait que pour l'instant, on en était à pouvoir faire vivre 4 humains pas plus de 68 jours sur la surface de Mars. Voilà, donc c'est un versant un peu plus sombre de Mars One, mais voilà, qu'on n'a pas évoqué, mais qu'il est intéressant de soulever. Autre commentaire qu'on a eu cette fois-ci via Twitter de Samizo Kuei, j'espère que je le dis bien, qui revient sur It Follows et qui fait une petite précision, qui dit bien qu'il n'y a pas qu'une seule entité au contraire, l'inverse. On en a un peu parlé avec lui sur Twitter. On a légèrement laissé sous-entendre qu'il y avait plein d'entités en fait qui suivaient l'héroïne, mais en fait c'est qu'une seule entité qui change de forme. Voilà, il y a une seule entité qui change de forme, mais on ne sait jamais la forme qu'elle va prendre, c'est ce qui rend la chose encore plus inquiétante. Puisque l'entité n'a pas d'apparence fixe. Voilà. Et enfin, un dernier commentaire de Deadpool. De Dimitri. Bien qu'il y ait Dimitri, si tu nous écoutes, il y a des ressemblances entre toi et Deadpool, apparemment. Ça fait toujours plaisir de l'apprendre. On a le droit d'être fatigué ou pas dans ce podcast. C'est Dimitri, notre envoyé spécial. Qui était notre envoyé spécial à Gérardmer. Voilà, qui veut qu'on précise, et peut-être que c'est important en fait, qu'il précise que Deadpool a le pouvoir de savoir qu'il est dans une BD. Parmi ses pouvoirs, il y a un de ses pouvoirs qui a la particularité, il sait qu'il est présent dans une BD, et du coup, comme on avait parlé un peu de son adaptation au ciné de cette BD, a priori, il se demandait, et il espérait peut-être que Deadpool aurait aussi le pouvoir d'avoir conscience qu'il est dans un film, et peut-être pouvoir jouer avec ça, avec le quatrième mur notamment. Et je trouve que ça rend la chose intéressante. Ça serait super intéressant. Fou, mais ce pouvoir-là, je trouve que c'est vraiment bien. Je suis intéressé, moi, par mais ça. Parce qu'il me semble qu'il y a eu un jeu, Deadpool, où il y a un jeu qui était prévu, et il me semble qu'on voyait des extraits. Alors, je ne sais plus si c'est l'extrait du film, s'il y a déjà eu des extraits, mais on le voit justement s'adresser à la caméra et jouer justement avec ça, avec ce côté. Je brise le quatrième mur, je sais que je suis dans une œuvre de fiction. Ah, ça peut être sympa. C'était pas un extrait du film parce que le film. Je crois que c'est dans le jeu où on voyait les extraits. Je sais pas si le jeu est sorti, je me souviens plus. Peut-être qu'il a même été annulé ou ils attendent peut-être la sortie du film, ce qui commercialement est peut-être plus intelligent. voilà, mais je crois que c'était dans le jeu où tu voyais des cinématiques. Je trouve que c'est un super pouvoir, moi perso. Mais du coup, ça me donne envie de me pencher sur ce super héros. Ouais. Bon, enfin voilà, pour le retour des commentaires. Merci pour vos commentaires encore. N'hésitez pas à en mettre. Upcast.fr pour mettre des commentaires. On est toujours touché par vos commentaires. Et on va parler un peu de Twitter avec un petit concours. Oui, je l'ai annoncé ce matin sur Twitter avant qu'on enregistre, mais effectivement pour le podcast 9, comme on est content de faire ce podcast et qu'on a envie de continuer à en faire et d'essayer de se faire un peu connaître, on va faire un petit concours en plus sur Twitter pour remercier ceux qui nous suivent déjà, à savoir qu'on va faire gagner un Amiibo pour ce podcast 9, un magnifique Amiibo, donc ça s'adresse pas à tout le monde, tous ceux qui ont une Wii U éventuellement ou ceux qui aiment bien Nintendo, parce que une 3DS, c'est enfin, vrai, une autre DS, c'est un bel objet, donc c'est l'Amiibo Megaman qui sera à gagner tout simplement en nous suivant et puis en faisant un RT de l'image du concours, comme d'habitude, sur Twitter, finalement. Et on sélectionnera ça au hasard parmi les RT. Quelqu'un recevra un magnifique Amiibo Megaman sur Blister. La main, là. Il a des grands yeux bleus. Il est magnifique. J'avoue que j'ai failli le garder pour moi et annuler ce concours, pour info. Et malheureusement, il n'a pas deux canons. Peut-être qu'on aurait pu avoir un Amiibo. Si on a un Amiibo trafiqué, celui-là, je le garde. Quoi oui, les gars. Bon, bah, bref, voilà, voilà pour le concours, on en reparlera à la fin. Tu réexpliqueras précisément ce qu'il faut faire ? Oui, bah, il suffit de RT, je vais poster une image sur Twitter tout à l'heure, et puis il faudra juste donc, nous suivre sur Twitter, et puis juste faire un petit RT de cette image, et ça sera bon pour votre participation. Et comment tu sélectionneras ? Après, ça sera une sélection au hasard, avec un petit programme qui est dédié sur, pour ça, sur Twitter, un petit site qui permet de donc, faire ça. Un programme qui choisira un tweet au hasard. Exactement, un RT au hasard. Un RT, de notre un retweet. Tweet, voilà, un retweet de notre... Bon, okay. Attention, je vais retweeter, mais je n'ai pas le droit de gagner. Non, toi, on t'éliminera. Bah, si on gagne l'un de nous deux, parce qu'on a envie de gagner, Julien et moi, on ne le dira pas. Si, si, non, non, on ne fait pas de ce genre de choses, nous. Alors, le programme, du coup, sur ce podcast, on y va ou oui, oui, on va. Bah, ouais, je suis pressé, moi. Oui, je vois ça. Allez, on va commencer tout de suite par les news techno. News techno, on va revenir sur un congrès, enfin, une. J'ai du mal un avec événement. Les mots. Voilà, merci. J'ai du mal avec les mots ce matin. Je suis pas très réveillé. On est lundi matin. Le jus de pomme ne fait pas effet encore. C'est du vrai jus de pomme. Sur un événement donc qui a eu lieu il y a un peu plus de 2 semaines maintenant, donc ouais. Qui commence à être un peu daté, mais sur lequel on va revenir rapidement quand même. C'est le Mobile Worldwide Congress (MWC) qui a eu lieu à Barcelone du 2 au 6 mars. Effectivement. On voulait y revenir. Maintenant, c'est vrai que ça, comme tu l'as dit, ça commence à dater un petit peu, mais on va pas reparler de tout ce qui s'est passé là-bas. Hein. C'est non. Pas ce qui nous intrigue. Si vous voulez, il y a pas mal de choses que vous pouvez trouver sur Internet là-bas. On va plutôt garder en tête les annonces qui nous ont intéressés. Et je vais commencer, moi, personnellement, en parlant de 2 montres françaises. Parce que, voilà, bah, on est toujours un peu fiers de pouvoir avoir ce genre de produit. Et surtout la Weezing Watch, hein, la marque française qui est même d'ici les Moulineaux. Hein, donc, on enregistre ce podcast en ce moment. Qui a, voilà, a annoncé à l'occasion de ce salon que, bah, sa smartwatch pour non-geek, comme ils l'appellent, elle est compatible maintenant avec les smartphones Android. Donc ça, ça vaut à la fois pour leur montre activité et pour l'autre montre qui s'appelle la Pop, hein, l'activité Pop. Alors la Pop, c'est la nouvelle qu'ils ont présentée là ? Non, c'est pas une nouvelle montre qu'ils ont présentée. Celle qui est toute plastique, enfin qui a la tête toute plastique d'une couleur. C'est quoi, une autre marque. Ça. Ah pardon. Je vais en parler juste après. Ça, c'est Wiko. Ouais, ça c'est Wiko. Mais donc pour Weezing, eux, ils ont juste confirmé que ça serait compatible avec Android en fait. D'accord. Il n'était pas pour le cas pour l'instant. Donc c'est bien, c'est un nouveau marché pour cette entreprise française qui quand même truste pas mal le marché des montres connectées. Elle a une particularité, et c'est pour ça aussi que je voulais en parler. Cette montre, pour ceux qui la connaissent pas, c'est un cadran analogique, hein, donc avec des aiguilles que vous retrouvez. Il n'y a pas de choses tactiles ou d'écran, et c'est juste une petite troisième aiguille en fait qui vous permet de suivre vos objectifs de remise en forme. Ce qui permet quand même à l'autonomie de promettre 8 mois d'autonomie sur cette montre. Voilà. Une vraie montre. Donc l'activité, elle coûte $450 et la Pop, elle coûte $150. Je n'ai pas les prix en euros, mais voilà. Donc c'est intéressant comme annonce. Pareil, ouais. Si vous êtes sous Android maintenant, vous pourrez aussi avoir votre activité qui est une très belle montre. Et puis la deuxième montre, je vous l'ai dit, deuxième montre française, donc c'est la Wiko. Stan a un petit peu anticipé avec son design un peu particulier, un peu plastique, effectivement. La Wiko Watch. Donc c'est un design, en fait c'est une hybride entre montre et tracker d'activité, hein, puisqu'elle fait plein de choses. Qu'est-ce qu'elle fait exactement, je ne sais plus, mais bon voilà, tracker d'activité comme d'habitude, hein, elle compte vos pas, ce genre de choses. Et en fait elle est comme la montre Weezing, alors est-ce qu'elle se met en concurrence ou pas, je ne sais pas, à vous de juger, hein, si c'est deux produits concurrents, mais effectivement elle est comme la Weezing, elle est dépourvue d'écran tactile. Pareil, elle a une autonomie de 6 mois pour le tracker d'autonomie et de 4 ans pour la montre. Elle peut faire, elle surveille votre sommeil, elle fait office de réveil, enfin voilà, ce genre de choses. Et alors pour avoir les informations, là c'est pas une petite troisième aiguille comme pour la Weezing, cette fois-ci c'est des superpositions de LED en fait qui se mettent sur votre écran. Alors je vous laisserai juger, je mettrai peut-être un lien dans cette news pour aller vous montrer, voir une petite vidéo de comment ça marche. Perso, moi je suis pas convaincu, c'est des petits points lumineux qui s'allument autour du cadran. Je trouve pas ça très intuitif, mais bon, je vous laisserai juger, à voir s'ils peuvent concurrencer la Weezing activité. J'ai dit que c'était une marque française, Wiko, alors c'est vrai, mais en même temps c'est pas tout à fait vrai, hein. C'est-à-dire qu'en fait c'est une filiale du fabricant chinois Tino, filiale à 95%. Donc le principe c'est que le fabricant chinois ne savait pas ou ne voulait pas se planter en s'adaptant au marché européen, donc il a tout simplement créé une filiale en France, et c'est des employés français qui réfléchissent à comment créer voilà, ce genre de produit. C'est déjà belle. Donc on est quand même content, je crois que c'est à Marseille, hein, Wiko, pour info. Au niveau des montres, je peux rebondir sur une autre montre qui a été présentée. Rebondis, je t'en prie. Bah, du coup, il y avait aussi la Huawei Watch. La Huawei. Huawei, donc c'est elle qui est vraiment dans un positionnement très différent, qui serait plus proche de la Moto 360 pour ceux qui connaissent. Et c'est une très très belle montre. En fait, c'est une montre ronde déjà, contrairement à l'Apple Watch, qui a un écran AMOLED, donc vraiment de très bonne qualité. C'est la première montre à être sous Android Wear. Et elle a un verre saphir, donc c'est un verre très résistant. Donc après, bon, l'écran est de bonne qualité, il fait du 400 sur 400 pixels, ça c'est pas très grave. Par contre, ils n'ont pas du tout abordé sur le prix et la durée de vie de la batterie. Ça a l'air d'être de haut de gamme, hein, si je me souviens bien de ce que j'ai vu. Moi, je vous invite à juste taper dans Google Images ou un moteur de recherche quelconque Huawei Watch, et vous verrez que les visuels sont vraiment très jolis. Tu peux dire comment on appelle Huawei ou tu Ah oui, c'est H-U-A-W-E-I. Voilà. Huawei. J'aurais pas su le taper là comme ça. C'est vrai. Huawei Watch. Voilà pour ce qui est montre. T'as d'autres montres à... Non, j'ai pas d'autres montres. Après, je suis parti un peu plus sur les téléphones, même si c'est pas un truc qui m'intéresse des masses. Bah, bon, mobile, j'avais parlé. Voilà, congrès, c'est quand même le mobile. Effectivement. Et du coup, c'est vrai que la grosse, grosse annonce qui a un peu tout vampirisé, bah, c'était le Galaxy S6 et le S6 Edge. Que tu as évoqué lors du dernier podcast. Ça, c'est le podcast 8, si vous voulez réécouter un petit peu ce qu'on avait dit là-dessus. Bon, voilà, ils ont clairement volé chaud. Ça s'annonce être un succès assez hallucinant, ce produit. Là, moi, ce que je voulais aussi aborder, c'était peut-être d'autres portables, d'autres types de modèles, notamment BlackBerry. Il ne faut pas les oublier, BlackBerry ne sont pas encore morts. Ils ont fait quelques annonces. Donc, ils ont annoncé le Leap. Bon, c'est un smartphone quelconque, on va dire, un milieu de gamme qui n'est pas là pour étonner, mais qui est là pour faire le job. Par contre, ils ont aussi annoncé, enfin, plutôt un peu teasé, parce qu'ils l'ont montré du bout des doigts, puis il l'a rangé dans sa poche aussitôt, le mec qui a présenté ça, donc Ron Lux, qui est un smartphone avec un slider, donc avec un clavier qui coulisse, et un écran incurvé des deux côtés, comme le Galaxy S6 Edge. Des deux côtés. Ouais, exactement, comme le 6 Edge, exactement pareil. On ne sait pas trop s'il va sortir ou pas cette année, mais on pense que oui, parce que, voilà, a priori, ils ont annoncé 3 nouvelles sorties cette année. Après, moi, ça a laissé. J'ai vu en regardant un peu les news techno que ça avait laissé un peu la presse dubitative, hein, The Verge, etc. Tout ce qu'on regarde d'habitude, TechCrunch. Oui, c'était dit bon, pourquoi pas, mais c'est bizarre. Un clavier à nouveau. BlackBerry retourne vers les claviers physiques. Mais je commence à être méfiant avec BlackBerry parce que leur dernier modèle, le portefeuille, là. Passeport. Le passeport. le téléphone carré. En fait, à voir, il était très moche en photo. Et en fait, quand tu le tiens en main, il était impressionnant. C'est de qualité, exactement quoi. Ce que j'allais dire parce pas du tout. T'as bien fait de le dire parce que. Justement, voilà pourquoi je voulais parler de ce teasing un peu de BlackBerry, parce que en fait, je savais pas si tu savais, derrière ce passeport, il y a une réflexion stratégique de Ron Lux, justement, qui avait annoncé il y a quelques années, je crois que c'était il y a un an ou deux, qu'ils allaient sortir un produit entre guillemets non conventionnel par an, un produit comme bien, ça. Moi, et le passeport, c'était un peu la première version de leur produit non conventionnel, et il s'avère qu'en fait, ça a plutôt bien marché. Donc effectivement, comme tu l'as dit, en plus, il était plutôt bon. Moi, c'est une vraie quatrième voie, quoi. C'est pas encore Android, c'est pas iOS, c'est pas Samsung, c'est pas ce que tout le monde fait, mais c'est des nouveaux téléphones, quoi. Et voilà, donc à suivre avec ça. Par contre, j'ai un peu perdu BlackBerry. Je sais pas si ça tourne sur leur propre système ou c'est Android maintenant. Ils ont leur propre système BlackBerry, mais je crois. Hein, vous nous direz dans les commentaires si je me plante complètement comme une merde. C'est vrai que sur BlackBerry, j'ai jamais trop suivi. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en plus de leur smartphone, maintenant, ils font un repositionnement stratégique aussi vers des services. En fait, je savais pas si vous avez suivi ça, mais par exemple, ils font ils ouvrent leur plateforme de suite d'applications plus ou moins professionnel sur Android et iOS là, donc ça date aussi là du mobile. Ils ont commencé avec le BBM, BlackBerry Messenger, et là ils vont faire l'ensemble de leurs choses, qui sont quand même spécialisés en sécurité, ils ont beaucoup de brevets là-dessus, donc voilà. Et l'autre modèle de smartphone dont je voulais parler, c'est quelque chose dont j'ai pas grand chose à dire parce que c'est très secret, justement, ça s'appelle le Blackphone, qu'on a vu à ce salon. C'est vraiment un marché niche, hein, donc c'est Silent Circle qui propose ça, et c'est des terminaux complètement sécurisés. Donc là, c'est le Blackphone 2 qu'ils ont présenté, et c'est tellement sécurisé qu'on a vraiment même pas trop d'infos sur ce produit, en fait, hein. Donc c'est complètement clairement destiné aux entreprises qui cherchent à protéger leurs données. Ça rend par exemple toutes les communications par texto et appel intraçables, on peut pas les ouvrir. Donc voilà, si vous voulez passer des appels intraçables, vous pouvez vous acheter un Blackphone de chez Silent Circle. Ça, c'était pour la partie téléphone. Je sais pas si toi t'en avais repéré, Stan. Bon, repéré non, mais juste pour dire que HTC par exemple a présenté son nouveau One, le M9. Sony qui a présenté sa tablette Xperia Z4, pas son téléphone encore. Voilà. Bon, c'est vrai que les téléphones, finalement, bizarrement, pour un mobile World Conference, c'est pas tellement les téléphones qui ont fait parler d'eux. Non, c'est plutôt le côté mobile, genre mobilité. Ouais. Alors, je reparlerai d'un autre téléphone peut-être juste après, moi, pour conclure la news. Ouais. Parce que c'est un peu différent. Je voulais quand même parler de quelque chose d'un peu différent. C'était d'IKEA qui était présente. Vous l'avez sûrement vu. Moi, c'est un peu l'annonce que j'ai retenue, bizarrement, de ce Mobile World Congress. Alors, ils étaient pas présents, ils avaient pas un stand, hein, mais ils ont annoncé, en fait, que, alors, de ce Mobile World Congress, que, ils allaient distribuer dès le mois d'avril en Europe, donc là, hein, une série de meubles qui permettrait de recharger vos smartphones avec de la connexion sans contact. Donc voilà, vous aurez vos tables de chevet IKEA, vos lampes de bureau qui seront compatibles avec ce standard qui s'appelle le standard QI. Donc ça recharge par induction magnétique vos appareils électriques, et il y a déjà 80 smartphones qui sont déjà compatibles, hein, et justement les fameux Galaxy S6 et S6 Edge sont déjà compatibles, donc vous pourrez poser votre téléphone nonchalamment sur votre table basse et ça le rechargera. C'est pas mal ça. Ouais, je trouve que c'est super intéressant. C'est bien, ouais. Vraiment. Alors, il y a 80 smartphones, ça paraît beaucoup, mais en même temps, c'est rien sur le marché. J'imagine que les Nokia sont compatibles. Parce que je peux pas te dire la liste entièrement. La technologie QI, je crois qu'ils sont compatibles. Mais je dis peut-être une grosse bêtise. En tout cas, cette annonce d'IKEA, ça va certainement inciter beaucoup de constructeurs à aller vers cette norme QI, parce que ça va être la démocratisation. Hein, concrètement, s'il y a plein de gens qui ont commencé à avoir des meubles qui chargent comme ça. Donc, moi, je trouve ça intéressant parce que c'est une bonne solution pour pas avoir des câbles partout, hein, ce que personne n'aime vraiment. Tu veux dire que tout le monde se meuble chez IKEA, quoi ? Bon, pas tout le monde, mais une partie des gens quand même, quoi. C'est vrai. Une partie de l'humanité. Donc voilà, on a des meubles en commun. Hein, IKEA tous. Boy, espèce d'IKEA boy. Et ouais. Et je parlerai aussi d'un autre aspect qui m'a séduit moi à cette réunion la MWC, c'était la biométrie. On n'en parle pas souvent de la biométrie, mais moi c'est quelque chose que j'aime bien. Et ben à la biométrie, on a vu que ça allait pas se limiter finalement seulement à la lecture d'empreintes digitales ou à la reconnaissance de visage, parce qu'il y a Fujitsu qui a annoncé, qui a présenté à Barcelone une nouvelle technologie de lecture de l'iris, qui donc, repère un peu grâce aux particularités uniques de chaque œil à qui il appartient et puis savoir s'il peut débloquer ou pas votre smartphone. Donc c'est simplement un petit boîtier ajouté dans n'importe quelle série de smartphones. Ça pèse un seul gramme et c'est composé d'une lumière LED infrarouge, d'une caméra infrarouge et qui fonctionne en tenant le téléphone à une distance normale. Donc c'est compatible notamment avec le protocole FIDO qui va être intégré à Windows 10. Il faut savoir que Windows derrière, je précise ça pour l'historique, mais avec Windows 10, Microsoft a l'intention de faire disparaître vos mots de passe. Ils en ont marre des mots de passe, tout le monde les perd, tout le monde les craque, etc. Et du coup, ils ont pris en charge, on va dire, le protocole FIDO qui a ce principe-là de se dire comment on se débarrasse des mots de passe et notamment via la biométrie. Et donc, cette caméra de Fujitsu, cette petite tracking de rétine permettra de le faire. Il y a aussi le chinois ZTE qui avait présenté un terminal un mobile assez haut de gamme et pareil, qui se déverrouille via un scan des yeux des propriétaires. Donc, ça fait très Minority Report. Ça scanne en fait les veines présentes dans l'œil humain, parce que chacun a des veines très différentes apparemment. Et du coup, c'est pas mal parce qu'on peut juste en regardant son téléphone, on le déverrouille. Tout simplement, pas besoin de faire un geste, ça va encore plus vite. Donc c'est assez bluffant. Et au niveau quand même d'empreintes digitales, il y a Qualcomm qui a annoncé un truc assez bluffant, j'ai trouvé. C'est une technologie d'authentification par empreinte digitale en 3D basée sur les ultrasons, donc qui est beaucoup beaucoup plus précise que ce qu'on a actuellement. Et qui permet de se faire malgré la substance, comme de la sueur, si vous mettez de la crème sur les mains aussi, ce genre de choses. Normalement, actuellement, avec un iPhone, ça bloque et vous pouvez pas débloquer votre iPhone. Là, avec cette nouvelle technologie, comme c'est en ultrasons en 3D, ça permet de pénétrer les différentes couches de peau et de voir à chaque fois, par exemple, les stries, les pores, etc. Donc, malgré la présence de crème, c'est beaucoup plus précis, beaucoup plus sécure apparemment que ce qui existe actuellement. Voilà pour la biométrie, c'est un peu l'avenir. Ça me fait rire en fait. Pourquoi ton téléphone scanne tes stries et tes pores. Vous avez les pores un peu relâchés. tant qu'il est sécurisé, écoute, tant que ça marche. J'ai toujours su que les téléphones étaient des gros cochons. Ah ça, tu m'étonnes. Et je finirai justement avec un téléphone assez cochon. Le projet ARA, dont je voulais absolument parler, qui est le smartphone modulaire qui permet, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est un smartphone complètement modulaire qui vous permet de changer à loisir tous les composants que vous voulez. Donc en gros, ça c'est Google qui a eu un peu qui, on va dire, qui est derrière ce projet. Il fournit la base, l'endosquelette, et vous fixez sur ce endosquelette tous les modules que vous voulez, qui sont conçus, ces petits modules, par des partenaires, par exemple Toshiba ou Yeez. Et là, donc, c'était Yeez qui avait un stand au Mobile World Congress. Et c'est un peu le stand qui a fait le buzz, en fait, parce que c'est la première fois qu'on voyait vraiment le projet ARA, qu'on pouvait le prendre en main, que les journalistes pouvaient l'essayer, pouvaient enlever un module de webcam, par exemple, et mettre un autre module de batterie supplémentaire en plus, ce genre de choses. Alors, c'est un peu bizarre, on se dit, quelle est l'intention de Google avec ça? Est-ce qu'il faut viser un micro-marché, etc.? Et apparemment, selon Yeez, qui avait ce projet ARA là, sur leur stand au MWC, c'est quand même un projet mass market. Le but, c'est quand même de toucher les 5 milliards d'utilisateurs potentiels de smartphones dans le monde. Donc pourquoi pas, il y a un premier test qui va se faire à Porto Rico avec entre 50 et 100 modules différents. Donc vous pourrez choisir, est-ce que tiens, je rajoute de la batterie en plus, est-ce que je rajoute une caméra en plus, est-ce que je rajoute un écran en e-ink en plus. On peut rajouter un peu de ce genre de choses. Et vous pouvez composer vous-même votre propre téléphone de 50 à 300 dollars en gros. Perso, ça m'intrigue un peu ce projet, j'ai un peu le peur que ça se plante, mais en même temps ça peut être complètement l'avenir du smartphone, c'est un peu le but. Ils voudraient complètement en fait rechanger le marché complètement des smartphones, à l'inverse d'Apple qui va coller sa batterie à ses terminaux et vous pourrez plus jamais l'enlever. Là vous pourrez changer tout ce que vous voulez. Mais si déjà on pouvait changer les batteries de nos téléphones, ce serait déjà un grand pas. C'est le cas, là tu pourras non seulement changer la batterie, mais si tu casses l'écran tu peux changer l'écran. Amusant parce que ça va un peu à l'inverse de la tendance de ce qu'on fait sur les ordinateurs. On simplifie les ordinateurs à outrance Par contre, en faisant tout en un et ouais. Le téléphone s'éclaterait. Bah là, en tout cas, là où ça rejoint une autre tendance, c'est ça rejoint la tendance à lutter contre l'obsolescence programmée. Ça, c'est une bonne chose. Oui. Et du coup, ça, c'est vraiment un changement de modèle, même écologique derrière. Comment on va pouvoir consommer tous ces petits blocs, etc. Ça va être assez intéressant. Donc le projet ARA, si vous en avez jamais entendu parler, c'est pas forcément très beau à voir pour l'instant. Hein. Je pense que c'est pas encore tout à fait fini, on va dire. Mais je vous incite moi à aller voir quand même comment ça marche parce que c'est un peu bizarre. On voit les gens qui enlèvent des parties de leur téléphone et qui en mettent d'autres à la place, qui rajoutent une caméra s'ils veulent ou pas. Mais c'est standardisé, c'est ça que tu as dit ? C'est standardisé, donc c'est Google derrière ça. Donc logiquement aussi, un début pour Google, là derrière, c'est d'imposer encore un peu plus Android dans le monde, hein, même si ça fait 80% des ventes de smartphones actuellement. Je pense qu'ils veulent un peu effacer iOS, même s'ils auront du mal. Mais c'est un projet vraiment très intéressant à suivre, très enthousiasmant. D'ailleurs, Google qui a fait une autre annonce pendant ce MWC, ils ont annoncé qu'ils allaient se lancer comme opérateur. Je vais aller assez rapidement dessus, c'est une rumeur qui traînait depuis un petit moment. Et en fait, ils ne vont pas se lancer en tant que vrai opérateur, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas déposer des antennes eux-mêmes, ils vont être un opérateur virtuel, comme peut être Virgin Mobile ou La Poste. Et ils vont commencer déjà juste aux États-Unis, ils vont utiliser des réseaux existants, et d'abord peut-être même juste dans la ville, là où ils sont. Et ça sera compatible qu'avec certains téléphones, déjà ils vont commencer sur la gamme Nexus. Voilà. C'est intéressant ce que tu dis, parce que du coup ça veut dire qu'ils fabriquent le téléphone, enfin ils font fabriquer le téléphone, par exemple le projet ARA ou Nexus, et puis maintenant ils ont aussi leur propre réseau, enfin ils vont avoir de plus en plus je sais pas si ça va aller très loin, mais déjà Google, je sais pas si vous savez, ils sont fournisseurs d'accès à Internet aux États-Unis dans certaines villes. Voilà. C'est très particulier. C'est-à-dire ça se développe pas vraiment, ils veulent développer un Internet très rapide, donc c'est de la fibre très rapide, mais voilà, ils se développent pas vraiment. Donc est-ce que ça va faire pareil pour le téléphone, des tests mais sans grande envergure? C'est peut-être une vision à très long terme, hein, qu'ils ont. Peut-être, voilà, je sais pas, mais c'est intéressant de savoir qu'ils se lancent là-dedans. De toute façon Google se lance dans plein de choses à la fois, donc voilà. Et dernière chose qui a retenu notre attention, je dis notre parce que je crois que Rigo aussi. Je ne sais pas de quoi tu vas parler. J'attends de savoir. Le casque de réalité virtuelle de HTC. Ah bah oui, bien sûr. Le Vive ou le Vive. Avec Valve. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que c'est avec le Valve, comme tu le dis. On décrira exactement le fonctionnement de ce casque un peu plus loin dans la partie jeux vidéo, parce que ça rejoint un peu plus les jeux vidéo. Mais c'est un casque qui a l'air assez impressionnant. Ils ont aussi un peu volé le show de la Mobile World Conference. Exactement, avec ce casque. Donc voilà, pour l'instant c'est juste teasing, et on en reparle tout à l'heure dans la partie jeux vidéo. Restez connectés. Waouh. Voilà, c'est tout ce qu'on devait retenir pour le MWC. C'est tout ce que nous on a retenu. Oui. Il y a sûrement des trucs qu'on oublie, mais en tout cas c'est ce qui nous a marqué. On pense que vous avez l'essentiel avec ça. Avec un petit cocktail saucisse, vous pourrez en parler de façon très détendue. Avec ces quelques je ne sais pas pourquoi cette expression. Je ne sais pas ce qui se passe, ce podcast part très mal. Julien, on va te donner un peu la parole. Merci. Tu as été très silencieux. Non, j'écoutais attentivement. J'ai pas trop suivi la mobile. World Conference. Bon, je crois que tu veux nous parler d'un certain site un peu inconnu qui s'appelle Facebook. Ouais, je vais vous, en fait, plus particulièrement de Facebook, je vais vous parler d'une affaire qui concerne Facebook et qui a connu, en fait, entre nos deux podcasts, un rebondissement qui pourrait faire jurisprudence au niveau juridique. En fait, je vais remonter un petit peu loin puisque le litige remonte à février 2011. Il ne faut pas être pressé quand on fait une action juridique. Et quand on suit les news, il faut suivre au moins sur 4 ans ou 5 ans. En fait, c'est un instituteur français qui avait partagé sur son profil Facebook le tableau L'Origine du Monde de Courbet. Alors, Courbet, c'est Gustave, hein, pas Julien Courbet. Julien Courbet peint un peu aussi, je crois. Peut-être. Il ne fait pas des fenêtres, lui. Ça va trop loin, ce podcast. Voilà, pour ceux qui sont vraiment très dans l'actu, hein, voilà, qui ne sauraient pas qui est Gustave Courbet. Bon, pour le coup, là, je plaisante, mais on sait tous à quoi ressemble cette œuvre. Hein. C'est un sexe féminin, je ne sais pas comment dire, pas vraiment en gros plan, mais... Quasi en gros plan, ouais. Ouais, en plan serré. Plan américain, plan italien. Non, italien, j'allais dire. On est en plus en plan italien. Et donc, les algorithmes de Facebook, ils n'ont pas aimé et ils sont vite emballés. Quoi, un sexe féminin sur notre réseau, alors qu'on sait tous que sur Facebook, on peut mettre les seuls chats qu'on peut voir, c'est des petits chatons, des petits chatous tout mignons qui font des trucs, qui sautent sur une gouttière, qui sautent sur un toit et qui se cassent la gueule. Donc pour le coup, le compte de l'utilisateur a été suspendu. Donc lui, il se dit, il contacte Facebook, il reçoit pas de réponse et il décide d'engager des poursuites en octobre 2011. Donc on comprend pourquoi, hein, quand on met une œuvre d'art sur un site, pourquoi c'est censuré. Donc voilà, en plus on se dit, c'est des algorithmes qui font ça. Après, ça peut être, retoqué par une intervention humaine. Donc, 4 ans plus tard, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, faut pas être pressé, le 22 janvier 2015, surprise en première audience, les avocats de Facebook estiment que la justice française n'est pas compétente pour juger l'affaire. Alors en fait, ils disent, en s'inscrivant sur Facebook, l'instituteur a en effet signé, et même l'utilisateur, des conditions d'utilisation qui stipulent qu'en cas de litige, seul le tribunal de Californie se révèle compétent et peut être saisi, car c'est dans cet état que siège Facebook. Donc en gros, c'est-à-dire que où que tu sois dans le monde, tu peux pas attaquer Facebook puisque ça dépend. T'as signé les conditions d'utilisation et eux, ils se réfèrent que au tribunal de Californie où ils résident pour statuer. C'est couillu d'avoir dit ça. Donc là, pour le coup, l'affaire est mise en délibéré. Et puis nouveau rebondissement donc le 5 mars dernier, puisqu'en fait le tribunal de grande instance de Paris s'est déclaré finalement compétent pour juger Facebook et estime abusive. Bam. Ce qu'on peut comprendre, abusive la clause qui désigne le tribunal de Californie comme étant seul habilité à trancher des litiges. Donc on voit qu'en ce moment, d'ailleurs, il y avait eu l'affaire aussi avec les no-go zones, où généralement on essaye un peu d'aller chercher des poux aux Américains. Hein. Tu sais pas si tu te rappelles de ça. Non, c'est quoi ça? T'avais pas vu ça? Ah, c'est Fox News qui avait fait une carte. Ouais. Ah oui, pardon, no-go zones. Oui, c'est vrai. Et, ils sont excusés et tout ça. Et d'ailleurs, je me rappelle qu'à l'époque, les Américains disaient, oui, mais de toute façon, ça passera pas parce que la France est pas à même de juger quelque chose qui se passe dans notre pays. Ouais, bah finalement, vous voyez. Non, mais là, c'est un gros boom, hein, parce que ça peut changer beaucoup de choses. Donc, conséquence de ce nouveau rebondissement, c'est que la procédure, elle reprend son cours normal. Et que la justice française va pouvoir se prononcer sur le fond de l'affaire. Puisque là, ils en étaient empêchés par ce système de procédure. Donc là, on peut dire que c'est vraiment une défaite pour Facebook, qui s'est à chaque fois caché derrière cette clause exclusive de compétence. Alors c'est vrai qu'on doit signer cette clause. Maintenant, bon, généralement, tu ne lis pas forcément les petits détails. Et justement, l'avocat de l'internaute qui avait dénoncé en première audience cette clause a déclaré « Si je comprends bien et si on suit votre logique, en parlant justement, en s'adressant à l'avocat de Facebook et à Facebook lui-même, aucun des 22 millions d'usagers de Facebook en France ne pourra jamais saisir une juridiction française civile en cas de litige. » Donc voilà, on comprend bien que là, il y a une sorte de vide juridique. Ça faisait un peu gloops, ouais. Si t'as un problème avec Facebook, tu t'es dans la merde. Ouais, là, pour le coup, cet avocat Cotino, il a attaqué, à mon avis, sur le bon angle pour dire, on ne peut pas laisser passer ça en termes de juridiction. Donc voilà, c'est une première manche qui est gagnée contre Facebook, puisque cette décision du tribunal de Paris pour se déclarer compétent va faire jurisprudence. Et désormais, tous les utilisateurs de Facebook, toi, moi, on pourra saisir la justice en cas de litige. Waouh! Et donc là, pour le coup, Cotino, l'avocat Stéphane Cotino, il va même plus loin. Il dit que c'est une première manche gagnée par David contre Goliath. Compte tenu de l'aura du tribunal de grande instance de Paris, cette décision va faire jurisprudence pour les autres réseaux sociaux et autres géants du net qui utilisent l'implantation à l'étranger de leur siège social, principalement aux États-Unis, pour tenter d'échapper à la loi française. C'est sympa ça. Voilà, donc on peut penser là, pour le coup, qu'il y aura vraiment une jurisprudence. Oui. Peut-être même ça va leur monter à la jurisprudence européenne, ça. Donc ça pourrait même influencer dans les autres pays européens après. Les décisions, tu vois, en Belgique, ils pourraient aussi prendre la même décision, etc., etc. Ouais. Donc énorme conséquence. Ouais. Et pour le coup, on ne sait pas si l'instituteur a eu un compte réactivé suite à ça. Ou si on aura le droit de publier des images de saints et de chattes après, quoi. Honnêtement, ça me manque, moi. Moi, je vais faire un procès parce que je voudrais mettre des gifs sur Facebook. J'aimerais bien. Non, mais là, on voit que confondre quand même une œuvre d'art qui est quand même une œuvre. Ah, bah ça, c'est le problème des algorithmes. J'ai un ami qui m'expliquait que Facebook s'était filtré à la main. Ah bon? Ah ouais? Oui. Il y a quand même une partie d'algorithme qui détecte. Il y a une partie, mais je pense que l'algorithme fait juste remonter un problème. Ouais, et après ils décident. Donc c'est juste de tomber sur une personne qui n'y connaissait rien. Et qui... C'est ça. Qui a jugé que c'était injurieux. Je ne veux pas juger la personne qui a fait ça. On peut ne pas connaître, hein, mais bon. Oui, tout à fait. Surtout l'aspect très réaliste du tableau. Oui, fait qu'on peut croire que c'est une photo. Ouais. Et voilà. Bon, merci Julien. C'est vrai que ça peut être important comme news en fait à long terme. Grégoire, tu... Moi je vais reprendre la parole du coup, mais je vais vous parler d'une grosse news, forcément une grosse actu qu'on a eue entre nos deux podcasts, qui est à savoir bien sûr l'Apple Watch qui a été dévoilée le 9 mars. Hein, on a eu le droit à l'annonce officielle de l'Apple Watch. Bon, je vais rappeler rapidement peut-être ses principales caractéristiques parce que j'imagine que si vous nous écoutez, vous aimez la techno, donc vous avez un petit peu entendu parler de ça. Rapidement, les choses qu'on savait déjà, en gros, c'est qu'elle peut fonctionner seule sans l'iPhone, notamment pour écouter de la musique. Elle peut recevoir des appels directement. On savait, et ça a été confirmé, qu'elle serait disponible en deux tailles, donc à savoir 38 mm de hauteur et 42 mm de hauteur, qui serait déclinée en trois versions, la Watch normale, la Watch Sport et la Watch Edition, respectivement en acier inoxydable, en aluminium et en or 18 carats. Ça m'a fallu. On en reparlera, je pense. Pulse. Voilà, on a eu confirmation que c'était un écran Retina tactile, donc un bel écran, hein, et qui serait capable de faire la différence entre une pression et un tapotement léger. Que la couronne, bon, voilà, qui serait digitale, pourrait permettre de faire défiler les menus, qu'on retrouverait Siri. Je fais une petite précision sur les interactions avec l'Apple Watch. C'était assez intéressant parce que donc il y a The Verge notamment, qui est une de mes sources préférées, on va dire en techno, qui a pu mettre un peu la main sur l'Apple Watch et qui a pu un peu tester justement ces différentes interactions qu'on pouvait avoir avec avec la montre, avec voilà la couronne, les tapotements, etc. On va dire quand même, The Verge, ils sont un petit peu habitués à manipuler des objets de technologie. Et là, ils disent qu'ils ont passé 10 minutes à trifouiller la montre et qu'ils ont trouvé ça très difficile de servir de l'Apple Watch. Et qu'ils étaient super refroidis par ça et qu'ils n'avaient pas, au bout de 10 minutes, compris tous les usages de l'écran tactile. Donc moi, ça m'a beaucoup étonné cet aspect-là. Parce c'est surprenant. Bon, Apple, c'est un peu l'accessibilité avant tout. Normalement, tu prends un produit Apple en main, tu t'en servir tout de suite. Et là, eux, ils ont mis 10 minutes, c'est des pros de technologie et ils ont galéré. Donc bon, ça, c'était un peu la petite parenthèse qui m'a un peu refroidi. Dans les usages, l'Apple Watch donnera l'heure, hein, bien sûr. Ouf. Et elle sera totalement personnalisable. Hein, donc vous pourrez modifier tout l'aspect de votre écran. On a vu l'histoire avec Disney, là, le Mickey qui donnait l'heure, etc. Elles afficheront, l'écran affichera les notifications. Comme je vous l'ai dit, vous pourrez stocker de la musique localement. Il y aura un cardiofréquencomètre, un accéléromètre pour suivre vos efforts, votre activité physique, vos déplacements. Ça fera moyen de paiement sans contact, ça servira de clé pour dévoyer une voiture, etc. etc. Au niveau de la batterie, qui était quand même un des points, on va dire, fondamentaux sur lequel on attendait Apple. Alors, qu'est-ce qui a été annoncé ? C'était une durée de 18 heures qui a été annoncée en usage normal. Voilà ce qui a été dit. Du coup, je suis allé un petit peu renseigner quand même. Éteinte. Qu'est-ce que Lisa voulait dire ? Si vous l'éteignez, c'est à 18 heures. Si vous l'allumez, c'est 3 minutes. Ah merde ! Moi, ça m'a intrigué quand même. J'ai un œuf dur là, 10 minutes. Ça va pas marcher ? Vous pouvez pas, non. Vous non, pouvez non, pas vous en servir. Merde, pour... on rit là. Oh, alors, on va arrêter de troller. Oui, mais non, mais plus sérieusement, c'est vrai que je me suis dit, qu'est-ce que ça s'appelle usage normal ? Parce que c'est pas très clair comme terme, on va dire. Alors, sur le site d'Apple, on trouve en fait, en cherchant un peu ce qu'ils appellent un usage normal, et pour eux, c'est donc vérification de l'heure 90 fois. 90 notifications, 45 minutes d'usage d'application et 30 minutes de sport avec de la musique. Voilà ce qui fait qu'ils appellent un usage normal pour une journée et ça, d'accord, ça vous permet de la faire durer 8 heures. Si par exemple. 18 heures, pardon, excusez-moi. Si vous mettez en route le cardiofréquencemètre en écoutant de la musique et que vous faites que ça, là ça tient 6,5 heures. Si vous passez votre télécoup de fil avec votre montre et que vous faites que ça, hein, vous téléphonez avec votre montre, et ben là vous pourrez le faire que pendant 3 heures et puis elle tombera après en rate de batterie. Voilà, vous trouvez un peu toutes ces infos sur le site d'Apple. On n'a pas trop entendu parler, en tout cas j'ai pas revu dans la presse cette petite chose, mais on avait eu une info du New York Times qui semblait indiquer qu'il y aurait peut-être sur l'Apple Watch une fonction qui intégrerait qui s'appellerait Power Reserve, qui serait un peu un mode veille qui indiquerait juste l'heure, vous verrez l'écran avec l'heure et que voilà, en gros ça permettrait de conserver un peu le service minimum. J'ai pas eu confirmation pour l'instant de ça, je cherche un peu des infos là-dessus, donc si vous en avez dans les commentaires n'hésitez pas à me le dire, je ne sais pas si ça a été confirmé ou pas. Du coup, ils ont pas mal insisté sur la facilité à recharger sa watch hein, lors de l'annonce, hein, forcément. Donc voilà, notamment avec la technologie MagSafe, chargeur par induction. Bon, bah, au niveau des prix, ils ont été du coup disponibles. C'est on a hésité, hein, voilà. Donc c'était la version sport, c'est 399 € pour le cadran de 38 mm et 449 € pour les 42 mm. La version classique, donc c'est celle avec l'acier inoxydable, etc. C'est 649 € ou jusqu'à 1249 € avec les différentes combinaisons voilà de d'options. Et la version édition, donc la plus luxueuse, bon bah c'est 11 000 € hein, en France. Celle que j'ai précommandée. Ouais. C'est ça. Ça rapporte le podcast. C'était ça ou un Amiibo. Finalement, il a craqué. J'en ai pris deux pour la batterie, une à chaque bras. Voilà. En plus, c'est classe. En plus, c'est beau. Fini les Rolex. Du coup, moi, ce qui m'a intéressé au-delà de l'annonce de l'Apple Watch, voilà, en gros, on savait déjà tout. Donc, l'accueil n'a pas été très, très, très, très chaleureux. Hein, j'en reparlerai un petit peu plus tard. Moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était l'attente, savoir si en France, qu'est-ce qu'on en pensait un petit peu de ça. J'ai trouvé quelques études. Alors, déjà, quelques semaines avant l'annonce, il y avait une étude réalisée par Kantar qui était sur les montres et accessoires connectés en général, hein, pas que sur l'Apple Watch, et ça a révélé un intérêt très limité des Français pour ces nouveaux gadgets. Pensais, ouais, non, très limité. C'était quoi ? C'était 64% des Français qui affirmaient qu'ils n'achèteront pas de montre ou bracelet connecté dans les 12 prochains mois, donc 2/3 des Français quand même, et seulement 1,2% des Français qui avaient déjà un tel objet au moment de l'étude, donc c'était il y a quelques semaines. Est-ce qu'on peut passer de 1,2% à 60% de Français qui seraient équipés d'ici un an ? Ça me paraît quand même être un gap assez énorme, donc je suis un peu pessimiste là-dessus, d'autant plus que pour 58% des sondés, donc un peu plus de la moitié, les montres et bracelets connectés, ils ne les trouvaient d'aucune utilité. Ils ne voyaient pas du tout l'utilité. Et que pour 30% d'entre eux, en plus, c'était trop cher. Et le prix maximum qu'ils accepteraient de payer pour les trois quarts, donc pour 76% des gens, c'était 200 euros. Donc on est loin de l'Apple Watch, hein, pour le coup. Donc, bof, ça sentait pas très bon, on va dire, pour les accessoires connectés. Et à côté de ça, il y a une autre étude de Toluna pour le magazine LSA. Donc là, pareil, un échantillon représentatif, etc., etc. Et là, ils ont fait une étude un peu particulière parce qu'ils ont fait deux sondages, un avant et un après la keynote d'Apple. Et il s'avère qu'en fait, donc, il y avait combien de pourcents des Français ont entendu parler du lancement de l'Apple Watch, à votre avis? Je ne sais pas si vous avez une opinion là-dessus. Pas mal, non? 50%? Stan? Oui, je dirais pareil, en fait. Hein. Ouais, 53,8%. Vous êtes bons, les gars. 53% des Français ont entendu. C'est pas mal. Ouais, et oui. Ça a augmenté de 19 points en 3 jours, hein, donc, suite à l'Apple Watch. Donc, ils ont plutôt réussi leur opération de presse, on va dire. Par contre, au niveau de la conviction, ça, ils sont moins bons, malheureusement, Apple. Il y avait 63,8% des gens qui aimeraient bien l'essayer. Mais il faut savoir que ça a perdu. En fait, ça a diminué suite à l'Apple, à la conférence. Hein. Donc, avant, c'était à 67%, puis c'est passé à 63% suite à la conférence d'Apple. Et pareil, avant la conférence, il y avait 14% des Français qui estimaient pouvoir l'acheter et qui voulaient l'acheter. Et là, ils sont plus que 10%, donc il y a 4 points de baisse après la conférence. Notamment, on imagine, puisque les prix ont été révélés et que le prix est quand même un gros frein à l'achat. Hein, c'est 70% des gens qui disent que c'est un des freins à l'achat, le prix de l'Apple Watch. Donc là, on voit que quand même l'accueil n'a pas été très très chaleureux. Tim Cook n'a pas vraiment réussi à apporter des nouveaux arguments à l'Apple Watch pour la première annonce, depuis la première annonce en septembre 2014. Avec un intérêt qui, je le répète, recule de 4 points, comme pour les intentions d'achat en plus. C'est des scores, pour info, qui sont assez, même qui sont bien inférieurs, alors j'ai pris ça dans un article, mais qui sont bien inférieurs à ceux obtenus par l'iPad. L'iPad où les gens l'avaient vraiment découvert et avaient accroché à ce concept-là. Là, l'accroche est beaucoup moins forte, hein, seulement 10% d'intention d'achat. Après, les analystes, en gros, disent que ça pourrait marcher, et notamment, pourquoi ça pourrait marcher? Parce que cette fois-ci, Apple a tout misé sur le design et notamment la personnalisation. Hein. C'est vrai qu'on peut la graver, il y a des rumeurs comme quoi on peut la graver, on peut avoir plusieurs bracelets, on peut changer tout ce qu'on veut. Et c'est intéressant parce que Kantar souligne qu'eux, ils ont peut-être raison de faire appel à cette part un peu irrationnelle et un peu émotionnelle, on va dire, dans la prise de décision du consommateur. Maintenant, moi, j'ai trouvé ça un peu, je sais pas ce que vous en pensez, mais surprenant. Moi, je connais pas très bien Apple. J'ai eu peu de produits Apple, mais j'ai l'impression qu'avant, quand j'achetais du Apple, moi, c'était plutôt des arguments rationnels qui me faisaient pencher. Typiquement, l'iPhone ou l'iPod. L'iPod, quand ils ont inventé l'iPod, il y avait une révolution du marché de la musique. C'était une autre façon de consommer la musique, etc. L'iPhone, c'était plus le téléphone à clapet un peu nul. C'était un téléphone qui avait des applications. C'est la première fois qu'on voyait ce genre de choses. Ça a complètement changé la façon. Et là, on comprenait l'intérêt, en fait, en y réfléchissant, même si, bien sûr, je dis pas qu'ils parlaient pas du design. C'était en plus, mais ils parlaient d'abord des applications et ça va vous changer la vie. Voilà ce qu'ils disaient. Là, ils ont pas trop parlé de ça. Ils ont beaucoup parlé surtout du design, en fait. Un autre changement. Comme tu disais, une des grandes forces d'Apple, c'est aussi le design. Hein. On achète les produits Apple parce qu'ils sont beaux aussi. C'est une des grandes forces. Voilà, c'est une des grandes forces. Là, le gros problème que je vois, c'est que si t'achètes une montre qui coûte 400 ou 500 euros ou dollars parce qu'elle est jolie, etc., et que l'OS se met à jour mais qu'elle rame. Tu te retrouves avec un objet très beau mais inutilisable, tu vois. Et pareil, la batterie, si elle dure 18 heures alors que tu viens de l'acheter, au bout d'un an, elle dure combien de temps? Ouais, Pour moi, tout ça, c'est des gros freins. C'est-à-dire que tu n'achètes pas un bijou si tu ne peux plus l'utiliser au bout d'un an, surtout à 500 euros, quoi. Ouais. Donc voilà, je suis très dubitatif. T'es très dubitatif et t'es pas le seul. Je sais pas toi. Moi, je sais pas, c'est parce qu'il y a quand même, pour moi, la jurisprudence iPad à la base. Moi, je pensais, là, tu disais à l'étude qui était meilleure pour l'iPad, mais moi, je pensais que l'iPad, ça marcherait jamais. Dans le sens où je me disais, les gens, ils ont un téléphone, donc une taille comme ça, ils ont soit un ordinateur, soit un téléphone. Donc je voyais pas l'intérêt d'avoir un appareil entre les deux. Or, pour le coup, je me suis totalement gouré. C'est cartonné. Et perso, j'en ai acheté un. Et au début, je me dis, je vais jamais m'en servir. Et en fait, j'ai beaucoup utilisé. Donc peut-être que ça fera. Ils vont peut-être aussi à créer un besoin, ce qu'ils arrivent quand même très bien à faire. Maintenant, je sais pas, le marché des montres, ça me semble quand même je sais pas, soit t'achètes une belle montre parce que c'est un truc esthétique, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait une fascination pour les montres ou vraiment une des volontés d'achat de montre. C'est une montre connectée. Donc montre est tombée dans la désuétude à partir du moment où on a reçu nos smartphones. Un petit peu, mais est-ce qu'il va pas revenir? Je pense que quand même, j'ai un peu envie de dire qu'Apple va sûrement réussir son coup. C'est Apple, on les voit mal se planter quand même à ce point-là. Après, ils ont pas des ambitions non plus de vendre des millions et des millions. Enfin, voilà. Et puis, il faut se souvenir du premier iPhone qui était quand même vraiment une purge, hein, qui avait un écran très, très mauvaise qualité, qui n'avait même pas la 3G alors que la 3G était déjà bien implantée. Et un an après, ils ont sorti une deuxième version qui était beaucoup mieux. Ouais, donc puis là, comme tu disais, Greg, tu as l'irrationnel aussi Apple. Mmh. C'est-à-dire qu'ils sont capables de vendre du produit sur le nom Apple, sur le design, sur quelque chose où à un moment, les gens la veulent et on ne sait plus trop pourquoi. Les gens, ils veulent un iPhone 6, même si c'est des bons produits, il y a une part d'irrationnel qui fait que Apple, voilà, ils peuvent vendre un peu ce qu'ils veulent, quoi. Ouais, alors dans les arguments rationnels, il y a un argument qu'ils n'ont pas pu mettre en avant parce que c'est compliqué de le vendre entre guillemets. C'est en fait que le fait que, et c'est The Verge encore une fois qui insiste beaucoup là-dessus, c'est le fait que l'Apple Watch va vous faire gagner du temps dans le sens où vous servirez quasiment plus de votre téléphone, en fait. Ça, j'y crois moins. Et bah eux, voilà, ils ont parlé, ils ont interviewé des gens qui la portaient depuis très longtemps, etc. Ils disaient, bah moi, je me sers plus de mon téléphone, il est tout le temps dans ma poche maintenant, mais je le sors plus jamais parce que je fais tout avec ma watch. Et du coup, bon, c'est vrai qu'Apple pouvait pas dire ça à sa conférence en disant, regardez, vous servirez plus de votre téléphone que vous avez acheté 600€. Ils pouvaient pas le dire, mais apparemment, c'est un changement de paradigme. Alors, quand même. C'est-à-dire qu'il y a une chose que j'ai pas compris, c'est que l'Apple Watch serait présentée comme autonome, ne dépendant pas du téléphone. Si, elle est connectée à ton téléphone, mais justement, si tu veux répondre à une notification, tu peux le faire directement. Mais de il faut montre. Toujours que t'aies ton téléphone avec toi. Bien c'est-à-dire sûr. Qu'une Apple Watch sans iPhone dans la poche ne marche pas. Tu ne le sors plus. Si, tu peux écouter de la musique, ce genre de choses, par exemple. Si, tu mais peux, elle marche. Tu peux avoir l'heure. T'as une carte SIM dans ton Apple Watch ? Non. Tu t'y passes tes appels via ton téléphone. D'accord, donc il y aura toujours besoin d'un iPhone. Mais ton téléphone, ce que je veux dire, c'est que oui, t'en auras besoin, mais tu le sortiras plus. Ce sera plus l'objet comme on voit tout le temps, ouais. Tout le monde dans les cafés avec leur téléphone, etc. Maintenant, ça serait un changement de paradigme, mais les gens seraient plutôt avec leur montre. Ça pourrait aller jusqu'à mais là. Donc, bracelet au monde comme prolongement du téléphone, je trouve que c'est bien. Moi, j'ai un bracelet connecté, je sais pas si vous voyez. Bah oui, moi, je vois ça. Ouais. Mais il n'y a même pas l'heure, d'ailleurs, je trouve ça dommage, mais c'est un cadeau qu'on m'a fait. Et en fait, maintenant, je peux presque plus m'en passer parce que quand j'ai reçu un appel, c'est le bracelet qui vibre. Ah, c'est marrant ça. C'est-à-dire que maintenant, dans la rue, avant, je loupais tout le temps mes appels parce que quand je marchais, je sentais pas vibrer dans ma poche. Et maintenant, c'est mon bracelet qui me dit t'as un appel, ou t'as un SMS, ou tu reçois des messages. Et vraiment, ça, c'est le petit plus qui fait que maintenant, je loupe plus qu'un appel et je pourrais plus m'en passer, quoi. Bon. Donc, je me dis qu'une montre avec un peu plus bien pensé, un peu plus de fonctions, prolongement du portable, ça peut être pas mal. À voir. À voir. On va rester chez Apple parce que Julien, tu voulais aussi nous parler du nouveau MacBook qui a été présenté. Oui, parce que c'était un peu, on s'est surtout focalisé sur l'Apple Watch, mais finalement, il y avait une petite surprise dans cette keynote. C'était la présentation d'un nouveau MacBook. C'était pas vraiment une surprise parce que on parlait surtout de l'Apple Watch, mais en fait il y avait le Wall Street Journal qui avait déjà un peu laissé, qui avait eu une fuite au niveau de ce MacBook, et on savait pratiquement déjà tout, que ça serait un 12 pouces et qu'il aurait un écran Retina. Mais donc ça s'est confirmé. Donc c'est un nouveau MacBook avec un écran Retina, donc 2304 x 1440 pixels, voilà, donc de 12 pouces pour un poids de 920 grammes. Donc ça, c'est quand même une performance. Ouais. Et 13,1 mm d'épaisseur. Donc ça veut dire qu'il est 25% plus fin que les précédents MacBook Air. Donc ça, c'est quand même une performance sur le design qui est assez impressionnante. Comment il fait pour qu'il soit aussi fin ? Alors déjà, ils annoncent une autonomie entre 8 et 10 heures. C'est très bien. C'est pas mal. Maintenant, je crois que c'est en dessous des... il me semble que c'est en dessous des R. Je crois que c'est 11 à 13 heures. R, ouais, je crois que c'est un peu plus. Bêtises. Alors forcément, quand tu réduis la taille, peut-être tu réduis aussi la batterie. Bon, 10 heures, je trouve que c'est déjà très très bien. Alors par contre, côté spécification technique, c'est un peu moins réjouissant puisqu'on a un simple Intel Core M et une puce HD Graphics 5000. Donc on n'est pas dans des spécifications d'ordinateur. En gros, pas de carte graphique et un processeur portable. Voilà. Voilà. Après, côté prix, on est toujours chez Apple. Hein, voilà, ça change pas. On a deux modèles. Le premier qui est à 1 450 € pour 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go. 1 450 €. Ouais. J'avais pas vu le prix. Ouais. Bienvenue chez Apple, on a envie de dire. Le second pour 1 800 € avec un processeur plus puissant et un SSD de 512 Go. Donc ça fait déjà quand même un bon prix pour des performances qui sont assez réduites. Ouais. Alors après, beaucoup disent que c'est simplement parce que c'est présenté un peu comme la machine à écrire du 21e siècle. comment on vend un produit avec des spécifications techniques assez J'espère moyennes. Qu'elle fait moins de bruit. Hein. Mais ça fait un petit peu un scandale, le côté la prise USB 3. Alors oui, voilà, c'est ça. Alors déjà, j'ai lu un retour de 01.net qui a pu tester le nouveau MacBook. Alors pour le coup, ils ont vraiment été emballés par le design et surtout par la légèreté de l'appareil. Je rappelle, 920 grammes, c'est quand même une performance assez dingue. Même chose pour la qualité de l'écran Retina. Bah ouais. Ils ont aussi été assez conquis par le clavier, qui est assez différent des précédents MacBook. Ils le trouvent plus compact, mais doté de touches en fait plus larges. Donc ce qui est assez étonnant, c'est-à-dire que finalement il est un peu plus ramassé, mais en même temps les touches sont plus larges. Donc ils disent que c'est une question d'habitude, mais tu vois, tes doigts passent pas entre deux touches. C'est plus facile de frapper les touches en fait. Alors bon, pour le coup, ils n'ont pas pu tester suffisamment longtemps, donc ils restent prudents sur la puce embarquée sur l'Intel Core M. Mais bon, voilà, ils reconnaissent que c'est un élément qui est limitant parce que c'est, on sait que c'est pas une puissance vraiment très importante. Quoi. Ouais. Et c'est plus, comme ils disent, c'est un appareil ultra portatif que t'emmènes partout, d'où le machine à écrire du 21e siècle qui sera peut-être bientôt repris par le marketing d'Apple. C'est pas mal comme idée finalement. Je trouve ça pas mal. Ouais. Ça, tu peux voir, tu vois une photo d'un vieil écrivain qui a sa machine et puis tu montes après le nouveau MacBook. Ça peut faire une bonne campagne. Voilà, donc là, ce que disait Greg, c'est vraiment point noir pour la connectique qui est très réduite. Alors, vu la taille, on se doute que voilà, ils peuvent pas non plus faire des miracles. Mais en fait, on peut pas recharger son MacBook et brancher une clé USB en même temps. C'est-à-dire qu'il y a un port, quoi. Ouais. Qui fait un port qui sert pour tout. USB-C. USB type C, ouais. Alors, ils auraient pu mettre ça sur le chargeur, en faire une sorte de hub. Mais là, pour le coup, c'est un chargeur type iPad. D'accord. Donc, tu vois, il n'y a pas du tout de. Tu n'as pas d'autres prises dessus. Alors, en fait, tu as la possibilité de brancher en même temps une sortie vidéo, une clé USB ou un adaptateur secteur si tu payes 89€ pour un adaptateur. Bah, comme le portable n'est pas très cher, je pense qu'on peut débourser 90€ de plus. Non, j'allais dire, quand tu peux mettre 1450€ dans un portable pas très puissant. Après, je ne sais pas si tu en as parlé ou pas, il y a un autre scandale un peu qui fait. Mais c'est plus aux États-Unis que ça fait un peu plus scandale, cet aspect-là sur le nouveau MacBook, c'est la caméra. Qui filme qu'en 480p en fait pour la webcam. Ah oui, c'est pas beaucoup. Et c'est vraiment pas beaucoup quoi. Enfin, sur un produit aussi cher, on va dire, parce que ça va suffire pour de la webcam. Mais si tu veux faire souvent les utilisateurs de Mac, on va dire, ils aiment bien faire des vidéoconférences avec en full screen, etc. Bah là, en 480p, ça va être très très moche. Ça pique surtout sur un écran Retina. Sur un écran Retina. Ça fait un petit scandale là-bas. Bon, voilà, disons que c'est un argument encore en moins. Après, c'est vrai que l'objet est magnifique. Hein. Ouais. Bon. Après, tu sens que c'est surtout un chouette design plus qu'un chouette performance. Décidément, entre l'Apple Watch et le nouveau MacBook, ils sont à fond sur le design, mais ils oublient un peu le reste là. Je préciserai juste entre parenthèses, une petite parenthèse, qu'il y a, il y a le Chromebook Pixel 2 qui est sorti, qui a été annoncé par Google au même moment, et qui a des caractéristiques qui sont largement plus intéressantes, puisque bon, voilà, il a deux ports USB type C, il a trois ports USB 3, enfin voilà, il a tout ça. Il est aussi fin, il est plus puissant, il a un processeur i-Core i5 sur la version la plus basse. C'est bien. 8Go de RAM, SSD 32 gigaoctets et il est à 1000$. Donc bon voilà, qu'il faut accepter Chrome. Voilà, c'est du Chromebook, donc ça veut dire que vous êtes sur Chrome OS et de toute façon le but pour eux c'est pas d'en vendre des milliards comme Apple parce que c'est un truc plutôt pour les employés de Google en fait. Hein. C'est-à-dire que vous aurez très beaucoup de mal à l'acheter vous-même si vous le voulez. Mais bon, ça m'a fait un peu sourire d'avoir les deux annonces quasi à 2-3 jours d'intervalle parce que tu voyais les spécificités du Chromebook Pixel, il était une fois et demi moins cher et il était beaucoup mieux. Donc le design c'est bien. Moi j'aimerais bien l'avoir le nouveau MacBook, hein, mais là je trouve que les caractéristiques sont un petit peu la ramasse pour le coup. Ouais, mais bon, le Chromebook, il a pas une pomme sur la, sur la devanture. Tu peux coller un petit papier pomme, tu sais, attends. Enfin bon, bref. Bah, justement, je vais rester dans Google. Moi, je vais reprendre la parole. On a eu beaucoup de news ces derniers temps qui disaient que Google abandonnait le chiffrement par défaut sur ses téléphones portables. Alors, il y a eu un Google bashing, entre guillemets, en disant « la NSA demande de pouvoir regarder dans tous les téléphones, donc Google abandonne le chiffrement, etc. » Donc, il y a plusieurs sons de cloche. Un des sons de cloche, c'est celui que je viens de vous dire. Et l'autre son de cloche qu'on a moins entendu, mais qui je trouve important de préciser, c'est que Google a expliqué qu'en fait... sous Lollipop, par défaut, le chiffrement a été activé. C'est-à-dire que tous les messages qu'on envoyait étaient cryptés et que la NSA ou d'autres organismes ne pouvaient pas jeter un œil dedans. Et qu'ils ont abandonné ce chiffrement, non pas par demande du gouvernement américain, mais parce que la puissance de calcul nécessaire était trop importante. Donc, sur les Nexus, la gamme Nexus, les téléphones de Google, le chiffrement est toujours activé. Et il faut savoir que, tout simplement, vous allez dans votre téléphone et sous Lollipop, vous pouvez réactiver le chiffrement si c'est vraiment important pour vous. D'accord. Dans les règles. C'est pas un abandon officiel, c'est juste une option décochée. En fait. C'est juste une option parce qu'il y a des téléphones qui rament depuis qu'il y a le chiffrement qui a été mis par défaut. Donc, une mise à jour a supprimé, juste a fait basculer le chiffrement par... non activé, voilà. Ouais. Il suffit de le remettre en on si vous voulez, mais il faut savoir que ça peut faire ramer un peu plus votre téléphone. Ok. Voilà, c'est juste parce qu'il y a une sorte de Google bashing que je trouve un peu à justifier et je voulais rétablir ce petit détail. Grégoire, tu nous parles du paiement sans contact ? Oui, je vais aller assez vite là-dessus puisque justement c'était aussi une des annonces au Mobile World Congress dont on a un petit peu parlé en introduction de cette partie technologie. Et là, c'était juste parce que ce qui m'avait intéressé, c'est que Sundar Pichai, donc le vice-président de la division Android, Google Chrome et Google App, a confirmé l'activité d'Android Pay. Voilà, ce qui va tenter de réussir là où Google Wallet a échoué. Donc là, concrètement, c'est Android Pay qui va stocker des informations. J'adore ce nom. Quand tu le dis, Pay. C'est un homme de paix ou c'est un homme de paix ? Oh là là là là. Oh, je sais. L'état d'esprit de ce podcast. Je quitte ce podcast. Android Pay va stocker des informations de paiement. Je vais plus y arriver du coup. En gros, le principe, c'est pas de faire exactement comme Apple Pay. Mais de prendre en forme, c'est plutôt une application centralisée, on va dire, pour que les développeurs fabriquent de leur côté eux-mêmes leur système de paiement sans contact et tout ça sur la technologie NFC. Je ne réexpliquerai pas, je sais pas si ça vous intéresse, hein, je peux vous expliquer rapidement comment ça peut... La technologie NFC ? Non, pas ça, le système de comment ça marche le paiement sans contact, c'est avec le système de jetons, juste comment c'est protégé, en fait, concrètement. C'est un peu bizarre de dire système de jetons. Bah, c'est un système de jetons, en fait. Hein, comme c'est... au poker, t'as des jetons dans ta poche ? Non, c'est des jetons virtuels, Stanislas, qui transforment ton numéro, qui transforment ton numéro de carte bancaire en un jeton, servant uniquement à l'occasion d'une transaction. Ah, comme les cartes bancaires virtuelles. Voilà, exactement, ça transmet ces données donc au terminal de paiement, et ça permet de... Bah, si voilà, ton paiement est intercepté par un pirate, bah, le jeton que tu as déjà employé, qui s'est créé pour ce paiement-là, il n'est plus utilisable. Donc, on ne peut pas te repirater, on ne peut pas reprendre cette somme-là et on ne peut pas s'en servir autrement. Voilà, voilà. Du coup, ça ne va pas signifier la disparition de Google Wallet, mais en même temps, bon, il n'y a pas grand monde qui s'y intéresse à Google Wallet, donc ce n'est pas très, très grave. L'autre information intéressante, c'était quelque chose dont j'avais parlé il y a longtemps dans un podcast, je crois 2 ou 3, c'était Samsung Pay. Désolé pour le pays. Et du coup, bah, on, voilà, j'avais dit à l'époque que Samsung se rapprochait d'un système qui s'appelait Loop Pay pour pouvoir proposer aussi leur système de paiement sans contact suite à l'annonce d'Apple Pay. Et donc, ça, très bien, Grégoire. Ça s'est officialisé. Hein, ils se sont rapprochés longuement de Loop Pay avant de le racheter. Et le gros avantage de Samsung, c'est qu'ils proposent ce qu'on appelle la Magnetic Secure Transmission. Donc, tout simplement, j'en avais parlé à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est un paiement magnétique. Ça va imiter le passage d'une carte bancaire qui permet de tromper le terminal de paiement magnétique et de lui faire croire qu'on vient de passer une carte magnétique. Et en fait, non, c'était juste votre téléphone. Donc, ça, c'est loupé. Ça, c'est loupé. Il ne faut pas qu'il... Attention, attention. On va faire un petit bruitage. Est-ce que Samsung va se louper ? C'est un petit bruitage de batterie. Donc là, ce qui est... Non, mais après, on en rigole, mais la grosse force de Samsung, là, c'est qu'ils viennent de faire un énorme... Enfin, ils vont faire un énorme rattrapage d'Apple, puisque aux États-Unis, le paiement sans contact via... Enfin, on va dire que les terminaux aux États-Unis, c'est avant tout des terminaux qui font du paiement magnétique. Et du coup, là, s'ils proposent d'avoir un système de paiement sans contact qui imite le paiement magnétique, bah, ils sont déjà compatibles avec des millions de bornes de paiement aux États-Unis. Et donc, concrètement, les boutiques n'ont pas besoin de se rééquiper en un nouveau truc de NFC, etc. Donc ça, c'est un énorme avantage pour Samsung qui peut, au niveau des États-Unis, bouffer complètement Apple. Parce que, bon, en dehors des États-Unis, nous, on n'est pas trop paiement magnétique. Hein. Nous, c'est vraiment la carte à puce ici en Europe. Après, moi, j'ai noté une autre petite info. Je ne sais pas si c'est du lobbying d'Apple derrière ça, mais il y a une loi qui va sûrement passer aux USA pour imposer l'équipement partout en terminal NFC, dans toutes les boutiques. Donc, je ne sais pas s'il y a pas un peu de lobbying derrière ça, je vous laisse seul juge. Et justement, Apple, on en a aussi un petit peu entendu parler de leur système de paiement sans contact entre ces deux podcasts, puisque tout n'est pas rose au royaume de la pomme. Il y a eu des escrocs qui ont utilisé des données bancaires volées pour payer via le système d'Apple, donc le Apple Pay. Et donc, ça a été pas mal de retombées quand même dans la presse qui associaient les mots Apple Pay et fraude et escroc, etc. Ce qui n'est jamais bon pour le grand public. Hein. Bon, même après, si beaucoup disent que Apple n'a rien à voir là-dedans et que c'est plutôt un problème des banques, en fait, hein, qui n'ont pas fait les démarches suffisantes pour sécuriser le système de paiement via Apple, moi, je mettrais un petit bémol là-dessus parce qu'il y a un spécialiste un analyste spécialisé dans le paiement sans contact qui s'appelle Sherian Abraham, qui a quand même précisé qu'Apple n'avait pas simplifié non plus les choses pour les banques, puisqu'ils ont changé la politique de vérification d'identité 4 semaines seulement avant le lancement d'Apple Pay, et qui donc les banques ont dû du coup remettre en place un système de vérification simplement en 4 semaines pour pouvoir proposer Apple Pay. Donc bon, oui, c'est de la faute des banques, mais il y a peut-être eu des conditions qui expliquent qu'ils n'aient pas eu le temps de sécuriser tout ça. Donc d'accord. Voilà pour le paiement sans contact. Du côté de l'Europe, on n'a toujours pas trop de nouvelles, même si ça progresse doucement. Moi, je serais assez content d'en avoir, donc on va surveiller ça de près. Mais déjà, nos cartes bleues fonctionnent sans contact. Ouais, ça, dans certains terminaux, ouais. Il suffit que le magasin est activé, mais voilà. Moi, j'ai déjà utilisé plusieurs fois et c'est quand même assez pratique. Oui, c'est pratique, c'est pour ça que moi, j'aimerais bien le faire avec mon téléphone perso. Mais bon. Exactement. Bon, Julien, tu veux revenir rapidement sur le S6, c'est ça ? Ouais, parce que Greg, vous avez parlé la semaine dernière du nouveau Samsung S6, mm-hmm. Qui succède au S5, qui n'avait pas été un très grand succès au niveau des ventes. Ça, c'est sûr. En fait, ça va un peu mieux pour ce nouveau modèle, puisque selon le Korea Time, que je lis tous les matins grâce à mon niveau de coréen assez impressionnant, les opérateurs auraient déjà précommandé 20 millions d'unités, avec comme répartition 15 millions pour le S6 et 5 millions pour le S6 Edge. Donc en fait, pour comparer, le S5 avait fait presque deux fois moins sur les précommandes, avec 11 millions. D'accord. 20 millions, ça sent bon. Ouais. Ouais, ça sent le succès. C'est quand même deux fois plus que le. En même temps, ça a été vraiment la star du salon là. Ouais. Et puis c'est vrai que sur les, j'en avais parlé il y a 2 semaines. Mais même au niveau des caractéristiques, c'est une tuerie. Enfin, il va super vite, il est extrêmement optimisé. Donc c'est vrai que sur le papier, c'est un très bon produit, quoi. Et autre petite info, tu aussi nous avais dit qu'un des défauts du S6, selon toi, c'était sa batterie qu'on ne pouvait pas retirer. Exact. Ce qui était une première dans l'histoire de la gamme. Et en fait, un utilisateur du forum XDA Developers a pu consulter le manuel utilisateur et la batterie est en fait amovible. Oui, j'ai vu ça aussi. Ouais. Sauf que voilà, pour ça, il faut retirer le dos en le dévissant, enlever le circuit imprimé et débrancher le connecteur de la batterie. C'est pas super simple. Et pour le coup, c'est une opération que Samsung déconseille, ne recommande pas. Ça dépend de quel point de vue on se place. Et fait même savoir qu'en cas de casse, ils ne changeront pas l'appareil. Ouais, c'est normal, ça arrive souvent. Mais après, c'est vrai qu'une batterie, tu la changes pas toutes les deux semaines. Tu la changes une fois tous les 4 ans ou voilà, tous les 3 ans. Au bout de 3 ans, tu vas dans des petits magasins qui te le font pour toi. Ouais. Je suis sûr que c'est pas mal. Voilà. Mais c'est vrai que c'était un des gros défauts apparemment de ce smartphone. Ça pourrait quand même, ça serait en passe d'être résolu ou du moins contourné. Pour moi, c'était un deal breaker. Hein. C'était non, j'achète pas. Quoi. Mmh. Si la batterie, on peut pas la changer, j'achète pas. Et savoir ça, je sens qu'il va y avoir 20 millions une après commande. Monsieur a gagné l'auto. Non, malheureusement. D'accord. Bah, c'est tout sur Samsung. Ok, merci Julien. Je reviens à une dernière news très rapide sur les backdoors. Vous vous souvenez, il y a le dernier podcast, j'ai parlé des backdoors de la NSA. Oui. Voilà une news qui m'a fait sourire, vous allez comprendre pourquoi. La Chine, du coup, se met à réclamer des backdoors. Ah aussi, bah voilà, comme tu l'avais prédit dans le dernier podcast. Donc, du coup, il y a une nouvelle loi qui va imposer aux entreprises implantées en Chine de donner toutes leurs clés de chiffrement. Mais merde. Donc, il faut savoir que Microsoft, Apple, Google ont des serveurs en Chine. Donc, toutes ces entreprises devront donner leurs backdoors au gouvernement chinois. Ouais. Et ce qui m'a fait vraiment rire, et même je trouve ça cocasse, c'est que du coup, Obama a critiqué ces mesures. Oh. Il dit que ces mesures permettent au gouvernement chinois d'espionner et de garder une trace de tous les utilisateurs de ses services. C'est pas bien. Oh, bah alors, monsieur Obama, qu'est-ce que vous faites avec la NSA? Voilà, ça m'a fait rire. Ah merde. Donc, on peut faire confiance qu'aux entreprises qui n'ont absolument aucun backdoor, ça confirme un peu ce que tu disais dans le podcast précédent. Non, mais c'est ce qui m'a fait. Comme Yahoo, un peu qui ce qui m'a fait sauter au plafond, c'est la réaction de Obama. C'est hypocrite au possible. Il se tire une balle dans le pied, quoi. C'est très drôle. Je comprends pas. Je ne comprends même pas comment on peut être. Ça dépend où tu places le bien et le mal, en fait. Ouais. Oui, mais déjà. Nous, on espionne pour votre bien et les autres, ils espionnent Bon, voilà, c'est juste ça. C'est à souligner. Sur cette petite news, on va passer à la rubrique. On en est où là? Divertissement, c'est Divertissement, ça ouais. Divertissement. Divertissement, on va commencer avec Julien qui se pose une question sur les super-héros. Oui, en fait, aujourd'hui, je voulais ouvrir le débat puisque c'est un peu notre nouvelle rubrique où maintenant on ouvre le débat autour d'un rapport qui a été rédigé sur Hollywood et sur plus particulièrement le cinéma et qui, pour le coup, m'a vraiment interpellé. Alors, l'auteur de ce rapport, il s'intitule « Mémo pour Hollywood, vous ne pouvez pas tous avoir du succès en faisant la même chose », donc vaste programme, c'est un analyste du nom de Doug Creutz. Alors en fait, ce rapport, il a été relayé par le Hollywood Reporter, et en fait, dedans, parce que j'ai pas lu le rapport complet, hein, j'imagine que tu vas faire bien 500 ou 1000 pages, donc là, on a eu surtout des extraits via le Hollywood Reporter, et en fait, dedans, Creutz, donc l'analyste, explique en préambule du rapport que l'état du box-office continue d'empirer, alors que les studios resserrent leur stratégie autour des blockbusters. Donc en fait, ce qu'il explique, c'est qu'aujourd'hui, les grands studios ont des stratégies identiques, et qui mettent de plus en plus d'eux dans le même panier de la franchise. Donc, c'est-à-dire que l'idée de faire que des franchises et de tirer sur la corde jusqu'à la limite. Et c'est vrai que quand on parle de franchises depuis quelques années, on pense surtout aux films de super-héros. Quand on fait des news pour Upcast, bah là, il suffit de voir combien de films de super-héros sont prévus dans les années à venir. Je crois qu'on en est déjà là, c'est la phase 3 des films. Ouais, c'est films ça. Bon, on en a une bonne dizaine au moins là, qui sont sur le feu là. Et en fait, donc, Creutz, pour parler en fait, du déclin du box-office, qui est pour lui aussi bien local, c'est-à-dire américain, que mondial, il s'appuie sur les chiffres de l'été 2014, qui est, selon lui, l'un des pires qu'ont connu les États-Unis depuis la sortie du premier Star Wars en 77. Et pourtant, malgré la présence de nouveaux épisodes d'X-Men, de Spider-Man, de Dragon et de Transformers, pourtant qui avaient été des films plus ou moins bien reçus par la critique. Oui. Faut voir les films. Transformers, entre guillemets. Hein. Et Spider-Man n'était pas non plus. Mais disons que voilà, c'est des films quand même qui sont capables de générer du public. De l'argent. Et donc, alors, pour lui, 2015 devrait faire mieux côté blockbuster que 2014. On parle tout le temps, toujours en termes de chiffres, pas forcément pour le coup en termes de qualité. Avec notamment, il y aura Avengers 2, le prochain Star Wars et le nouveau Hunger Games. Mais pour lui, ça fera mieux que 2014, mais ça fera pas ça pourra pas faire aussi bien que ce qu'on a vu dans les quatre précédentes années. Et il place une inquiétude, il met une inquiétude assez importante sur le fait que des franchises au succès plus difficiles à prévoir vont peut-être être touchées, comme Jurassic Park, Mad Max, Terminator, qui pourraient faire les frais de cette fatigue des franchises. Et pour lui, il dit même que l'avenir est encore plus sombre, puisque en fait, ce qu'il déclare, c'est que, et ce que montre l'histoire, il parle de ça avec le cinéma d'animation qui avait apporté de nombreuses preuves que finalement, s'il y a trop de films, bah, il y a un déclin d'un certain type de cinéma. Il dit en fait, plus le nombre d'un film de genre d'un genre donné augmente, plus le score moyen de chacun diminue. Logique. Et que les plus forts ne sont pas à l'abri du phénomène. Alors en fait, il donne un exemple pour justement les films de super-héros. En 2016, le nombre de sorties de films avec alors ce qu'il appelle des films avec des sauveurs super-héros. Donc on ne sait pas si c'est exclusivement que les films proprement dits de super-héros, c'est-à-dire DC, Marvel, ou des films plus largement avec des blockbusters. Là, pour le coup, ça a l'air vraiment d'être des films avec des super-héros, puisqu'il y en avait en fait entre 3 et 4 par an entre 2011 et 2015, et qu'on va passer en 2016 à 7 ou 8. C'est vrai que c'est beaucoup, hein. C'est quasiment un par mois. Alors en fait, oui, c'est trop. Enfin, pour appuyer continue. Après, voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'il donne des chiffres. Et sur une année avec 3 films de super-héros, l'argent généré sur le marché local, donc américain, était de 260 millions de dollars. Donc sur une année avec 3 films. Et sur une année avec 4 films, c'est 224 millions de dollars. Donc en fait, une différence de 36 millions alors qu'on a un film de plus qui sort en salle. Donc on peut penser qu'avec 7 ou 8 films produits, c'est ce que lui il suggère, et des budgets qui sont toujours aussi importants, bah, on pourrait courir à la catastrophe pour pas mal de certains de ces films. Bah voilà, si on voit déjà qu'avec un film, après il faut voir aussi peut-être la qualité des films. Ouais, il a pas tort dans le sens où les gens font des priorités, hein, ils vont pas voir tout. Mais il y en a qui se disent, bah tiens, là je vais aller voir un film de super-héros, mais j'irai peut-être pas tous les voir, parce qu'effectivement après c'est un budget, sachant que la place de ciné va bientôt coûter 15 euros. C'est vrai qu'à l'époque, moi je me disais, ah c'est cool, l'été, un petit film de super-héros, etc. Mais s'il y a un film de super-héros tous les deux mois, clairement j'irai pas les voir. Enfin, déjà je commence à me lasser. Bah moi, il y a certains que je vais plus voir, alors que je suis assez fan de super-héros, même si je connais pas grand-chose. Tu vois, par exemple, le dernier Thor, ou le prochain Captain America, ou ce genre de choses. Ouais, moi, je suis passé avant, j'allais tous deux. Les voir. J'ai vu le 1, je suis pas allé voir le 2, Captain America. J'y vais plus parce que je me lasse un peu, en fait. Alors, ce que tu disais, Stan, enfin, ce que Creuse dit, lui, c'est que le film, finalement, en lui-même, le genre, lasse pas forcément les gens. Il n'y a pas forcément une fatigue. Mais c'est vrai ce que disait Greg, c'est-à-dire que de plus en plus, bah, il y a une concurrence. Ça on le voit partout, d'autres médias, il y a le coût de la place de cinéma, il y a le fait de voilà des choses qui sont un peu toutes bêtes, mais le fait de pas forcément pouvoir se garer sur les parkings, le fait de devoir employer d'engager une babysitter pour les enfants, il y a plein de choses qui font que finalement les gens vont peut-être choisir un seul film comme ça, et s'il y en a plein, il y en a qui vont rester sur le carreau. Bah c'est ça le problème. Ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a un nouveau modèle économique qui va se développer avec, je crois que c'est Amazon et même Netflix qui font ça, c'est qu'ils produisent des films pour le ciné et qui diffusent en même temps ou quelques semaines après rapidement sur leur plateforme. Oui, et puis même tu fais allusion à Les gens vont plutôt rester chez eux, regarder dans leur canapé en streaming que se déplacer au cinéma si les deux sont disponibles en même temps. Et puis je rebondis sur ce que tu dis avec Netflix qui propose un nouveau modèle. Ça me fait penser à Daredevil de Netflix qui est un super-héros, mais cette fois-ci qui est développé plutôt en série. Bon, il y a aussi Arrow, Gotham, ce genre de choses. Donc en général, la qualité, elle est pas top. Là, sur Daredevil, ça s'annonce quand même beaucoup, beaucoup mieux. Mais c'est peut-être aussi un repositionnement en se disant, bah voilà, les gens ne vont peut-être plus aller au cinéma pour les consommer. Est-ce qu'on peut pas transformer ces films en série ou je ne sais pas. C'est peut-être quelque chose qui marche. Hein. Ça fonctionne plutôt bien actuellement sur les super-héros qui sont proposés. Je crois, sauf Gotham qui marche pas très bien. Mais bon, après, je ne les ai pas vus. Moi, ça ne m'étonnerait pas que les gens se lassent, très honnêtement. Ouais, donc on pourrait passer d'une situation où finalement les super-héros, ils ont sauvé un peu le cinéma de blockbuster, à une situation où finalement c'est la némésis des studios d'Hollywood parce qu'ils ont trop tiré sur la corde. Et on le voit, alors c'est vrai qu'on parlait beaucoup des suites. Moi, j'ai rien contre les suites, mais après, tu as à la fois les suites, les spin-offs, les reboots. Enfin, maintenant, je trouve qu'on est dans une. Moi, pour moi, on est vraiment dans une surexploitation, même si Creuse dit que les gens se lassent pas forcément du film de genre. Moi, je trouve quand même qu'à un moment, t'en as un peu marre. Même si le film peut être bien, t'as l'impression que tu les as tous vus et il n'y a pas forcément un renouvellement de. C'est ce que je vous disais. La façon de faire ce type de film. La fois, quand je vous ai dit, tiens, on va avoir le droit au troisième reboot de Spider-Man depuis qu'on a lancé la première série de films avec Sam Raimi, donc c'est pas si vieux que ça quand même, avec peut-être même un nouveau héros, Morales, etc. Mais c'est peut-être aussi Peter Parker sous le masque, on ne sait pas encore. Mine de rien, moi, s'ils nous remettent Peter Parker, revoir un adolescent se faire mordre par une araignée, j'en ai juste ras le fion. J'en ai juste ras le bol. Franchement, passer à autre chose. Et ras le fion, oui. Non, mais c'est vrai. C'est un homme de paix, Grégoire. Un homme de paix, tu vois, je confirme. Non, mais c'est vrai que du coup, alors que je suis plutôt captif comme public, je commence à en avoir marre. Et s'ils nous refont un troisième reboot Spider-Man, bon, tu vois, X-Men, c'est en train de se rebooter. Ouais. Mais ouais, quand il disait qu'en 2014 il y avait eu moins d'entrées, c'était aux États-Unis. C'est quoi, c'est moins d'entrées généralement ou sur les films blockbuster? Local et mondial. Local et global, ouais. Les deux. D'accord. Et pourtant, il y avait, voilà, on parlait un peu des films qui étaient sortis. Après, c'est vrai que 2015, je pense que des films comme Avenger 2, des films comme Star Wars, c'est quand même des films qui sont hyper attendus. Avenger 2, que... il prévoit déjà que ça va être un bah, bah, ouais. Ça va faire au moins un milliard un carton, quoi. Enfin, un milliard de dollars. Je sais même pas si j'ai envie de le voir, en fait, pour être honnête. Moi, j'ai envie. Hein, quand même. Le 1 va éclater, mais voilà. Après, c'est... Popcorn, quoi, mais moi, je suis assez d'accord avec lui sur des films qui sont des gros blockbusters, qui coûtent très cher, comme Jurassic World, comme Mad Max, comme Terminator, et qui ont pour moi une capacité à pouvoir bider. Mm. C'est-à-dire, tu vois, des films comme Avenger 2, je pense que la machine, elle est trop forte pour que ça bide. Mais des films, c'est pas, pour le coup, en plus, c'est pas des films confidentiels, c'est quand même des grosses licences. Mais tu te dis, il y en a un ou deux qui peut rester sur le carreau. Et avec les budgets qui sont mis dans ces films-là, c'est quand même... Mais il faut qu'ils réfléchissent bien ce qu'ils font, parce qu'ils peuvent vite les transformer en nanars. En fait, le Jurassic World, je pense qu'il peut vite basculer dans du nanar. Oh, déjà, la bande-annonce laisse présager d'un bon nanar. Voilà. Ouais, mais même indépendamment de la qualité du film, tu vois, le film, il pourrait être très bon. Je pense qu'il peut bider par le goulot d'étranglement dans lequel ils sont arrivés en plaçant plein de blockbusters. Tu vois, si tu vois que jusqu'en 2016 il y aura au moins 8 films de super-héros, c'est quand même c'est énorme. Hein, les gens, soit ils veulent voir autre chose, soit ils ont d'autres loisirs, ou soit ils font autre chose. Mais pas après, l'article, ça fait un peu penser à un cri alarmiste qui est récurrent. Hein, c'est-à-dire qu'à une époque, on bouffait du film avec des extraterrestres qui envahissaient la planète Terre, enfin les États-Unis plus précisément. Ouais. Et voilà. Effectivement, voilà, ouais. On s'en est tous lassés, on en a eu marre. Maintenant, on bouffe des films de super-héros, et voilà, il y aura un autre cycle après. C'est... Après, ce qu'il a dit là, c'était aussi appuyé. Enfin, je ne sais pas si tu veux le mentionner, je crois le voir un petit peu par-dessus ton épaule sur tes notes, mais il y a Spielberg et Lucas qui sont plutôt d'accord avec son analyse. Alors, c'est facile pour eux parce qu'ils ont un peu créé ce segment-là, on va dire. Ils ont un peu créé le blockbuster. Enfin, c'est même Spielberg qui a créé le blockbuster avec Jaws, mais c'est vrai qu'eux-mêmes disent maintenant que voilà, ils y regrettent quelque part la multiplication des blockbusters, des films qui sont faits pour l'argent et qui répètent entre guillemets tout le temps les mêmes points de vue et des choses de plus en plus étriquées, si je reprends leurs propos. Ils disent que maintenant les studios préfèrent produire un seul film à 250 millions de dollars plutôt que s'intéresser à plusieurs projets originaux et personnels. Steven Spielberg dit quand il y aura un jour une implosion avec 3, 4 voire 6, une demi-douzaine de ces films au budget énorme qui vont se planter, le modèle économique va devoir changer. Ouais. Et les deux ont précisé, Lucas et Spielberg, que leur dernier projet, donc Lincoln et Red Tails, ils ont eu du mal eux-mêmes à les monter, alors que c'est quand même des gros noms. Et aujourd'hui, ça devient une situation inquiétante. C'est-à-dire que, effectivement, peut-être que les blockbusters sont tous très bons de super-héros, mais le problème, c'est qu'aussi, ils ne laissent pas la place à autre chose. Donc les gens, s'ils se lassent, ils n'ont même pas autre chose à aller voir, entre guillemets, en termes d'offres. Et du coup, ils ne vont plus au cinéma. Et le chiffre d'affaires du cinéma tombe dans sa globalité. Ouais, et pour le coup, ils ont tenu ces propos devant en fait, des étudiants en cinéma, parce que c'était l'université de Californie du Sud, donc c'est presque des professionnels de la profession qui s'adressent à des futurs professionnels de la profession, donc c'est quand même un cri d'alarme. C'est même pas un truc pour dire nos films on a du mal à les produire, il y a ça aussi, mais c'est presque un cri d'alarme pour les gens qui vont faire des films dans le futur et pour les producteurs qui préfèrent produire comme il disait un film à 250 millions plutôt que des projets, parce qu'à la fois il parlait de perte de qualité de ces films-là, mais également d'une implosion du système, parce que c'est sûr, s'il y en a 2, 3, 4 qui se plantent, ça va laisser des studios sur le carreau, puisque surtout, même le gros succès pourra pas limiter les dégâts. Quoi. Surtout qu'ils auront mis tous leurs œufs dans le même panier. Ils n'auront pas misé sur un autre projet qui pourrait les rattraper à côté, puisque si les blockbusters de super-héros commencent à arrêter de faire du succès, il y a beaucoup de studios qui font actuellement que ça, Disney notamment. Bon, heureusement, il y a les Star Wars qui arrivent pour Disney. Ouais. Mais bon, voilà, c'est ça va être compliqué. Moi, j'appuie ce que tu as dit avec tes propos, enfin ce qu'a dit l'analyste Krutz là, avec une infographie que j'ai trouvée sur internet sur Combini, si vous voulez la voir, je remettrai le lien. C'est avec qui s'appelle le déclin de l'originalité à Hollywood de 1975 à aujourd'hui. Donc une infographie réalisée par Pixable. Et donc on voit sur la colonne de droite le nombre de films originaux produits qui ont fait partie du top 10 des meilleures sorties au cinéma. Et on voit sur la colonne de gauche les reboots, les sagas, les autres films de super-héros qu'on cartonnait. Donc on peut mettre en face à face entre guillemets qui a marché et puis est-ce que c'était un reboot ou quelque chose comme ça. On voit dans les années 80 par exemple, tu avais 8 longs métrages originaux entre guillemets sur 10 dans le top 10, donc c'est 8 qui ne faisaient pas partie d'une franchise ou de choses comme ça. On était même monté jusqu'à 9 films originaux entre guillemets en 1988, alors que les reboots, les sagas existaient déjà à l'époque, hein. Mais le phénomène s'est empiré puisqu'on a commencé à aller voir au début des années 90, commencer à voir apparaître des films, on va dire de moins en moins de films originaux dans le top 10, et puis à partir de la décennie des 2000-2010, ça a été un peu la catastrophe, parce qu'à partir de là on a eu la saga Harry Potter, les X-Men, Le Seigneur des Anneaux et Pirates des Caraïbes qui ont un peu trusté les top 10. Et par exemple, de 2010 à 2014, ça s'est encore aggravé puisqu'on n'avait même aucun film original. Donc aucun film qui ne faisait pas partie d'une franchise qui est en 2011 et en 2012 dans le box-office. Donc ça fait mal. En 2014, il y en a un seul, c'est Interstellar. Donc qui est le seul film qui ne faisait pas partie d'une franchise à réussir à avoir une place dans le top 10. Alors qu'en face, bon, voilà, on avait Iron Man 2, 3, Spider-Man, la fin d'Harry Potter, on avait Twilight, ce genre de choses. Donc c'est vrai que, c'est comme le disait Krutz, son analyse, j'imagine qu'il l'a basé sur des chiffres, et effectivement, ça se confirme. Quoi. C'est vrai que depuis les dernières années... C'est vrai qu'on le disait rapidement tout à l'heure, mais il y a un peu d'ironie à voir Lucas et Spielberg parler de ça, alors que c'est eux qui ont créé presque la franchise, on va dire, enfin, à cette échelle-là. Bah ouais, avec Star Wars, avec Indiana Jones, avec... Bah, ils ont créé un modèle qui maintenant a tellement pris le pas sur eux qu'ils n'arrivent plus trop, personne n'arrive trop à s'en défaire. Mais c'est vrai que la courbe s'est accélérée lors des 4-5 dernières années. Là, ça s'est vraiment accéléré depuis Marvel, notamment, qui a sorti ses premiers films de super-héros. Et ceci dit, Spielberg, on peut le trouver aussi légitime dans le sens où il a fait beaucoup de films originaux. Il a fait des productions beaucoup plus simples. Même après les succès. Hein, c'est intéressant de constater que les séries ont de plus en plus une touche cinématographique en faisant des longs épisodes et très bien filmés et que le cinéma tend à une sérialisation aussi de ses franchises. Donc après, moi, je dis que c'est une inquiétude légitime, mais qu'en fait le cinéma finira par trouver une sorte, entre guillemets, une nouvelle série à exploiter, quoi. Là où je suis assez d'accord avec toi, c'est que justement dans l'histoire, il y a aussi un exemple qui est assez récent finalement, qui nous a montré que peut-être être alarmiste c'est bien, mais c'est parfois pas forcément judicieux ou véridique, ça se confirme pas forcément. C'était en 2011, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a eu Green Lantern qui est sorti au cinéma. Oulala, oui. Voilà, et qui a fait un raté mais monumental, hein, vraiment. À l'époque, déjà, il y avait eu des pronostics de la fin des films de super-héros en 2011. Hein, il avait réalisé que, entre guillemets, 135 millions de dollars de recettes mondiales. C'était quand même une chute de 66% de la fréquentation dans l'année 2011, donc c'était quand même assez catastrophique. Et voilà, à l'époque, déjà, les analystes disaient, il y a une désaffection des jeunes spectateurs, une saturation du marché. À l'époque, il y avait la 3D aussi qui était un peu dans son boom et qui repoussait pas mal de spectateurs. Et tout le monde disait, ça y est, c'est la fin des super-héros. Et tout le monde disait, par exemple, Thor avait fait 436 millions de dollars, 417 pour X-Men et donc seulement 135 pour Green Lantern. Les courbes nous disent que ça va bientôt s'arrêter. Et puis après, finalement, il y a les Avengers qui sont sortis. Ça a remis le pied à l'étrier. Il y a le côté les Gardiens de la Galaxie qui ont quand même permis aussi de retrouver un certain élan créatif. On va dire que les gens connaissaient moins ces super-héros-là. Ça a renouvelé un peu le genre. Après, c'est vrai que jusqu'à temps, parce que là, les Gardiens de la Galaxie ont découvert, les Avengers, c'était que le premier. Est-ce que Avengers 2 va autant surprendre? Et puis, est-ce que les Gardiens de la Galaxie 2, les gens vont être aussi, entre guillemets, surpris par le ton un peu décalé? Moi, j'avoue que j'ai un peu peur. Très honnêtement, j'ai un peu peur. J'en ai parlé à notre spécialiste envoyé spécial à Gérard Armé, Dimitri, la dernière fois, pour qu'il nous donne son avis. Enfin, on en parlait par texto. Et lui, il me disait qu'aussi, il pensait que le grand public allait décrocher, que c'était qu'une affaire de moi. Lui, il a peur pour le reboot des 4 Fantastiques. Oula, Qui pourtant s'annonce, moi je trouve pas mal dans la bande-annonce. Ça part de loin un peu quand tu vois les premiers films. Ouais, et puis les 4 Fantastiques, enfin, il y a un côté un peu ridicule de l'homme élastique et tout qui peut faire un peu peur. Donc au niveau international, c'est moins vendeur. Perso, moi je lui ai dit que je pronostiquais plutôt l'échec de Ant-Man, qui va bientôt sortir aussi, avec Paul Rudd, qui avait joué dans Friends notamment, qui donc fait l'homme fourmi, quoi, qui rétrécit, etc. Ça a un peu un potentiel ridicule, ça peut être des films qui trouvent pas... Moi, là, je sais pas si vous avez des pronostics de trucs qui vont s'effondrer ou pas, mais moi je pronostique Ant-Man et Dimitri pronostique les 4 Fantastiques de son côté. J'ai du mal à voir venir, mais... Moi je vois bien un Terminator se planter. Alors, Terminator, je le vois bien se planter aussi, J'ai l'impression que la franchise, elle est aussi un peu... Il y a Emilia Clarke quand même dedans, Daenerys Targaryen, qui peut rattraper mais un peu le Terminator, coup. Terminator s'est fait laminé par Terminator Renaissance, le 3 qui était quand même beaucoup moins bien. Et puis sachant que là, pour Terminator... Alors, je sais pas si t'as vu, mais en plus pour Genesis, ils annoncent déjà encore la suite même. Ah d'accord. L'épisode d'après, Arnold Schwarzenegger a dit qu'il serait dedans déjà. Bon, voilà. Tout à l'heure, Stan, tu parlais justement du lien entre les séries, la télévision et le cinéma. Et je trouve, alors, elle est un peu, il y a une prédiction de George Lucas pour le coup qui paraît un peu folle, mais lui, ce qu'il dit, c'est justement qu'il y aura, s'il y a une implosion du modèle tel qu'on le connaît actuellement avec des blockbusters qui sortent dans les salles, lui, il explique en fait qu'il y aura une réduction des salles de cinéma. Mais avec un agrandissement de ces dernières, donc il y aurait moins de salles, mais elles seraient plus grandes. Et ce qu'il dit, c'est aller au cinéma coûterait entre 50, 100 et 150 dollars, comme un show de Broadway ou un match de football aujourd'hui. Et il dit en fait, les films resteront en salle pendant genre une année, donc tu irais les voir sur un très très long terme. Et des films, donc là il parle de Lincoln de Spielberg, puisque c'était pendant cette conférence, quitteraient le grand écran pour être diffusés à la télévision. Donc peut-être il y aurait un transfert de entre guillemets de médias pour certains films. qui seraient des directs, alors ce qu'on appelait là ce serait direct ou télévision. Il y aurait des films qui seraient juste produits pour le cinéma. Peut-être qu'il y aurait les canaux seraient différemment utilisés par l'industrie. Ça me paraît un peu réaliste, hein, comme $150. Mais bon. Après l'histoire du modèle où les films iraient directement au cinéma, en rejoignant ce que tu disais avec Netflix et Amazon. La télé, hein. Le télé et le cinéma, ouais. Après sur le côté, par contre, est-ce qu'il restera une offre où les gens seraient prêts à payer $100 ou même $50 pour aller voir un spectacle ou un film, je ne sais pas quelle forme ça prendrait au cinéma. Je serais moins, je lui mettrais pas ma main au feu. Oui, ceci dit, on le voit dans le sport, on est passé de prix qui étaient très bas à des prix qui sont complètement démesurés pour certaines affiches. Après, c'est toujours difficile de quand tu connais un état de fait, de dire le cinéma ça vaut, je sais pas, 10€, de penser qu'à un moment ça pourra valoir 100€ pour la même chose. C'est difficile de te le dire, quoi. Surtout dire, que ça va arriver. Il oublie quand même quelque part le côté téléchargement, enfin l'offre illégale en face, quoi. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, bah tu peux aussi le voir gratuit ton film. Qui est au cinéma actuellement, donc entre le payer $50 et le voir gratuit, je pense qu'il y aura aussi une grande partie des gens qui choisiront la gratuité, quoi. Ouais, et puis contrairement à du sport ou un show de Broadway, la présence physique quand t'es sur un événement est totalement différente d'avoir un écran. Bah, peu importe la taille de l'écran, tu restes derrière, enfin devant ton écran et t'es spectateur. Donc après c'est juste la taille qui joue. Je trouve pas que c'est la même chose, par exemple, d'aller voir un match de foot dans un stade et de regarder la télé. Tu participes à un événement. Là, être dans une salle, même si elle est 10 fois plus grande, je trouve pas que c'est la même. C'est pas vraiment le même rapport, en fait. Mais surtout que les gens auront des casques Oculus Rift ou autre et puis qu'ils auront un écran géant de 50 mètres devant leurs yeux à ce moment-là. Enfin, je veux dire, l'offre aussi, c'est très con ce que je dis, c'est un peu pour rigoler, mais il y a l'aspect technique qui va changer les choses, mine de rien. On regardera plus un film de la même façon dans les quelques années à venir si jamais il y a un succès de la réalité virtuelle. Donc, je sais pas, je suis très dubitatif sur ça. Après, sur l'autre aspect, je pense qu'il a un peu raison. Sur l'aspect devenir un peu un spectacle de luxe, j'ai des doutes quand même. J'ai des gros doutes. Et dernier point, parce que je crois que c'était toi, Greg, qui en parlait il y a un ou deux podcasts, c'est aussi l'espèce maintenant un peu de méfiance envers les films de super-héros, une espèce, plutôt une défiance envers les films de super-héros de la part d'Hollywood. Et on le voit avec le film Birdman, qui est à la fois une critique des films de super-héros, qui peut s'en moquer et en même temps glorifier. Clairement, c'est vrai qu'à Hollywood, ça n'a pas le vent en poupe. Hein, que ce soit l'intelligentsia, je ne sais pas comment dire, mais d'Hollywood, a tendance à un peu abâcher maintenant les films de super-héros. Il y a un petit peu un retournement de veste. Hein, ils aiment bien gagner de l'argent avec, mais c'est ça, ouais. Donc il y a ça un côté rapporte... non assumé. Alors il suffit qu'il y en ait un qui ne rapporte pas et voilà, il va se faire descendre. Le jour où tu peux penser que ça va se planter, ils ne vont pas être là à essayer de les relever, ils vont plutôt essayer et de les autant, enfoncer. Tu vois, et dire, film de super-héros, on s'en foutait un peu. L'autre que j'ai cité, là, Green Lantern, il s'est fait bâcher. Bon, c'est vrai que c'était une grosse daube, hein, apparemment, mais là, il suffit qu'il y en ait un qui se plante et ça va devenir tout de suite un truc culte parce qu'il va devenir. Tout le monde va se foutre de la gueule de ce film, quoi. Donc, je préférerais pas être à la place du réalisateur qui va se planter, là. Disons, est-ce qu'un blockbuster super-héros va devenir un nouveau Cléopâtre et faire couler Ça vu les budgets engagés, quand même. Alors, pas un Disney parce qu'ils se rattraperont toujours avec autre chose, parce qu'ils ont quand même beaucoup de projets, j'en parlerai après, mais. Peut-être un peu plus entre guillemets plus petit studio, une Fox ou un truc comme ça, pourquoi pas. Bon, bah ça amène beaucoup de réflexions ce petit article, c'est très intéressant, merci Julien. Ouais. On va passer, Greg, je te redonne la parole encore. Tu vas nous parler d'animé, c'est ça ? Ouais, je vais vous parler un peu d'animé. J'en parle pas souvent. Je vais quand même choisir, on va dire, deux grands animés très très populaires, hein, parce que je maîtrise pas forcément très bien mon sujet sur les animés moins connus, notamment l'animé Akira. Alors, Stan, t'es un grand fan d'Akira. Yeah. Je sais pas si tu savais qu'il y avait éventuellement, cette fois-ci, c'est pas un animé dont je parle, mais c'était un projet de film live. Ça fait longtemps qu'on en parle. D'Akira qui traînait, voilà, effectivement, depuis un bon bout de temps, qui serait réalisé, qui serait en suivi, on va dire, celui qui est en charge du projet, c'est. Alors, je ne sais pas si je le prononce pas bien. Son nom de famille, c'est Colessera. Son prénom, c'est Romé. Jaume. Oui, moi, je dis Jaume Colessera. Jaume Colessera. Donc, c'est le réalisateur de Non Stop et de Run All Night. Et là, on a eu un peu des news dernièrement. Ce n'est pas très optimiste, hein, globalement, sur le film live Akira. Pourquoi ? Parce que lui, il avait déjà budgété Akira à dire « j'ai besoin de $190 millions pour le faire ». C'est quand même un petit budget quand même. La Warner qui est derrière ce projet a dit non, pas trop. Ils étaient plutôt partis sur un budget entre 70 et $90 millions maximum. C'est pas énorme, hein. Donc $100 millions de moins quand même. 80 millions, c'est un film budget moyen, quoi. Ouais, c'est aux États-Unis, ouais, ouais. Donc c'est pas énorme. Donc ce qui prouve que déjà que la Warner elle est un peu refroidie, et puis ce qui prouve aussi que quand t'as un projet en tête qui est à 190 millions de dollars et que tu te retrouves qu'avec 60, il va falloir le revoir à la baisse. Ça fait un nanar en vue, ça. Hein. Ça tu bricoles et t'es fort, mais ça c'est un gros nanar en vue. Donc la Warner, c'est elle qui a le pouvoir en main, on va dire en ce moment-là. Mais en plus de son côté, le réalisateur, donc Romé Colessera, dit que bah lui, il est un peu là crevé parce que justement, il a enchaîné les tournages avec Non Stop, Run All Night très récemment, et que du coup il est même pas sûr d'avoir entre guillemets l'énergie de s'y mettre, donc il est vraiment pas très optimiste. Après je dirais, j'ai envie de dire peut-être tant mieux, oui, parce que aussi. Voilà, les dernières déclarations qu'on avait eues du réalisateur sur ce projet de film live d'Akira, donc cette je l'ai même pas dit, mais c'est vrai que c'est un manga mythique hein, quand même Akira, voilà, dans un futur plus ou moins proche où il se passe des événements étranges qu'on comprend pas bien, avec une ambiance assez particulière, assez violente, dans une ville un peu délabrée d'un néo-Tokyo en 2020, je crois que c'est hein, ça se situe si je me souviens bien. Bref, lui il avait fait des déclarations sur son projet, il disait Kaneda, donc le héros quand même de Akira, il disait c'est pas un personnage très fort, il est pas très intéressant. Tetsuo, lui, il est intéressant que parce qu'il lui arrive des événements étranges. Et je voudrais éclaircir le mystère Akira en expliquant les origines de ce mystère. J'ai envie de te dire, mais si tu veux planter Akira, c'est exactement ce qu'il faut faire. Oui. Parce que Akira, ce qui est intéressant, c'est le mystère, c'est que tu comprends pas tout, c'est que t'es un peu perdu face à tout ça et que tu te laisses porter par l'ambiance. Donc peut-être tant mieux que ça tombe à l'eau, hein, on verra. En tout cas, pour l'instant, c'est mal parti. Donc je croise les doigts. Si vous êtes intéressé par Akira, on ne peut que trop vous conseiller l'animé des années 90. Ouais, mais surtout moi je dirais la bande dessinée. Le manga est beaucoup plus détaillé et fait comprendre beaucoup plus de alors choses. Alors à l'époque, je dirais même acheter le manga version d'origine là en grand format, comme j'ai les deux premiers tomes ici, toi t'as les 6 Stan. Ouais. C'est-à-dire qu'ils étaient publiés en ordre français, puisqu'à l'époque les mangas n'étaient pas encore très connus, donc ils avaient réinversé l'ordre. Mais c'était plutôt un bon rendu. C'est un très bon manga, donc à lire. Et puis l'autre animé slash film dont je voulais parler, c'était la Attack on Titan. Alors je ne sais pas si vous suivez ça tous les deux. J'ai lu le premier volume. T'as lu, toi? Ouais. Ok, bah voilà. Donc il y a un film en live, donc avec des acteurs, hein, qui est attendu cet été du côté du Japon. Et il se peut que cette licence à succès, donc l'Attaque des Titans, soit déjà peut-être commence à s'exporter un petit peu à l'international, puisqu'on a le studio Sony Pictures qui a investi dans 8 noms de domaine, donc qui inclut les termes Attack on Titan, donc .com, .machin, .bidule, qui les a achetés là dans ces deux semaines, qui pourrait peut-être trahir l'existence d'un nouveau projet d'adaptation pour le manga de Hajime Isayama. Donc il faut dire que cette licence, elle a quand même particulièrement le vent en poupe, hein, c'est un peu le truc à regarder en ce moment si vous aimez un petit peu les mangas et les animés. Il y a eu aussi un crossover avec Marvel hein, dans l'univers Attack on Titan. Donc il faut savoir que voilà, Hajime Isayama a lui-même fait le scénario et qu'il y avait des dessins du studio Marvel, à savoir Gerardo Sandoval, hein, qui est un habitué de Marvel. Et puis qu'au niveau de l'histoire, il y avait à la fois les Avengers, les gardiens de la galaxie, et qui devaient combattre un des titans de Attack on Titan, donc le titan femelle, et puis d'autres titans, dont le titan colossal, qui est un peu le plus impressionnant. Donc il y a ce truc-là, il y a aussi un film avec les acteurs nippons, je l'ai déjà dit, un film en deux parties qui va sortir sur l'archipel. Il y a une sortie cinématographique pour l'animé aussi, aux côtés du Japon, donc c'est vrai que pourquoi pas avoir finalement un projet international de Sony Pictures qui arriverait et qui pourrait peut-être proposer une version soit film, soit un dessin animé, je ne sais pas, qui sortirait sur nos écrans. Après, ça pourrait aussi être juste simplement le fait qu'ils aient acheté 8 noms de domaine, comme le disait le réseau 9art.com, je crois que c'est eux qui disaient ça, qui ça pourrait simplement indiquer tout simplement qu'ils vont distribuer le film, mais pas qu'ils vont en refaire un nouveau. Mais en tout cas, le mystère plane, c'est une série qui a énormément de succès, donc il est possible qu'il y ait des adaptations prochainement qui arrivent du côté européen, donc c'est à surveiller. Puis si vous ne connaissez pas Attack on Titan, bah allez voir ça, hein, c'est disponible je crois sur Netflix même, donc en tout cas sur Netflix États-Unis, c'est disponible. Allez fouiller ça vaut le coup, c'est assez intéressant en termes de rythme à regarder en animé, moi j'ai beaucoup aimé. D'accord, très bien. Moi, je vais vous parler d'un acteur qui s'appelle Jim Parsons. Oui, si vous Big Bang Theory. Voilà, malgré que je vois que ta culture, c'est Sheldon en fait. Jim Parsons qui a reçu son étoile sur le Walk of Fame. Donc, je suppose que tout le monde connaît le Walk of Fame, c'est le trottoir où il y a les étoiles des stars. Et j'ai appris du coup par la même occasion que Kalei Kyoko, donc qui est Penny en fait, avait reçu la sienne en octobre dernier. Ouais. Donc, moi, j'ai eu une réaction de vieux con. Cette genre news. Quoi, il la donne à n'importe qui. Il la donne à n'importe qui, c'est comme la Légion d'honneur. Voilà. Pourtant, t'es plutôt fan de Big Bang Theory. Et ben, j'adore Big Bang Theory, mais je me suis dit, bon, il me fait rire, mais quand même, de la voir sur l'étoile, c'est ridicule. Donc, du coup, parce que pour moi, les étoiles sur la Walk of Fame, c'est Neil Armstrong, Lauren Bacall, Marlon Brando. Ah, mais c'est là où tu te trompes. Channing Tatum. Attends, les Beatles. Et en fait, oui, il y a plus de 2500 étoiles. Voilà. Et dedans, il y a aussi les Backstreet Boys, voilà. David Hasselhoff, Julio Iglesias. Ouais, David Hasselhoff, quand même, le précurseur des mondes Chuck Norris, David Hasselhoff, je vais revenir sur lui d'ailleurs. On va pas le laisser passer. Oh, lui. Pas qu'un peu. Oh là là. Il y a même des Français, Maurice Chevalier, les Frères Lumière, Sarah Bernard, voilà. Donc en fait. N'importe qui là en fait, quoi. Il a de n'importe qui. En même temps, les Frères Lumière et Sarah Bernard, c'est un peu plus logique, on va dire. Ouais. Tu vois, est-ce que tu les classes oui. dans le même que les Backstreet Boys. Il y a les Backstreet Boys, il y a les Frères Lumière. Non, ça c'était beaucoup plus de la médaille, c'est vrai que j'étais un peu vite. Après, il y a même Kermit la Grenouille. Je trouvais que c'était mignon. Il y a Lassie, il y a Ratata, il y a Mickey. Il y a même une pétition, est-ce que vous savez, pour que les personnages de Nintendo y soient. Bah moi, je la signe. Hein moi, je crois que Mario devrait avoir son étoile. Ouais. Donc finalement, je me suis dit, Jim Parsons, Sheldon, a peut-être bien mérité son étoile quand même. Voilà, c'était voilà. Une news pour dire qu'il ne faut pas céder à ses premières inflexions de vieux con. Finalement, il a mérité son étoile, que Jim tu Parsons. Es. Oh, ça va. Même qu'elle est coco, elle a mérité aussi. Oui, bon, pff, non. Elle, moi, non, mais après, il faut la donner à tous les acteurs. Non, mais je trouve qu'elle joue pas très bien Penny, honnêtement. Moi, mais elle l'a eu pour son physique, Stan. Tu crois ah oui, parce qu'elle devait se pencher en avant pour. Réaction de vieux con numéro 2. Réaction de misogyne numéro 1. Ouais, alors, si vous êtes. Voilà. Hein, bon. Bon, Julien, parle-nous de. Du King. Non, du King. Là, tu vas casser mon effet. Ah, bah oui, non, là, c'est pas grave. Excuse-moi. En fait, oui, non, il y a quelques mois, il y avait eu, en fait, pour les 80 ans de la. 80 ans d'ailleurs, ça ne doit pas s'accorder, de la naissance d'Elvis Presley, une vente d'objets du King. Et en fait, parmi ces objets qui avaient été mis en vente, on pouvait acheter un célèbre enregistrement de juillet 53. Donc pour le coup, ça ne nous rajeunit pas, hein, même si on n'était pas là, pour le coup. On pouvait acheter le premier disque de titre du tout jeune Elvis, qui avait à l'époque où il a enregistré 18 ans, et qui l'avait enregistré pour l'anecdote pour 4 dollars. Wow. Puisque c'était, en fait, à l'époque, on pouvait aller dans des studios, donner de l'argent, enregistrer son disque et puis repartir avec. Lui, il voulait l'offrir, je crois que c'était à sa mère. Et c'est-à-dire, c'est quelqu'un, un ami à lui, qui lui avait prêté ses 4 dollars. C'est sympa ça. Voilà, donc c'est resté, et c'était en fait quelque chose qui n'avait pas de. C'était pas sous des droits, voilà, ça n'appartenait pas à une maison de disque. Donc c'est resté un enregistrement mythique, notamment avec ce morceau qui s'appelle My Happiness, que vous pouvez écouter sur YouTube, il doit être disponible. Et donc c'était un objet unique. Là, on a appris qu'il était parti pour la somme de 300 000 dollars. Et en fait, à l'époque, on ne savait pas qui était l'acheteur de ce premier single, mais même pas ce premier deux titres de Elvis. Et en fait, là, on a appris qu'il s'agissait en fait de Jack White. Donc ah. Jack White, ex White Stripe, ex Dead Weather, ex un peu tout, puis ex Jack White lui-même qui fait des albums sous son propre nom. Et en fait, le truc qui est assez sympathique, c'est qu'il a décidé de ressortir cet enregistrement en vinyle. Pour l'événement qui s'appelle Disqueur Day qui aura lieu en avril prochain. Donc voilà, on pourra, si on va au Disqueur Day, acheter des vinyles, les deux premiers titres de Elvis en vinyle. Donc j'ai trouvé ça plutôt c'est intéressant vrai, que, voilà, une sorte, on va dire entre guillemets, une légende du rock actuel, puisque Jack White c'est quand même quelqu'un qui compte dans l'histoire du rock, se dise tiens, je vais acheter quelque chose, je vais pas le garder pour moi et je vais en faire profiter les gens. Bon, en vinyle, hein, c'est la tradition de Jack White, hein, c'est quelqu'un qui est très attaché au support vinyle, mais voilà, je trouvais ça intéressant que un artiste comme ça en fasse profiter les gens et ils disent pas tiens, je garde ça pour moi. Et, je le mets dans mon petit musée personnel. Ouais, c'est sympa. Bon, je trouvais que c'était une démarche plutôt intéressante. Ouais, c'est bien. Très sympa. Voilà, donc vous pourrez aller écouter My Happiness sur YouTube, qui est la voix d'Elvis. Et tout est déjà là, hein, la petite guitare. À 19 ans. Voilà, 18 ans. Ouais, 18 ans. Voilà, la voix magnifique. Grégoire, tu veux nous faire quelques petites annonces rapides ? Ouais, quelques annonces rapides. Alors, je reviens sur Toy Story 4 rapidement. Hein. On savait que ça allait se faire. Hein. Malheureusement, on avait un petit peu versé notre larmouchette justement en tant que bon vieux con à l'époque où ça avait été annoncé. Et là, donc, le président du studio, Jim Morris, a dit que ça allait être finalement assez différent. Ça allait partir dans une direction différente parce qu'on pensait à l'époque que ça allait être dans la suite directe de Toy Story 3. Et finalement, ils ont dit, bon, bah non, ça va être une histoire séparée. Ça va pas être à la continuation de Toy Story, dans la suite de Toy Story 3. Hein, donc Toy Story 3 et du coup va bien conclure la trilogie Toy Story et on est plutôt content que ça puisque ça concluait, on l'avait dit à l'époque, plutôt bien toute cette histoire. Et là, a priori, ça serait plutôt une histoire d'amour, une comédie romantique a priori dans ce qu'il a laissé sous-entendre sur Toy Story 4. Bon, c'est bien, ça se dirige vers quelque chose d'original. Quelque part, ça me rassure un peu. Donc on en saura plus le 17 juillet 2017 et on sait qu'il y a maintenant Josh Cooley qui va être le co-réalisateur de ce film avec John Lasseter. Donc voilà, il a travaillé notamment sur Ratatouille, Brave et Up. Donc comment ça s'appelle en français? Là-haut, merci. Donc voilà, on est assez content. C'est lui qui fait l'histoire sur Inside Out, sur Vice Versa, qui va bientôt sortir. Donc d'ailleurs, donc, je vous incite à aller voir la nouvelle bande-annonce. Elle est très très sympa. Ghostbusters, je voulais parler aussi de ça dans mes annonces en vrac. Ghostbusters 3, vous le savez, arrive bientôt en salle, donc avec Kristen Wiig, Melissa McCarthy. Donc c'est le 24 août 2016, bientôt. On est très dans l'avenir ici. Hein, un an et demi quand même. C'est ça. Donc voilà, ça met en scène une équipe féminine chargée de nettoyer New York des fantômes. Et là, de façon plus intéressante, il y a Sony qui a décidé de créer carrément une maison de produits dédiée, Ghost Corp, suite à cette annonce. Et une maison de production qui va être dirigée par Ivan Reitman et Dan Aykroyd, donc les fondateurs de la saga Ghostbusters. Et en fait, le but derrière ça, c'est de carrément créer un univers cinématographique Ghostbusters, de pas s'arrêter à simplement un film Ghostbusters 3, mais de faire même un autre film qui serait produit et réalisé par les frères Russo, donc ce qu'on fait quand Captain America 2 et 3 justement, et qui serait avec Channing Tatum, et qui serait scénarisé par Drew Pearce, donc le scénariste d'Iron Man 3 et de Mission Impossible 5. Il y a des rumeurs comme quoi il y aurait aussi Chris Pratt, effectivement, à côté de Channing Tatum pour les nouvelles équipes de Ghostbusters. Donc on aura le droit à une équipe féminine et à une équipe masculine. Et Ryan Gosling, parce qu'il y avait des rumeurs. Ryan Gosling, il y a des rumeurs. Pour l'instant, elles ne sont pas confirmées. Moi, je le verrais bien dedans. C'est aussi, lui qui s'est proposé dans Ryan Gosling. C'est lui qui s'est proposé, ouais. Ce qu'on avait appris dans les leaks de Sony à l'époque du piratage par la Corée du Nord. Ou pas. Donc voilà, Ghostbusters revient sous plein de formes à l'écran, moi je suis assez content. Et puis je parlerai aussi de Fear the Walking Dead, qui est la deuxième série qui va être issue de l'univers de zombies développé par la chaîne AMC, qui va débuter cet été avec une fournée de 6 épisodes d'une heure. Et on a eu le droit à une première image. Donc voilà, c'est tout, c'est la seule info pour l'instant. On sait qu'on va voir donc Kim Dickens hein, au côté casting, donc qui a joué dans Gun Girl notamment et dans Trem. Il y a Cliff Curtis qui a joué dans Sunshine, je l'avais déjà dit à l'époque, on en avait parlé, et puis notamment le jeune qui jouait dans Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé, qui jouait le jeune Voldemort, qui avait un regard un peu glaçant. Donc là, on a vu la première image. Tout ce qu'on sait pour l'instant, c'est que ça va être dans le même univers, mais que ça va pas passer exactement au même moment, puisque je sais pas si vous regardez The Walking Dead, vous deux, mais en gros, dans la série actuelle, on voit Rick qui tombe dans le coma et il se réveille et il y a des zombies. On ne sait pas ce qui s'est passé. Alors que là, on va savoir ce qui s'est passé, puisque concrètement, eux ne vont pas tous tomber dans le coma d'un coup. Donc voilà, et ce qui est intéressant, c'est que Fear the Walking Dead, donc qui est le titre de la série a priori pour l'instant, a déjà été commandé pour 2 saisons, ce qui est peut-être la première fois que je vois ça depuis que je suis les news un petit peu de série. C'est très rare, d'habitude ils commandent un pilote, puis une saison, puis ils renouvellent. Là ils ont directement commandé 2 saisons. Ouais, mais le nom est quand même... Donc voilà, effectivement le nom. Il faut savoir qu'en fait la première série, celle qu'on regarde tous ou presque actuellement, elle est première sur le segment des 18-49 ans depuis 3 ans déjà d'affilée. Donc c'est un énorme succès. Donc voilà, ça commence cet été, on est assez impatient de voir ça. Ok, super. Julien, combien de fois as-tu envie de voir Leonardo? 24 fois. Ouais. Oh, t'es vraiment un fan, toi. Justement, parce que Leonardo DiCaprio, c'est pas seulement cet acteur qui passe son temps sur des yachts avec des mannequins magnifiques. Parfois, il fait aussi du cinéma. C'est vrai. Et il est plutôt pas mauvais. Je vois que t'es très people. Je vois les photos. Ah, je me renseigne. C'est pas fait exprès, c'est chez le dentiste. Voilà, j'ai un spectre large de goût culturel. C'est pour le podcast. Pour le coup, si vous aimez pas Leonardo DiCaprio, là, il va vraiment falloir passer votre chemin. On a en effet appris que l'acteur participe à un projet d'adaptation du livre de Daniel Case qui s'appelle The Mind of Billy Milligan, sous le titre, bon, ils ont rebaptisé le film, qui s'appelle Crowded Room. En fait, le livre raconte l'histoire véridique de Billy Milligan, qui a été accusé dans les années 70 d'un braquage et du viol de 3 femmes. Donc un personnage plutôt sympathique. Et pour le coup, il avait plaidé la démence en se disant habité par 24 personnalités. Waouh. Voilà. Parmi ces 24 personnalités, il y avait un dandy anglais, une enfant dyslexique de 3 ans et son frère, un artiste peintre, une jeune lesbienne. Et Billy Milligan était devenu en fait le premier américain acquitté pour trouble de la personnalité multiple. D'accord. Donc voilà, il avait échappé à la peine de mort. Donc là, le film sera produit par la société de production de DiCaprio qui s'appelle Appian Way. On n'a toujours pas de réalisateur qui a été annoncé. Et il faut savoir que c'est une adaptation de roman qui tourne depuis longtemps à Hollywood, puisqu'il y a déjà eu James Cameron qui avait en effet écrit un scénario. Mais pour le coup, le film s'était pas concrétisé suite à une querelle de salaire. Et Warner Bros. Avait par la suite fait appel à Joel Schumacher, à David Fincher, mais là encore, ça n'avait pas abouti. Et côté acteur, on avait déjà eu Johnny Depp, Matthew McConaughey, John Cusack et Brad Pitt. Et même Sean Penn qui avait été approché avant que ça soit Leonardo DiCaprio. Sean Penn, ça aurait été sympa. Voilà, faut dire que c'est quand même un projet de film qui est intéressant pour un acteur. Clairement. Puisque jouer 24 personnalités dans un même film, c'est quand même une performance qui passerait pas inaperçue. On sait que DiCaprio, il a jamais eu encore l'Oscar malgré quelques nominations. voilà, ce qui est donc ça peut être aussi un de ses objectifs avec ce film-là. Peut-être pas. Peut-être que on connaît aussi DiCaprio. Parfois, il est aussi, il y va juste parce qu'il a envie de faire le film. Et il y a pas forcément un calcul, mais disons que voilà, un rôle avec 24 personnalités. Ça peut aider ça à avoir un Oscar. Et pour le coup, je trouve que voir DiCaprio dans la peau d'une jeune lesbienne ou d'un enfant dyslexique de 3 ans, bah, ça peut valoir les 11 euros de la séance. Oui, c'est vrai. Puis c'est un bon acteur quand même. Bah ouais, c'était en quoi, The Island ou je sais plus quoi, dans comment il s'appelle ce film c'est, il est sur Shutter Island. Ouais. Merci. Ouais. Où il est déjà un peu fou et habité par, on ne sait pas si c'est plusieurs personnalités ou pas, mais c'est un peu, c'est intéressant ça. Il le joue très bien. Donc, ouais. Moi, c'est un acteur que j'affectionne beaucoup. Mm. Donc après, il faudra voir le réalisateur hein, qui est choisi, parce que après, si ça tourne juste à un show Leonardo DiCaprio, ouais. Bon, ça peut être. Ah, je lui fais confiance. Bon, après avoir parlé de grands films, je vais vous parler de Sharknado 3. Ah. Un film qui n'aura pas d'Oscar. Ah bon, je suis déçu. Sharknado, pour ceux qui connaissent pas, c'est une licence nanar assumée. Hein. Ah bah complètement. C'est le troisième volume de la série. Donc en fait, c'est tout simplement lors de tempêtes. Il y a des typhons qui se forment au-dessus de la mer et on embarque avec des requins qui retombent sur les villes. Donc ça a eu lieu à Los Angeles, à New York. Et là, il y a le Sharknado 3 qui est annoncé. Et l'annonce, moi, qui m'a fait marrer, c'est que David Hasselhoff était évidemment... avait un rôle important dans ce Sharknado en guest star et il y avait même Bruno Solomon qui rejoint le casting dans notre petit Bruno Frenchie hein, celui qui joue dans Fais pas ci, fais pas ça. Merci, j'allais avoir un trou. Fais pas ci, fais pas ça. On l'a vu de Kaamelott aussi en Empereur romain. Voilà, moi j'affectionne énormément cet acteur qui a un grand potentiel, je trouve, et ça me fait marrer parce que en plus il va jouer le rôle du major René Joubert donc un rôle très franché. Oh, putain, ça sent vraiment la dope. Ça va être génial. Et alors il devra réactiver avec son ami Gilbert Shepard, donc David Hasselhoff, la technologie pour contrôler les tempêtes et sauver le monde. Eh ben voilà, donc il y a une photo de eux deux se retrouvant qui a été diffusée sur Internet et rien que la photo, je trouvais que c'était déjà génial. Donc voilà, aujourd'hui c'est un peu big up spécial David Hasselhoff. Ouais, c'est vrai que ça fait déjà deux fois que t'en parles. Voilà. Après Shining Tattoo, à tous les podcasts, on va faire David Hasselhoff à tous les podcasts. On en reparlera à la fin du podcast de David Hasselhoff. Petite surprise pour ceux qui vont écouter jusqu'au bout. Mathias Grégoire, fais-nous encore quelques petites annonces, ouais, quelques petites annonces flash et je vais revenir un peu au bon film quand même. Parce que ça suffit la parenthèse. Comment Sharknado ça ouais, versus Python. Non, j'allais parler du site Open Culture qui a décidé de mettre à disposition gratuitement 700 films pour le plus grand plaisir tous amis cinéphiles. Donc voilà, vous y trouverez dessus des longs, des courts-métrages datant des années 1900 aux années 2000 et il y en a vraiment pour tous les goûts. Alors dessus, vous trouverez du Kubrick, du Hitchcock, vous trouverez le premier court-métrage de Wes Anderson, vous trouverez du Christopher Nolan hein, avec son premier court-métrage, enfin un de ses premiers courts-métrages, pardon, Doodlebug en 1997. Vous trouverez Tim Burton avec Vincent en 1982 et Frankenweenie 1984 par exemple. Vous trouverez le tout premier court de David Lynch aussi sur cette offre. Ah donc ouais. Tout ça c'est gratuit. Hein. On retrouve aussi du Fritz Lang, du Francis Ford Coppola, du David Cronenberg. Enfin voilà, les noms sont pléthoriques. Je vous incite à aller voir Open Culture sur Google. Donc c'est des films en VO. Je crois que c'est en VO. C'est en VO pur, je pense. Mais en tout cas, c'est gratuit, 700 films. Et c'est, si vous avez des petites lacunes en ciné en disant « Tiens, j'ai jamais vu le premier court-métrage de Wes Anderson », c'est le moment. Hein. Moi, je ne l'ai jamais vu, par exemple. Je pense que je vais aller voir ça. Donc, c'est super intéressant, je trouve, pour si on a envie de compléter un petit peu toute sa connaissance. Je continue sur les bons films avec Zoolander 2, qui a fait un peu parler de lui. entre ces deux semaines, hein, puisque vous l'avez sûrement vu. J'étais obligé d'en parler quand même si vous l'avez vu. Hein, donc voilà, on a Derek Zoolander et Hansel qui ont défilé à la Fashion Week 2015 à Paris. J'étais très fier de voir ça à Paris. Donc lors du show Valentino, une scène qui a été largement immortalisée hein, avec des portables ou peut-être des caméras. Peut-être que ça sera présent dans le film, on ne sait pas. Mais en tout cas, Derek Zoolander a refait son blue style, sa signature, son regard signature. Donc je suis très content de voir ça puisque donc ça intervient quelques semaines après l'annonce du début de tournage de Zoolander 2, qui va être dirigé par Justin Theroux. Qui est aussi un acteur hein, qu'on a pu voir. Et puis dans The Left Overs aussi, la série que vous avez recommandée il y a quelques temps, et effectivement dans le Land Drive, donc et ça sort Six le et dans Six Feet Under, t'as raison, ouais. Le 12 février 2016, Zoolander 2, donc je suis très impatient. Ouais, puis ça donnera un scénario pour Michael Youn quand il sortira. C'était gratuit, mais bon. C'était du troll, mais bon. Ça fait plaisir. Je conclurai mes news flash avec Disney. Hein, j'avais dit que justement Disney ne se laisserait pas abattre si jamais les super-héros coulaient en début de cette partie divertissement. Effectivement, ils ont multiplié un peu les grosses annonces, hein, notamment avec le spin-off Star Wars qui a été annoncé par le PDG de Walt Disney, Bob Iger, ou Iger, je ne sais pas. Donc voilà, il a révélé que le premier film spin-off de Star Wars était écrit par Chris Waits et serait réalisé par Gareth Edwards, donc qui a réalisé aussi Godzilla récemment, et qui il s'appellera officiellement Rogue One, et donc ça serait avec Felicity Jones, qui a joué dans Une merveilleuse histoire de temps, pour laquelle elle a été récemment nominée aux Oscars, là, donc voilà. Bon, est-ce que ça s'annonce prometteur? Je ne suis pas sûr, personnellement, même si l'histoire de Rogue One pourrait me plaire. Ce qui me freine un peu, c'est Gareth Edwards à la réalisation, Godzilla, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'était assez lent. C'était pas nul, hein. C'était vraiment pas nul. Godzilla, alors, le tout récent, celui avec l'acteur de Breaking Bad. Bryan Cranston. Moi, j'ai trouvé très bien. Hein. C'est vrai qu'il était lent. Hein, pas mais... jusqu'à là, quand même. Donc voilà, en tout cas, le film sortira le 16 décembre 2016. Ça arrive bientôt. C'est un standalone. Prenez vos places. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est standalone. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de voir les autres Star Wars pour le comprendre. Bon, d'accord, temps, c'est l'univers de Star Wars. Tout le monde aura plutôt plus ou moins vu Star Wars à ce moment-là. Et dans la même conférence, le PDG de Walt Disney a confirmé que Rian Johnson allait écrire et réaliser Star Wars épisode 8, déjà. Alors, qui est Rian Johnson? Moi, ça m'a beaucoup rassuré et pour le coup, ça me fait vraiment plaisir. C'est celui qui a réalisé Une arnaque presque parfaite avec Adrien Brody et Mark Ruffalo, qui n'est pas un film très connu, qui a aussi réalisé quelques épisodes de Breaking Bad. Mais surtout, là où vous allez le connaître, savoir qui est ce fameux Rian Johnson, c'est lui qui a réalisé et écrit Looper. Donc, qui était plutôt un film assez réussi. Avec Bruce Willis. Avec Bruce Willis et je ne sais plus son nom, l'autre. Joseph Gordon-Levitt, merci. Donc, je suis assez moi, content. Moi, j'ai pas adoré ce film, mais il était réussi dans ce sens. Il était réussi formellement, en tout cas, voilà. Déjà. Donc, il sort le 26 mai 2017, pardon. Soit 40 ans jour pour jour après la sortie du premier Star Wars, Un Nouvel Espoir en 1977. Ça, c'était la première annonce, la grosse annonce Disney, c'était Star Wars. La deuxième grosse annonce, c'est Frozen 2, qui a été officialisée. La Reine des Neiges 2, effectivement, tu as raison. Donc, on va se retaper du Libéré, Délivré. Ça, c'est. Ouais. Avec toute la même équipe, hein, j'en dirais pas beaucoup plus. Et puis, Dumbo, en vrai, ça, t'as dû voir passer ça, Julien. Je crois que t'aimes plutôt bien. Comment il s'appelle celui qui a réalisé Alice au Pays des Merveilles. Burton. Burton, merci, puisque c'est lui qui va s'en occuper. Hein. Il va faire une adaptation en scène réelle de Dumbo. Voilà. Donc après avoir fait justement Alice au Pays des Merveilles, il va mélanger les prises de vue réelles avec des images de synthèse. Et ça serait une histoire un peu plus étendue que celle du dessin animé de 1941 maintenant. Ce qui m'a pas rassuré quand même des masses, c'est qu'a priori le scénario serait écrit par Eren Kruger, qui a écrit Transformers. Voilà. Ça ressemble quand même à une grosse tendance hein, chez Disney de transformer leurs dessins animés en vrais films maléficients de Cendrillon, Livre de la Jungle, qui va bientôt sortir, enfin en 2017 qui sort. Pour moi, bientôt c'est 2016-2017. Et La Belle et la Bête qui est également sortie. Donc voilà pour les petites annonces côté Disney. Je ne sais pas si vous voulez commenter, réagir ou si vous avez d'autres annonces, mais bon, moi ça me fait un peu peur. Tu as dit l'essentiel, Julien, qui a une dernière annonce. Ouais, en fait, si comme Greg et moi vous rêvez d'habiter dans la comté. En plus, on a le physique pour. Voilà, c'est Greg. On a la taille pour habiter dans la comté. Quoique, non, on est quand même plus grand que certains hobbits, pas tous. Mais vous avez les pieds velus, mais ça va encore. Alors, en fait, vous serez ravis d'apprendre qu'un parc va reconstituer le pays des hobbits. Donc, pour vivre ce rêve que Greg et moi allons embrasser très bientôt, il faudra une Andalousie où 8 hectares vont être consacrés à la reconstitution de ce lieu important du Seigneur des Anneaux, forcément. Hein, c'est là que tout part. Bah ouais. Donc, en fait, il y aura également une seconde zone en plus de la comté qui sera dite zone d'aventure et qui sera pour le coup inspirée de la trilogie et du Seigneur des Anneaux de manière plus générale et pas seulement de la comté, avec des murs d'escalade, des demeures hobbits, des toboggans et des balançoires. Plutôt pour les enfants, donc, a priori. Hein. Ouais, donc plutôt pour les enfants, après ça fait toujours le bonheur des petits et des grands. Si t'es dans un village hobbit, tu te fais un peu chier en termes de choses à faire. Ouais, tu cultives des petites plantes, de l'herbe. Et puis les maisons doivent être un peu basses. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est pour ça que c'est pour les enfants. Ah, tu te baisses un peu, quoi. Mais bon, après, faut voir comment ils s'y les font à l'échelle. Hein. Donc voilà, on sait où on va passer ses futures vacances. En Espagne, dans les terres du milieu. Et en même temps, bon, déjà, quand tu partais en camping, c'était un peu aller au Mordor. Bon, finalement, l'un dans l'autre, ça n'a pas trop changé pour les lieux de vacances. Voilà. Bon, après, s'il y a des fans de camping parmi les On te laisse responsable de tes propos parmi les fans de camping. J'en ai écoutent. Déjà fait. Hein, Merci, Julien. Et ben maintenant, on va passer aux news arludiques. Pour cette rubrique art ludique, nous allons commencer par un petit débat. Julien, je te laisse lancer. Oui, en fait, c'est vrai que l'actualité jeux vidéo, puisqu'on parle souvent de jeux vidéo dans Art Ludique, des dernières semaines n'a pas été particulièrement riche. Mois même. Hein. Ouais, c'est une période un peu. On est dans une période un peu plus creuse à la question actuelle, même si pour le coup, on a eu deux excellents jeux qui sont sortis. On en reparlera peut-être dans des futurs conseils qui sont Hotline Miami 2 et Ori and the Blind Forest. Donc j'ai hésité à parler de MGS5 puisqu'on avait eu quelques petites news dessus. Bon, on aurait pu aussi parler de la guerre des sites, hein, bon, on va pas le faire, mais voilà, c'était pas très intéressant, mais bon, voilà, ça nous fait un peu rire en off. Mais finalement, je me suis arrêté sur un départ qui m'a pour le moins interpellé. C'est le départ en fait de Johan Faniz après 14 ans passés chez Ubisoft. Alors Faniz, peut-être ça vous dit rien, c'est pas un nom qui est très parlant au niveau du grand public. On va dire qu'il est moins connu que Michel Ancel ou Jade Raymond quand on parle de Ubisoft. Mais ce qui est intéressant, plus que Johan Faniz en lui-même, c'est les raisons de son départ de chez Ubisoft. Alors Johan Faniz, je vais quand même le présenter rapidement. C'est quelqu'un qui est entré chez Ubi Montpellier il y a 14 ans et qui a travaillé sur un jeu qui est de Ubisoft qui est assez culte maintenant, c'est Beyond Good and Evil, un jeu dirigé par Michel Ancel. Et c'est quelqu'un qui bossait dans le son avant, qui travaillait avec Christophe Hérault, qui est le compositeur attitré de Michel Ancel, et qui a atterri comme ça sur le projet en faisant de la captation de son. Et suite à ça, il est devenu directeur créatif. Donc il a travaillé sur Assassin's Creed, notamment je crois que c'était le troisième épisode, ou peut-être le. Enfin, il a travaillé à Singapour sur le parti bataille navale. De Assassin's Creed. Backfack plutôt. Peut-être Backfack, mais peut-être qu'il y en avait dans le 3 aussi. Ouais, il est parti dans le 3. Ouais. Peut-être qu'il y en avait dans le 3. Ouais. Et dernièrement, il a surtout été remarqué comme co-créateur de Soldats de la Grande Guerre. Ouais. Donc, un jeu qui a eu des critiques absolument dithyrambiques. Hein, ouais. Qui a été très bien accueilli et qui est un peu labellisé par Ubisoft comme, je mets des guillemets, indépendant. Donc on reviendra sur les guillemets qu'on met à indépendant. Ce qui est intéressant, donc je disais, c'est les raisons de son départ. Puisqu'en fait, il l'a expliqué au site Gamasutra. Puisqu'en fait, c'est à la fois un déçu de la manière de faire un triple A aujourd'hui, notamment chez Ubisoft, mais aussi de son expérience, je mets encore des guillemets, faussement indé chez Ubi. Alors concernant les triple A, pour le coup, dans l'interview, on voit vraiment qu'il est nostalgique de l'époque où il était avec Ancel sur Beyond Good and Evil. Il explique que Beyond Good and Evil était fait par une équipe d'une trentaine de personnes dans une ambiance créative que seul Michel Ancel pouvait apporter. Plus on grossissait, plus cette ambiance disparaissait. 100, 200, 500 personnes, c'était nécessaire par rapport aux évolutions techniques du AAA, mais sur le plan créatif et humain, quelque chose manquait. Donc là, bon, voilà, c'est un discours qu'on entend assez souvent. Hein. C'est le discours de voilà, je crée un jeu avec une bande de potes et je crée un jeu dans une structure gigantesque. Bah ouais. Et ce qui est amusant, c'est de voir, il a envoyé pour son interview des photos à Gamasutra en fait pour illustrer l'époque Ubisoft. Et en fait, à l'époque de Beyond Good and Evil, j'ai mis la photo là parce que je la trouve assez intéressante. Je vais tourner mon. Alors, c'est pas très radiophonique, mais oui. Vous pourrez la voir sur le site Gamasutra. Ouais, on voit une équipe de quoi ? Une trentaine, 30 ou 40, ouais, 50 personnes peut-être ? Une équipe de 50 personnes dans des positions où ils sont allongés par terre. Peut-être à Montpellier, dans le célèbre château où ils faisaient les jeux. On voit des espèces de chaises de jardin, et puis ouais. Ils sont tous les uns sur les autres, en tenue vraiment très décontractée. On sent qu'il y a c'est une photo qui montre un vrai esprit. Dans cette équipe. Donc en fait, il dit pas qu'il regrette son expérience AAA, c'est quelque chose qu'il a jugé vraiment enrichissant, mais on sent en fait que la façon de faire un AAA, c'est plus vraiment ce à quoi il aspire. Et en fait, dans une interview à Gameblog, il a déclaré, donc en parlant du processus de création d'un AAA, il dit « Par contre, j'ai moins aimé la grande part d'énergie consacrée à la coordination interstudio, à la documentation, au process de validation qui est invisible pour le joueur. Il y avait moins de place pour le hasard, les brainstorms fous, les découvertes fortuites de prototypage, par exemple. » Donc on voit que c'est, quand tu fais un AAA, forcément, parce que souvent, c'est plein de studios différents qui font des parties de jeu, des bouts de jeu. Donc il y a un espèce d'élément où ce qu'il explique aussi, c'est que tu n'as pas une vision globale et finale du jeu. Tu fais des bouts de jeu, et puis après, c'est assemblé, donc t'as pas t'as une façon de faire un jeu vidéo qui est totalement différente. Pour le coup, il explique que ça correspond à l'ampleur d'un projet comme un AAA, mais que finalement c'est une façon de faire des jeux qui lui correspond plus. Et ce qu'il disait dans Gamasutra, il disait les interactions qu'on peut avoir avec les équipes sont limitées et c'est très difficile, donc ce que je disais, d'avoir une vision globale, mais on peut pas faire autrement pour ce type de jeu. Donc on comprend pourquoi Soldat Inconnu, qui était son dernier jeu chez Ubi, représente quelque chose de différent pour lui, avec une équipe qui était beaucoup plus réduite, puisque c'est un plus petit projet, et un projet pour le coup très différent, puisque c'est un jeu qui parle de la Grande Guerre, qui a un gameplay vraiment différent, c'est pas un shooter. Voilà, on est un peu, je vais pas dire aux antipodes, parce qu'il y a de plus en plus de jeux qui font ça, mais on n'est pas tellement dans la façon de faire de chez Ubi au niveau des AAA. Et en fait, Fanny explique ce qu'il a voulu retrouver avec le jeu. Il dit très bien, on voulait revenir à l'esprit Beyond Good and Evil, où on était impliqué à la fois dans le script, dans le level design et dans le game design. Donc plus du tout morceler la production du jeu, mais vraiment être complètement en contrôle. Et là, pour le coup, il cherche pas du tout Yves Guillemot sur ce coup-là. Il dit que Guillemot, c'était quelqu'un qui est tombé vraiment amoureux du projet, qui l'a soutenu. Donc Yves Guillemot, c'est le PDG de Ubisoft, et qui a vraiment eu un coup de cœur pour le jeu et qui l'a soutenu au niveau marketing, alors que le jeu était pas forcément pas vraiment très vendeur. Sauf que pour lui aussi, pour Fanny, c'est aussi une expérience qui est loin d'être idyllique, puisqu'il dit ouais, c'est vraiment quelque chose de difficile. Et Soldat Inconnu, il a une comparaison qui est intéressante, c'était comme un camion de restauration gastronomique sur le parking d'un restaurant géant, quoi. Donc on voit bien l'image, c'est-à-dire voilà, il y a ce gros fast-food qui produit plein de nourriture, et puis eux ils étaient mis comme ça un peu sur le parking. Alors pour le coup, ça a été quand même un petit succès. On parlait à la fois de la renommée artistique du jeu, et en même temps c'est 1 million de joueurs, mais il dit que ça reste quand même une goutte d'eau à l'échelle des blockbusters Ubi. Et en fait, on en vient finalement à cette fausse étiquette d'indépendant, car en fait, Fanny's, il explique que pour Soldat Inconnu, il dit que c'est un combat permanent pour convaincre les gens que créer un jeu faisant réfléchir sur la guerre trouverait une audience. Donc c'est vrai que voilà, après il explique notamment, c'était dans Kotaku, il dit la Première Guerre mondiale elle-même, c'est pas vraiment un thème qui est très sexy pour les joueurs, ouais. C'est pas un thème qui est très vendeur. Alors encore moins quand on fait un jeu en 2D. Et encore moins quand on met pas de pistolet dans les mains des personnages. D'ailleurs, il expliquait que lui, l'idée, c'était pas du tout de faire une sorte de run and gun à la Metal Slug, mais vraiment de faire un jeu. Enfin voilà, il racontait qu'il avait appris, je crois que c'est son arrière-grand-père qui avait été dans les tranchées, et il voulait pas du tout un jeu de guerre. Enfin, en termes de, quand on parle de jeu de guerre, un terme où on tue des ennemis, voilà, il voulait une sorte de réflexion par le média jeu vidéo de ce qu'était la guerre à cette époque-là. Et il dit en fait qu'il a dû constamment frapper aux portes de chez Ubisoft pour vraiment réussir à faire son jeu. Et il estime en fait que les superviseurs d'Ubi, alors pas comme Guillemot lui-même, sont vraiment intervenus dans le processus de création. Donc quand on parle de jeux indépendants et qu'il y a des gens un peu plus haut placés ou qui sont en charge des projets interviennent dans le processus de création, c'est pas vraiment la définition de l'indépendance. Voilà, en fait, il explique à Kotaku aussi que chaque fois, il disait, oui, tu devrais changer ça, peut-être que tu devrais faire ça différemment. Voilà, le truc qu'on trouve traditionnellement quand on fait un jeu avec un éditeur, ce qui est logique aussi. L'éditeur, c'est lui qui paye, donc c'est lui qui attend aussi un produit. La différence d'un indépendant, l'indépendant, il fait ce qu'il veut. Si le jeu, il est merdique, c'est pour sa pomme. Tandis qu'après, ça peut être partagé les torts entre un éditeur et un développeur. Et d'ailleurs, assez ironiquement, et peut-être, il est peut-être aussi un peu énervé qu'on lui rappelle tout le temps que c'est ce qu'on dit dans la presse américaine, fake indie, voilà, une sorte de fausse indé. Il dit finalement que voilà, peut-être son futur, ça sera d'aller dans un studio totalement indépendant, pour le coup. Hein, mais voilà, en fait, finalement, ce départ, plus que le départ de Yuan Fanny, ça m'a amené à me demander si aujourd'hui, dans l'industrie du jeu vidéo, il y avait une place pour des projets qui ne soient pas des AAA et qui ne soient pas des purs indépendants. Puisqu'on peut dire que ce qu'a fait Ubisoft, des jeux comme Child of Light, des jeux comme Soldat Inconnu, ce n'est pas des jeux indépendants, puisqu'ils ne peuvent pas avoir ce terme-là, puisqu'il y a un éditeur derrière qui les soutient, qui fait de la promotion. Même si on a appris que dans les communiqués de presse, ils les vendaient comme des jeux indépendants. Ouais. Et voilà, c'est parce que maintenant, c'est devenu un label. Quand tu as un jeu indé, ça vend ça, quoi. Et puis c'est un jeu, quand tu as un jeu qui sort un peu du circuit AAA, du circuit shooter, on essaie de mettre ce label indé pour dire c'est un jeu différent. Donc voilà. Et finalement, le départ de Fanny's, ou même des jeux qui poussent chez Ubi, comme je parlais de Child of Light, on peut aussi penser à Gros Homme, qui est un jeu fait par une toute petite d'Ubisoft, je crois, c'est Réflexion, celui qui avait fait Driver, et qui est un jeu qui a été d'ailleurs très très bien accueilli, mais qui est un jeu qui est un peu, on a l'impression que parfois ils se disent on en a marre de faire des triple A. Je crois qu'ils sont d'ailleurs un peu partis de là, le mec qui a fait Gros Homme, celui qui a eu l'idée à la base. On sent qu'ils ont besoin comme ça, on a l'impression, à la fois, t'as l'impression qu'il y a un essoufflement du modèle d'Ubi, on en a parlé avec Assassin's Creed Unity, avec toute l'affaire qu'il y a autour, et en même temps, t'as l'impression qu'il y a un essoufflement de leur part, et que leur créateur maison recherche un peu de, aussi une sorte de respiration, de second souffle. On l'a vu aussi avec Ansel qui va faire un autre jeu entre guillemets indépendant aussi, parce que c'est quand même soutenu par Sony, qui s'appelle Wild, avec un autre studio. Il est toujours chez Ubi, mais il va faire quelque chose d'indépendant. Comme si tous ces créateurs maison, ils étaient un peu fatigués de la machine AAA. Quoi. Ouais, je pense qu'une machine comme Ubisoft doit un peu t'épuiser quand t'es un développeur, justement. C'est vrai que c'est une machine calibrée. Ils sont là pour sortir des jeux qui se vendent pas à 1 million d'exemplaires, mais qui se vendent à 10 millions d'exemplaires. Mais c'est difficile d'appréhender de toute façon les choses de l'extérieur, parce que pour moi, Michel Ancel, typiquement, il a beau être chez Ubisoft, il fait quand même les jeux comme il le voit. Comme il le veut, parce que Rayman, pour moi, c'est... Le Michel Ancel, c'est très particulier. Voilà, mais tu vois, pour moi, Fanny, c'est une sorte de Michel Ancel, quelque part. C'est-à-dire qu'il... Tu vois, qu'il parte, je peux comprendre, mais en même temps, il a quand même la liberté d'arriver à faire... Tu vois, il a réussi à faire un jeu, entre guillemets, indépendant, enfin, un jeu différent. A fake ID. Ouais, alors ça, c'est vrai qu'il a réussi à le faire, mais si, peut-être qu'il est fatigué de devoir à chaque fois toquer encore pour rendre son jeu, qu'il y ait quelqu'un au-dessus qui lui dise, tiens, tu devrais peut-être faire ça, tu devrais faire ci, peut-être, voilà. Après, pour le coup, il n'y cherche pas non plus Ubisoft, hein, c'est aussi, je pense, une volonté personnelle. Peut-être que lui, voilà, tu fais 14 ans dans une boîte, t'en as peut-être marre, t'as envie de passer à autre chose, t'as envie de faire la façon différente. Mais c'est vrai que tu sens qu'il est nostalgique de cette époque du Montpellier où il faisait les jeux différemment. Et justement, il dit que Montpellier, ça peut être le nouveau, presque le nouveau Canada avec la neige en moins, nouveau Montréal à la neige en moins, puisque c'est peut-être là que plein de studios indés vont. Il y a vraiment une scène qui est assez foisonnante à Ubisoft, à Montpellier, et tu sens qu'il veut retrouver cette façon de faire des jeux un peu plus proches des équipes, un peu plus proches vraiment du global du jeu et pas du morcellement de jeu. Quoi. Après, j'ai un peu l'impression, mais je sais pas, je connais pas très bien, mais est-ce qu'il est pas nostalgique de quelque chose qui n'existe plus quelque part. Enfin, c'est-à-dire que quand il a fait Beyond Good and Evil, oui, il est nostalgique d'une petite équipe et de ça, mais est-ce qu'il peut vraiment retrouver ça en travaillant chez un Ubisoft ou chez un autre gros éditeur de jeux vidéo ? Je suis pas certain que ça existe encore, en fait. Il a eu de la chance quelque part en ayant tapé dans l'œil du PDG, en se faisant appuyer par le PDG, et ça a été jusqu'au bout, et tant mieux pour son jeu, tant mieux pour lui. Mais s'il veut retrouver ça, effectivement, je pense que le choix, c'est d'aller vers l'indépendance pure et dure, de refonder une petite équipe avec des petits jeux. Vouloir concilier le modèle indépendant avec le modèle AAA, ou en tout cas avec un éditeur derrière qui t'impose un peu des ventes ou de faire du gros chiffre, ça me semble un peu compliqué. Et puis on arrive dans le fake indépendant et dans le label quelque part, on fait de l'indé pour faire de l'indé, quoi. Et on fait pas de l'indé. Ouais, et surtout que ce label de fake indépendant, il cause du tort aussi aux créateurs, parce que bien sûr. Quelqu'un comme, enfin, tu vois, c'est pas non plus un truc qu'il recherche. Il fait son jeu, c'est un jeu, on peut penser que c'est un jeu, voilà, c'est pas un AAA, c'est un jeu avec moins de budget. Mais, maintenant, j'ai l'impression qu'il y a plus de segments entre les AAA et les indés. Soit tu fais de l'indé et t'es dans ton coin, tu fais ton truc, et soit tu fais du AAA, mais il y a peut-être des jeux entre les deux. Des double A, quoi. Ouais, des double A comme on en faisait à une époque. Ouais, c'est la fameuse voie du milieu, mais ça, c'est dans tous les domaines artistiques. Le cinéma, le même problème. Finalement, quoi. On retrouve un problématique dans le cinéma, comme tu le dis, effectivement. Entre faire ce qu'on a dit tout à l'heure avec Spielberg et tout ça, qui font des films. Soit tu fais des blockbusters, soit tu fais des films indépendants, et du coup, il y a de la lumière sur toi parce que c'est une patte artistique, mais entre les deux, c'est beaucoup. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, parce que Fanny, justement, en parle de l'industrie du cinéma, mais lui, il dit que l'industrie du cinéma est plus mature et qu'elle n'hésite pas à prendre des risques. Alors bon. Tu vois, ce qu'on a notre débat tout à l'heure a tendance à le contredire finalement. Parce qu'effectivement, aujourd'hui dans le cinéma, c'est soit tu sors à Sundance, soit tu fais un gros film de blockbuster. Ça dépend ce qu'on regarde dans le cinéma, quoi. Ouais. Et voilà, lui, il dit le cinéma, il prend plus de risques, il ose plus de choses, alors que le jeu vidéo, il a un peu peur d'aller vers des choses différentes. C'est aussi un peu le discours qu'on a chez David Cage, même si David Cage fait des AAA. C'est souvent son discours en disant le jeu vidéo, il est cantonné au shooter, on n'utilise qu'une partie du cerveau. On peut être d'accord, pas d'accord. Après, c'est plein de débats sur le gameplay, qu'est-ce qu'un jeu vidéo, comment on conçoit un jeu vidéo. Mais disons que c'est vrai que le jeu vidéo, il est basé beaucoup sur l'élimination, il se base sur. Disons que si on se fixe sur les volumes de vente et la masse, oui, mais en fait, dans les faits, c'est pas vraiment ça. Enfin, je veux dire, on voit que les shooters qui sortent, parce que c'est ce dont on parle le plus, mais au final, les journées, les fez, tous ces jeux-là, c'est des jeux qui sont quand même bien implantés dans le milieu du jeu vidéo, c'est des jeux d'auteur pour moi, voilà. Ouais, mais pour Journée, ouais, c'est un jeu qui a été quand même qui est pas un jeu indépendant pour le coup, mais qui est un jeu quand même assez cher et qui a du mal à trouver un seuil de rentabilité. Mais après, t'as pas non plus des succès tout le temps. Enfin, non, il y a beaucoup d'échecs dans les jeux. Non, mais il faut dire que pour moi, les jeux de shoot, comme tu dis, mais c'est pas forcément péjoratif, c'est l'équivalent d'un blockbuster. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a les blockbusters, mais pour moi, les jeux artistiques ou plus d'auteurs coexistent bien à côté, même de mieux en mieux, j'ai l'impression. Après, c'est vrai que tu peux penser que comme dans le cinéma, à la fois il y a des blockbusters d'auteurs Et il y a des films, tu vois, des films parfois indépendants qui sont faits, enfin, avec un modèle de cinéma indépendant. Enfin, tu vois, je sais pas, tu prends un film comme Titanic, c'est un film d'auteur quelque part. Même si c'est ce que fait Christopher Nolan ou voilà, ou ce que fait Nolan. Alors parfois, t'as des films qui ont un label indépendant ou un label cinéma d'auteur et tu sens que c'est finalement des produits marketés et créés comme des comme d'une sorte de label cinéma d'auteur. Quoi. Bah c'est là où je rejoins peut-être justement un peu Michel Ancel qui a peut-être trouvé un peu l'équilibre avec les derniers Rayman où il est dans une vision assez personnelle du jeu vidéo et de ce qu'il a toujours fait, et pourtant il est dans un jeu un peu triple A et qui se vend quand même à des millions d'exemplaires. Ouais. Enfin, est-ce qu'on peut l'appeler triple A, je ne sais moi, pas. Alors moi je vais tempérer parce que bon, j'avais quelques infos de ouais non sur Ubisoft, mais enfin Michel Ancel, et quand il fait des jeux qui coûtent très cher à faire. Bah ouais. Étonnamment, parce que c'est quelqu'un qui s'entoure de gens avec qui il est depuis longtemps, donc des gens qui voilà, ils passent du temps dessus et pour des ventes qui sont pas exceptionnelles par rapport au coût. Après ça veut dire pas dire que ça se vend pas, mais un Rayman c'est pas des ventes énormes à l'échelle de ce que il a mis du temps à être rentabilisé. Mais Michel Ancel, il a un statut particulier chez Ubisoft, particulier aux yeux de Yves Guillemot. C'est quand même quelqu'un qui a fait quand même des succès, qui a créé la marque Ubisoft, on va dire, dans le sens où quand tu fais Rayman, voilà, même Ubi Montpellier, quand ils ont fait Les Lapins Crétins, ils ont eu des succès, donc ils ont une légitimité artistique, créatrice, qui font qu'ils sont aussi intéressants. Enfin, c'est aussi intéressant d'avoir un Michel Ancel chez. Bien sûr. Mais tu vois, après, quand t'as un studio aussi gros que Ubi, avoir des gens qui bénéficient de budget et qui font pas forcément du retour sur investissement, parce que on parle quand même d'une boîte qui est gigantesque, ça peut faire grincer quelques dents, et voilà, c'est peut-être qu'à un moment donné, l'état de grâce de Michel Ancel, il durera peut-être pas au-delà de 2-3 échecs, voilà, tu vois. Oui, je suis d'accord, mais le retour, il est en termes d'image, pas en termes de. Oui, c'est ça. Après, moi, je dis ça, mais voilà. Je suis totalement du côté de Michel Ancel, enfin, tu vois. Oui, non, mais je comprends bien. Et on peut revenir à ce qui s'était passé à l'époque de Rayman Legend, enfin, de Rayman Wii U, où justement, le jeu n'était pas sorti pour des raisons qui étaient uniquement marketing et financières. Et pour le coup, voilà, moi, je soutiens plutôt la démarche de Michel Ancel et du studio Ubi, hein. C'est bien qu'il y ait des gens comme ça. Et on sent que, voilà, quand tu les entends en interview, c'est des gens qui sont passionnés et qui. Enfin, ils ont l'air de se marrer quand ils font un jeu. Mm-hmm. Et c'est peut-être ça que Fanny's a perdu des jeux comme ça. Après, c'est morcelés. Vrai que tu dois t'attendre, effectivement. Enfin, Fanny's, il doit s'attendre. Quelque part, tous les créateurs doivent s'attendre à ça. Si tu commences à travailler sur un jeu où c'est un gros projet, forcément, il y aura plus de monde. Et s'il y a plus de monde, tu vas perdre un peu, quelque part, la liberté de création. Tu vas rajouter des étapes de fabrication, tu vas rajouter des réunions, tu vas rajouter des aspects dont il parle qu'on voit pas nous forcément en tant que joueur, mais du coup la créativité se bride, se perd, et si tu veux retrouver cette créativité là, tu peux que éliminer les étapes, faire un jeu moins cher et revenir vers l'indé, quoi. Donc effectivement aujourd'hui le marché a l'air d'être quand même pas mal morcelé, quoi. Ouais. Moi j'ai l'impression que ça me donne, quoi. Ouais, enfin j'ai plus même l'impression qu'il est carrément divisé en deux blocs, ouais, quoi. C'est ça, d'un côté les indés qui, parce que maintenant tu fais un jeu indé, parfois ça peut très très bien marcher. Alors, après c'est pas tous les indés qui marchent, ouais, mais Minecraft. Souvent t'as une ouais, Minecraft c'est un exemple presque. Il y en a un tous les 10 ans ou tous les 20 ans. Enfin, c'est tellement un phénomène que. Mais t'as des. Tu vois, on. Des micro-phénomènes, il y en a je parlais de Hotline Miami tout à l'heure, mais Hotline Miami 1, c'est 1,7 million de ventes. Donc c'est pas non plus. C'est pas rien, tu vois. C'est quand même. Pas énorme comparé au ce qu'il a fait. Non, mais par rapport. Ouais, voilà. Mais par rapport à ce qu'il doit coûter. Je m'en rends pas compte. Tu vois, c'est quand même un. Mais tu vois, il y a des jeux qui coûtent bien plus cher et qui font moins que ça. Donc. Je trouve qu'il y a aujourd'hui une voie du milieu qui est un peu difficile à trouver pour le jeu vidéo, et comme les budgets augmentent d'année en année et de génération en génération, c'est un peu compliqué. Après, en plus, je pense que plus tu fais un jeu qui est cher, moins tu peux prendre de risques, parce que plus faut que tu sois sur un sentier quand même balisé et faut pas que tu perdes les joueurs. C'est compliqué quand tu investis beaucoup d'argent. Si ça se plante, ton studio aujourd'hui il peut fermer, et même sur des trucs importants. On l'a vu des studios comme THQ. Alors après c'est plus compliqué que ça, c'est pas simplement l'échec d'un certain jeu, mais je trouve que c'est une voie, et je trouve que le départ de Fanny's montre bien que c'est à la fois d'un terme créatif et d'un terme commercial, c'est parfois une industrie qui est tellement grossie à une vitesse quand même hallucinante quand tu repars 10-15 ans en arrière. On reproche aux jeux vidéo de ne pas avoir la maturité du cinéma, mais il ne faut pas oublier que le jeu vidéo, il a quoi, 30 ans ? Le cinéma a plus d'un siècle. Ouais. Oui, voilà, c'est un média qui, et c'est surtout un média qui a grossi extrêmement vite. Voilà. Donc, normal que ça mette un peu de temps à arriver à sa vitesse de croisière, on va dire. Fanny's, du coup, il a dit quoi sur son futur, juste comme ça pour. Pour l'instant, il est en réflexion, et il a dit que peut-être que l'idée, ça serait de créer ou de rejoindre un studio indépendant. D'accord. Peut-être, justement, il parlait de Montpellier, parce que c'est une ville qui a l'air de beaucoup aimer et qu'il voit vraiment un vivier de créatifs. Je crois qu'il y avait aussi un reportage de Game Cult, c'était Boule à Poire qui avait fait ça à Montpellier, où on voyait toute la scène montpelliéraine. Et c'est vrai que ça a l'air d'être une scène assez foisonnante, avec des gens qui sont assez proches, et dans une ville qu'ils ont l'air d'apprécier pour, notamment le soleil, pour les conditions de vie qui sont assez sympas. Ça a l'air d'être vraiment une scène intéressante pour le jeu vidéo, français, de jeux vidéo indépendant, et à la fois Ubisoft, ils ont encore un studio là-bas, quoi. Ok, ben c'est intéressant comme débat. On parle de l'évolution des jeux vidéo et moi je vais vous faire un point rapide sur une évolution à venir dont on parle énormément, c'est les casques de réalité virtuelle. Donc ça va pas être exhaustif, mais ça va être juste, j'ai envie de faire un point parce qu'en fait ça foisonne dans tous les sens. On a plein de créateurs et de nouveaux casques qui ont l'impression, on a l'impression que ça arrive tout le temps, de nouveaux casques. Du coup on est complètement paumé, on sait plus quand est-ce qu'on aura enfin en main un vrai casque de réalité virtuelle. Ça, on a l'impression que c'est tout le temps repoussé. Donc voilà, je me suis appuyé sur des articles qui sont parus cette semaine, hein, je vais pas vous le cacher, c'est sur jeuxvideo.com et sur Gamekult, et ils ont fait des points pour savoir qu'est-ce qui existait comme modèle de casque virtuel. Donc je vais vous citer les principaux, ceux dont on va reparler nous régulièrement. Je crois que Grégoire, après tu vas encore en reparler d'ailleurs de certains. Bah oui, notamment, oui. Alors les casques qui vont arriver. Donc le premier, évidemment le plus connu, c'est l'Oculus Rift. C'est le plus connu notamment par son rachat en Facebook, l'année dernière. Je crois que c'était l'année dernière. Ouais, ouais, d'accord. Qui a mis la lumière un peu sur ce casque pour le grand public. Donc c'est le leader du marché actuellement. On en est au deuxième kit de développement et pour l'instant il y a déjà 100 000 exemplaires qui ont été écoulés et qui coûtent $350. Il faut savoir que la version finale a été repoussée en 2016. Alors qu'ils avaient promis que ça serait en 2015. C'est déjà officiel, ça ? Ouais, je sais pas. Oui, si oui, c'est oui, j'ai lu version finale repoussée en 2016. Ah d'accord, parce que pour l'instant c'était plutôt des rumeurs. En fin d'année ou début d'année. Théoriquement, il devait sortir en 2015, mais il a dit que ça se ferait sûrement pas. Mais apparemment, c'est peut-être officiel. C'est peut-être moi qui ai interprété du coup. À surveiller. Ça serait certainement en tout cas, c'est vrai que nous, enfin, on le sentait. Je pense qu'il faut avoir le terrain pour que ce soit. Je crois qu'on l'a dit, le podcast d'avant. Un bémol, c'est peut-être fin 2015. Oui, mais on avait dit le podcast d'avant qu'on sentait bien que ça allait pas se faire en 2015, en gros. Donc l'Oculus Rift premier acteur des casques virtuels, voilà, du marché, pardon. On a le fameux Morpheus de Sony. Dont je vais parler un petit peu après. Donc tu vas parler, donc la sortie 2016, uniquement sur PS4, puisque c'est Sony. J'en dis pas plus, Grégoire, tu vas en parler. On a le Samsung Gear VR. On en avait déjà parlé aussi, voilà. Donc là c'est le principe de mettre un téléphone dans un casque, et il y a un petit programme qui fait... En fait, il faut que tu aies le Note 4, le Galaxy Note 4, voilà. Il y aura un casque aussi avec le S6 et le S6 Edge. Voilà, ils vont étendre leur... Ça sort bientôt, ça. Il est disponible aux États-Unis, il va arriver en Europe. Ouais, c'est la fin du mois. Là. $200 et voilà. Mais eux, il faut avoir le Galaxy Note. Ouais. Et voilà. Ouais. Et eux, ils veulent pas que pour l'univers du jeu vidéo, mais ça, je t'en avais déjà parlé, Julien, que ça s'ouvrait à d'autres applications comme visite d'appartement où tu avais évoqué tout ça. Oui, mais tous les casques. Hein. Oui, mais Morpheus, par exemple, il parle vraiment que de jeux vidéo. Par exemple, oui, là, c'est vrai que comme c'est plus pour la PlayStation 4. Voilà. Alors, on a un casque que je connaissais pas en fait avant de regarder ces articles qui s'appelle le Razer OS VR. Oui, le Razer, ouais. Voilà. Et c'est assez intéressant parce que OS VR, c'est Open Source Virtual Reality. C'est le premier casque justement qui est en open source, comme son nom l'indique. Donc, qui permet à n'importe qui de pouvoir programmer dessus. Il est soutenu par Razer, Gearbox Software et Leapmotion. Ouais. Voilà, bon. Je suis moins convaincu. T'es moins convaincu ? Ouais, Razer, bon. Moi, je trouve que c'est intéressant que ça soit qu'il y ait un open source. Oui, c'est bien. Non, mais de toute façon, il faut proposer le plus de choses possible. Voilà. Après, on a le SteamVR, bon, le HTC Vive. Dont t'as un peu parlé tout à l'heure. Quand j'ai un peu parlé. Tu vas en parler ou pas ? Vas-y, si tu veux. En fait, il a fait une grosse impression, là, déjà au Mobile World Conference. Voilà. Et encore plus, il a été représenté à la GDC, dont tu vas parler, Grégoire. Ouais. Il faut savoir qu'il a fait grosse impression parce qu'il fonctionne légèrement différemment des autres casques. C'est-à-dire que sur le casque, il y a des sortes petits miroirs en fait qui sont des capteurs et on se place dans une pièce et on place deux capteurs comme des enceintes à chaque côté de la pièce et ces capteurs avec les surfaces réfléchissantes sur le casque arrivent à détecter la position et en plus on a aussi deux trackers qu'on place dans sa main fait voilà qu'on tient une sorte de Wiimote qu'on tient dans la main qui sont aussi captés par les boîtiers qu'on place dans la salle et du coup on peut se déplacer dans cette salle mais dans la réalité virtuelle. Nos mains apparaissent dans le casque etc et tous les journalistes qui ont essayé ont dit que c'était vraiment bluffant. Et que ça changeait beaucoup des autres casques. Bah oui, parce que les autres casques, en fait, c'est une caméra qui traque le visage, donc c'est surtout le visage qui bouge et qui est projeté dans la réalité virtuelle. Là, c'est plutôt le corps entier avec les mains qui apparaissent dans la réalité virtuelle. C'est vrai que pour l'instant, l'Oculus Rift ou les autres sont surtout destinés à être utilisés un peu assis, quoi. Oui. En fait, t'es un peu spectateur. Là, ils t'incitent vraiment à être acteur et à bouger, en fait. Oui, avec et puis là, vraiment, si t'es debout et que tu t'agenouilles, tu te vois agenouillé dans la réalité virtuelle. Enfin, voilà, ça traque un peu tout ton corps grâce au fait que ça traque ta tête. Et là, ils ont annoncé une sortie fin 2015. Je mettrai beaucoup de guillemets parce que Steam, je suis toujours un peu... Enfin, Valve, je suis toujours un peu craintif sur la date de sortie. Et enfin, deux derniers, presque plus anecdotiques, le Google Cardboard, qui moi est un troll de Google, mais bon... Ah, qui marche bien. Oui, il marche bien, c'est marche optique. Bien. Ouais, bah en fait, c'est juste un casque en carton qu'on peut commander tel quel, dans lequel on insère deux lentilles et on met son téléphone portable. C'est $15, je crois. C'est $15, ouais. Et c'est le téléphone qui fait le boulot de calcul, quoi. Avec tous les capteurs qu'il y a dans le téléphone. Moi, j'appelle ça. Oui, j'ai l'impression qu'ils se moquent un peu des choses. Je sais pas comment dire. C'est notre ça. Non, c'est une autre vision des choses. Hein. C'est une vision des choses. Tu vois. Bon, écoute, si ça marche, pourquoi pas. Et enfin, le dernier, c'est le Cortex de Sulon. Ça, je ne connaissais absolument pas. Bon, c'est un casque qui fait à la fois réalité virtuelle et réalité augmentée. Wow. Il a l'avantage d'être sans câble. Et par contre, pour l'instant, il a une résolution moins intéressante que la concurrence. Mmh. Mais c'est presque une autre voie, en fait. Voilà, donc ça fait pas mal de 1, 2... Et puis on peut ajouter aussi l'HoloLens, qui est pas de la réalité virtuelle. Qui est de la réalité augmentée, parce que là tu... Il y a Microsoft aussi, ouais. Qui arrive. Mais pour le coup, qui sera dans beaucoup plus de temps. Parce oui, que là c'est on a juste pas de date, ça sera 2020. Là. Voilà, on en avait parlé quand c'était annoncé. Moi, je vois plus une perspective de futur que quelque chose. Je pense que les trois gros qu'il faut surveiller, ça va être celui de Sony, concrètement. Le Morpheus, l'Oculus Rift, parce que c'est quand même le gars qui a un peu recréé la réalité virtuelle, qui s'est vraiment intéressé à ça. Puis Facebook a mis 2 milliards dedans quand même. Donc je pense qu'il y a de l'ambition derrière. Puis le troisième, c'est quand même le Vive qui a fait Valve qui a fait une énorme impression. Vraiment, la presse a tellement été dithyrambique que nous, ça nous a vraiment rendu curieux. Puis en plus, je rajouterais à ça quand même que Steam, derrière, ils ont une bibliothèque de jeux qui est assez impressionnante. Donc ils vont pouvoir combiner ça. Ça, c'est une offre. Quelque part, quand il va arriver sur le marché, il sera déjà complet. Il y aura déjà une offre de jeux. Si vous êtes sur la plateforme Steam, vous aurez vos jeux. Enfin, c'est très prometteur. L'Oculus Rift, il a pour lui le gros avantage d'être compatible PC nativement. Donc après, il sera compatible sûrement Xbox One. Tu vois, je pense que Microsoft va s'engouffrer dans la. Au niveau des jeux, l'Oculus Rift, il est moins prometteur là-dessus. Hein, parce qu'il n'a pas d'annonce sur les jeux, par exemple, l'Oculus Rift. Pour l'instant, il n'y a aucun partenariat. Il y a plein de jeux qui d'emblée sont compatibles Oculus Rift. Peut-être. On ne sait pas. Tu peux déjà jouer à certains jeux avec le DK2. Oui, tu peux jouer, mais bon, le problème, c'est que ça appartient à Facebook. Alors, est-ce que Facebook va racheter des jeux, va devenir éditeur, va devenir distributeur de jeux vidéo? Moi, je pense que ça va rester quand même très PC hein, pour l'Oculus. Je pense que ça va être très, très PC et ça va être aussi pas... pour des films et mais des je vois pas ça, Microsoft avec sa Xbox One ne pas saisir si ça marche, hein, le tournant de la réalité virtuelle. Il y a quand même aussi une question de puissance. Hein. Ah oui. Il y aura l'HoloLens. Hein. Oui, mais l'HoloLens, pour moi, c'est autre chose. Même moi, Morpheus, j'attends de voir. Alors, est-ce que Morpheus, il y aura des. On va en parler tout à l'heure, mais est-ce qu'il y aura une puce supplémentaire pour augmenter la puissance? J'ai entendu dire que la PS4 avait une puissance cachée, entre guillemets. Les légendes de la les puissance. Voilà. Humeurs. C'est ça, c'est. Les vieilles ça fait humeurs. Un peu ça, mais ils disent que voilà, toute la puissance de la PS4 n'a pas encore été dévoilée et qu'il y avait encore sous le capot des choses prévues pour la réalité virtuelle. Pareil, vraiment la Wii U aussi avec les Amiibo, ils auraient dit. Une puissance digne de la NASA. Mais je voulais juste te dire quelque chose parce que j'ai conseillé juste à lire un papier de. Je crois que c'est Libération. De Libération, ils ont sorti un dossier là ce week-end dans Libé du samedi. Ouais. Ça va être peut-être encore disponible sur leur site sur la réalité virtuelle, un 6 pages qui faisait la couverture de Libé. Qui est surtout écrit par Erwan Cario donc de Silence on joue et aussi il y a un article de Clément Appap qui est très impliqué dans la réalité virtuelle on mettra peut-être le nom de son blog parce qu'il a un blog justement sur le monde des réalités je crois que ça s'appelle et lui qui a beaucoup testé l'Oculus Rift qui l'a chez lui et c'est vraiment intéressant enfin tous les petits articles dessus sur l'industrie du porno sur Patrick Watson qui permet de faire visiter son studio sur Clément Appap qui donne comme ça un aperçu de ce qu'est la réalité virtuelle. Enfin, je vous conseille vraiment d'essayer de le lire parce que c'est vraiment un bon dossier. Et ça montre aussi encore tous les casques. Et Donc sur le site de Libé, potentiellement. Alors peut-être qu'il est sur le site de Libé. Moi, je l'avais dans le Libé du samedi et c'est un 6 pages. Voilà, je trouve qu'un journal comme Libé qui fait 6 pages sur la réalité virtuelle. Bah, tu sens que ça va venir. Alors tout le monde disait que ça allait être 2015, l'année de la réalité virtuelle, notamment à cause de la sortie de l'Oculus Rift. Mais comme on se dirige de plus en plus et que les rumeurs laissent penser que ça va être plutôt 2016. Je suis content qu'ils repoussent, moi. Je pense que oui, je pense qu'ils ont intérêt. Bah, en fait, ils ont vu le truc de Vive aussi avec la captation des mouvements. Non, et puis je préfère qu'ils prennent leur temps et qu'ils nous sortent un produit qui marche bien tout de suite. Ouais. Et puis là, tu l'as mis dans la partie jeux vidéo, mais c'est vrai que c'est plus transversal que Oculus Rift, on aurait pu le mettre dans la partie techno. Oculus Rift, il est presque plus dans la partie techno, voire divertissement, celui-là pour moi. Parce qu'il est très différent des autres qui sont peut-être plus orientés gaming, notamment pour le Vive de Steam, logiquement, comme c'est une plateforme de jeu. Mais moi, personnellement, j'attends plus des choses hors partie jeux vidéo que jeux vidéo pur, en fait. Ah, je sais pas. Enfin, je vois plein de trucs où je me dis, ça pourrait être intéressant avec un casque de réalité. Je ne me suis jamais vu ça comme ça, mais je sais pas. À voir. Moi, j'attends juste de ne pas vomir. C'est déjà pas mal. Greg, tu vas nous parler de la GDC. Du coup, je vais en parler rapidement parce que c'est vrai que ça commence déjà à remonter il y a une semaine et demie, quelque chose comme ça. Donc, la GDC, un des plus grands événements de l'industrie du jeu vidéo, quand même, mais on va dire du point de vue concepteur, développeur, c'est les professionnels de l'industrie qui se font des lectures, des discussions entre eux, hein, plutôt. On a quand même eu des annonces pour le grand public, en tout cas qui sont parvenues jusqu'à nos oreilles. Et c'est vrai que Valve, tu l'as dit, hein, avec le Vive qui avait été annoncé quelques jours avant à la MWC, on a eu le casque, mais on a eu aussi d'autres annonces, donc le Source 2 notamment, leur moteur qui va être gratuit, donc le célèbre moteur de Valve. C'est vrai que le premier, il avait déjà plus de 10 ans, donc ça commençait un petit peu à dater. Et là, le Source 2, a priori, il va donc être gratuit et il s'adresserait aussi à des gens qui ne sont pas forcément que développeurs, c'est-à-dire même aux gens qui ont envie de participer à la communauté, ils pourraient essayer via ce Source 2. Donc on ne sait pas exactement comment ça va se faire au niveau des royalties. Est-ce que si vous avez du succès avec ce truc, vous devrez payer au-delà d'un certain montant des royalties comme beaucoup de moteurs le font actuellement? C'est déjà le cas en fait, c'est gratuit mais entre guillemets, parce que je crois que si tu publies un jeu sur Steam avec le moteur, leur moteur, c'est 30%. D'accord, voilà, c'est 30%. Voilà. Les fameux 30% de Valve. C'est, si tu utilises le moteur, tu es obligé de le publier sur ton jeu sur Steam, c'est comme ça De toute façon, pour qu'ils récupèrent leurs royalties justement. Mais je sais qu'il y a 30% si tu... Parce qu'il y en a d'autres qui ont d'autres modèles, enfin il y en a où c'est un abonnement, il y en a d'autres où c'est à partir de 1000 euros de vente. Et c'est pour ça par exemple qu'il y a le moteur Unity, donc là c'est, je vais peut-être écorcher son nom, Reticello, l'ancien de EA, qui lui est un peu, enfin voilà, il est un peu monté au front pour dire, parce que eux je crois que leur moteur il coûte 1500 euros, 1500 dollars, mais il dit bah nous notre moteur il coûte 1500 dollars, mais il n'y a rien derrière quoi, on prend pas 30% après, 30% c'est énorme, si ton jeu il a du succès sur Steam, 30% mine de rien tu le regrettes. Venant d'un type de chia, on peut se dire aussi bon, j'ai donné un conseil en fait. Du coup je parlerai rapidement aussi chez Valve des Steam Machines, donc on avait dit qu'on commençait à être un peu dubitatif sur ce produit parce qu'on avait plus trop de nouvelles, et là ils ont un peu donné des nouvelles quand même, puisque ils ont annoncé des premières machines disponibles à partir du mois de novembre prochain. On a eu pas mal d'offres, on va dire, hein, ça c'est le cas de le dire, avec certaines qui avoisineraient le prix de console, et puis avec des hardware, d'autres qui ont des meilleures performances même que les consoles actuelles, et on a eu une liste claire de toutes les Steam machines qui allaient être proposées. Alors quand je dis claire, j'ai envie de le mettre entre guillemets quand même, parce que moi je trouve, alors voilà, en tant que, on va dire, noob de jeux vidéo et pas habitué à jouer sur du PC, je trouve que le grand public va clairement être perdu. C'est pas du tout pour eux, parce que on a face à une offre qui est pléthorique, on est perdu dans les configurations, dans les prix, ça va de 459 $ à 5000 $, c'est très disparate, c'est pas très spécifique, on n'en retient pas une plus qu'une autre. Voilà, je sais pas si l'objectif était de partir à la conquête du grand public avec ça, mais moi je trouve que déjà, de mon avis, c'est mon point de vue uniquement, mais je l'assume, je trouve que c'est complètement raté. Après, c'est pour les gamers PC, peut-être que ça va être un intérêt, mais j'ai du mal à le voir. Donc non, alors c'est plus finalement Steam Machine, c'est plus un label, c'est-à-dire qu'après les constructeurs sont libres de faire. Ils font ce qu'ils veulent, ils ont des normes à respecter, mais ils font. Après, simplement, c'est une façon aussi pour Steam d'imposer son OS, le Steam OS. Maintenant, pour les joueurs PC, moi je suis pas joueur PC, mais de ce que j'ai lu et entendu, ils en rigolent un peu parce que des tarifs. Quand tu montes un PC toi-même pour, une Steam machine qui vaut 1500 $, pour 1000 $, tu fais un PC aussi bon, voire meilleur. Ouais, c'est ce que disais sur au bas gauche droite aussi. Je crois que c'est Fudge qui disait ça. Sur Gamekult aussi. Qui disait que la machine, justement, c'est à 5000 $, même en mettant que 4000 $, t'avais la même en gros si tu la fabriquais toi-même. Donc quand même 1000 $ d'équipe. Après, c'est vrai que tu vois pas trop quel marché ça peut viser. Peut-être des joueurs, consoles qui sont par exemple qui veulent pas monter des PC et qui sont peut-être un peu déçus de l'argent et on parle de 5000, mais ça peut être Ça peut être 459 $, où tu as des trucs pour 700 ou 1000 $, tu vas avoir des trucs bien plus puissants qu'une console actuelle. Donc des gens qui sont un peu déçus des performances actuelles des consoles nouvelle génération, après c'est pas tout le monde quoi, c'est un marché, des gamers qui sont déçus des consoles. J'essaie de voir quel marché ils pourraient avoir. Moi je suis resté très circonspect face à cette annonce, mais chaque constructeur qui fait sa Steam machine. Donc Valve là-dessus, Steam là-dessus, ils sont pas forcément. Ils prennent 30%. Et ils ont présenté, pour le coup, je trouvais ça presque plus intéressant, le Steam Link. Hein, tu as vu ça, sûrement Julien. Voilà, un petit boîtier qui permet de diffuser en streaming le contenu provenant de Steam directement sur votre téléviseur, hein, donc avec une bonne résolution. Premièrement, c'est 1080p 60 Hz, donc ça détecte automatiquement les ordinateurs qui sont connectés à votre réseau local, et puis ça marche avec la nouvelle manette qui a été enfin montrée aussi, le Steam Controller. Ça vaut pas cher, c'était 50 $ pour streamer, je trouve que c'est pas mal honnêtement. Donc c'est à partir de novembre aussi, perso moi j'y vois plus d'intérêt. Après aussi les gros joueurs PC disaient non, mais de toute façon nous notre PC on le branche sur une télé, quoi. Tu fais un câble HDMI, moi c'est ce que je fais. Tu parles des gens qui ont, si t'as une grande maison, tu peux le mettre à un endroit pour une autre télé. Enfin, tu vois, ça fait. À la rigueur, je vois plus l'intérêt quand même, on va dire presque. Ouais. Parce que bref. Donc tout ça, c'était pour les annonces de Valve. Je vais pas y passer beaucoup plus de temps parce que c'est vrai que ça commence à dater. Sony, on l'a dit, Morpheus quand même. La grosse annonce, on va dire le gros truc, le gros morceau de la GDC cette année, c'était le casque Morpheus, parce qu'on avait déjà vu. Il y a un an, la présentation du premier prototype, et puis ils ont montré une nouvelle version de leur appareil. Et il faut dire que je sais pas ce que vous en avez pensé, moi je l'ai trouvé quand même assez joli déjà, un beau truc, un beau boîtier, assez élégant, et puis aussi plus performant apparemment que celui qui était montré l'année dernière. Donc là, cette fois-ci, on a un dispositif OLED avec un écran, c'est format 1920x1080, donc 960x1080. par œil pour un meilleur champ de vision avec jusqu'à 100 degrés et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Donc ça, je trouve que c'est quand même pas mal. Et un délai de latence de 18 millisecondes. Apparemment, c'est imperceptible en dessous de 20 millisecondes. Donc ils sont juste à la limite. Ah, je croyais que c'était moins. Ouais, non, ils sont vraiment juste à la limite. Donc ça, ça peut être un peu le truc qui va poser problème. Surtout que c'est pas pareil chez tout le monde. Il y a des nouvelles diodes LED pour capter les mouvements, un peu comme le Vive, tu faisais allusion, Stan. Apparemment, il est plus confortable aussi pour les gens qui l'ont essayé, plus sympa à mettre. Voilà, donc ça devrait. Voilà, ceux qui l'ont essayé ont eu des retours très positifs quand même, hein, dans ce que j'ai lu. C'était vraiment prometteur, quoi. Donc on en saura sûrement beaucoup plus à l'E3, hein, parce que Shuhei Yoshida a dit qu'il y aurait des jeux testables déjà à l'E3 sur le Morpheus. Je suis curieux de voir la puissance des jeux, en fait, rendu des jeux. Je suis très curieux aussi. C'est ça qui me. Ouais. Mais ça sera compliqué. Je doute pas que ça marche. Parce qu'à l'E3, on va voir des journalistes qui l'essayent, qui vont faire waouh! Mais bon, quand tu l'as pas essayé, en fait, tu sais pas quoi. En gros. Non, mais disons qu'en sachant quels jeux vont être portés dessus, tu sauras si quelle voie ça peut prendre. C'est sûr que si par exemple, t'as un Rockstar qui annonce quelque chose dessus, ou toi, est-ce que ça va se limiter à des petites expériences made in Sony? Est-ce qu'ils vont ramener des indés dessus, compatibles? Est-ce que ça va vraiment être des gros studios qui vont faire des jeux dessus? On sait pas trop encore. Parce que s'ils le vendent à 500 $ en plus de la PS4, ça les a tués. On sait pas le prix. Hein. Ouais, ils ont dit qu'ils n'avaient pas travaillé en réfléchissant au prix d'abord, justement. C'est ça le problème. Bon, on verra. Du côté d'Nvidia, je vais aller très vite. Ils ont annoncé une console Android TV. Bon, 200 $, c'est pas très très puissant, mais pourquoi pas. C'est une petite console toute légère, toute fine, pour pouvoir profiter un peu de l'expérience du cloud gaming. Donc, bon, ça sort qu'aux États-Unis au mois de mai. Pour l'instant, on n'en saura pas. Mais c'est le premier appareil Android TV à proposer de la 4K aussi. Donc, ça pourrait être intéressant pour cet aspect-là. Microsoft, qui était présent aussi. Et là, ce que j'en ai retenu perso, c'est qu'ils ont beaucoup parlé de l'unification de leur offre. Ça, c'est, je trouve, le point le plus intéressant, hein, avec une boutique unique pour vendre les applications, les achats croisés entre votre version PC, votre version Xbox One, sans avoir besoin de repasser à la caisse. Donc moi, je trouve que tout ça, c'est très prometteur. Avec aussi, apparemment, une compatibilité justement sur HoloLens pour pouvoir faire tourner ces jeux Xbox One sur HoloLens, tout ça via un système unifié. Beaucoup d'annonces sur l'unification de leur système, et je trouve que c'est on le sentait venir depuis quelques années, hein, déjà, qu'ils allaient tout unifier. Là, ça se confirme, et je trouve que c'est plutôt intéressant. Donc voilà, il y a aussi pas mal d'annonces sur des jeux indés, mais ça, j'y reviendrai dans ma news juste après. Voilà, moi, c'est un peu tout ce que j'ai gardé, on va dire, de la GDC cette année. Voilà. Bon, on va passer à des annonces un peu plus rapides en vrac. Ouais. Julien, tu voulais nous parler de Tri-Ace. Oui, j'en avais parlé la semaine dernière, il y a deux semaines. C'était juste pour apporter une précision concernant ma news sur le rachat. En fait, j'avais dit que Tri-Ace avait été racheté par Nepro Japan, société spécialisée dans le développement de jeux mobiles, et que ça voulait dire que Tri-Ace ne ferait plus de jeux pour console ou pour console de salon ou console portable. Donc en fait, c'est pas tout à fait vrai. Enfin, c'est pas ce qu'a laissé entendre Nepro Japan, puisque si Tri-Ace devait proposer des jeux mobiles, il restait aussi libre de proposer des jeux pour console portable et console de salon. Bon, voilà. Donc ça veut dire qu'ils sont obligés de faire des jeux mobiles, mais ils ont loisir, je sais pas, sur leur temps de loisir, de faire des jeux. Le week-end ou le soir après 20h, ils peuvent travailler dessus. Allez les gars. Mais voilà, c'est une précision que je voulais apporter quand même, parce qu'on avait dit, ils feront plus du tout de jeux console, on sait pas. Peut-être que ça sera le cas, mais bon, le doute étant là, on va pas non plus s'avancer. Et tu as laissé un titre un peu bizarre, là, le choix dans la date, ça veut dire quoi ça? Oh, merde. J'ai laissé cette célèbre contrepétrie. Non, c'est juste pour dire que durant ces deux semaines, on avait eu... Ah non, Julien. Vas-y. Ouais, c'est bon. Vas-y. T'avais pas compris, toi. Non, je suis trop naïf. Voilà, durant ces deux semaines, on a eu un florilège de dates, pour le coup, avec des titres plus ou moins attendus en 2015 et 2016. Alors déjà, on a appris que MGS5 sortirait le 1er septembre sur console. Enfin. Enfin, et qui serait disponible deux semaines plus tard sur PC. Donc le 15 septembre, Street Fighter V, alors là c'est quelque chose qui a un peu fuité puisque le jeu de combat de Capcom qui va revenir sur PS4 et PC, on a appris grâce à un post de blog sur Capcom Unity qui est dédié au programme de la PAX East, une possible fenêtre de lancement au printemps 2016. Donc depuis la mention a été effacée, donc c'est rien d'officiel, et je rappelle qu'il y aura une bêta de Street Fighter V qui sera ouverte à ceux qui auront précommandé le jeu, principalement, enfin notamment aux États-Unis, on ne sait pas si ça va être conduit en Europe, mais voilà, on a peut-être une fenêtre de lancement printemps 2016. On a aussi une date officielle pour Kirby Wii U, Kirby, donc il s'appelle, je ne retiens jamais son nom, moi je l'appelle Kirby pâte à modeler, le pinceau arc-en-ciel, voilà, et on pourra donc se procurer en Europe, puisqu'il est Rainbow Curse, je l'ai dit. il est déjà disponible au Japon et aux États-Unis, et en France ils se sont dit, il y avait tellement de jeux Wii U qui sortaient, donc on n'allait pas le sortir maintenant. Faut le traduire. On ne sait pas pourquoi ils l'ont repoussé. Bon, il sera disponible le 8 mai. Ah. C'est bien ça parce que. Bon, en fait, c'est un jour férié, donc on pourra pas aller le chercher. Bah, bon. Il sera livré par un. Ah, bah non, même pas, merde. Bon, il sera disponible sûrement avant, comme souvent les jeux ouais, sont disponibles une semaine ou quelques jours avant. On a eu aussi une date pour Mad Max. Alors, je sais pas si c'est un jeu que vous attendez, personnellement pas du tout. Mais on a une date, donc voilà. Peut-être que des gens l'attendent parce que c'est un jeu de Avalanche Studio qui était ceux qui font Just Cause. Donc il y a des fans, hein. Moi j'aime pas du tout Just Cause, mais il y a des fans. Ouais, c'est vraiment le bac à sable ultime, hein, les gens qui adorent le bac à sable, et pas forcément une histoire vraiment bien déliée, bien écrite. Il y en a pas vraiment, ouais, c'est vraiment du bac à sable. Et donc on pourra, Mad Max, ça sortira le 4 septembre, et même le 3 septembre en France, puisque le 4 septembre c'est pour, je crois, l'Europe, et France c'est un peu avant, je sais pas pourquoi, il y a une journée de décart. C'est un bac à sable aussi ou pas Alors je sais pas trop en fait, je sais pas du tout si c'est un bac à sable. J'ai pas trop suivi le jeu, donc il faudra que je me renseigne. C'est la première fois que j'en entends parler. Du jeu Mad Max ? Ouais. On avait vaguement parlé. Ah bon ? Mais bon. Et pour le coup, ça sortira uniquement sur console nouvelle génération et pas sur PS3, 360. Les versions sont passées à la trappe. Ça y est, ça s'arrête. Voilà. Ouais. Autre date, donc pour là, c'est FF10 et FF10 2. Alors là, faut suivre parce que c'est un remaster nouvelle génération d'un remaster PS3 d'un jeu qui était sorti sur PS2. Voilà, donc il y a eu d'abord un jeu PS2, enfin les deux jeux PS2 qui étaient FF10 2 et qui étaient sortis donc sur PS2, qui ont été remasterisés sur PS3, et là c'est le remaster du remaster qui sort sur une nouvelle génération, donc PS4 et tout va bien. Et je crois que c'est PS4 et je crois que c'est que PS4 d'ailleurs. Et donc ça sortira le 15 mai. En Europe et le 12 mai aux États-Unis. Donc on promet des améliorations graphiques, le choix des musiques originales ou réarrangées et du cross-save avec les versions PS3 et Vita. Donc ça, c'est toujours sympa. C'est toujours ce que Sony propose assez souvent. Le cross-save, c'est quand même une fonction. Tu commences ton jeu sur PS4, tu peux le récupérer sur ta Vita via le cloud et ça te permet de jouer dans le transport ou de jouer sur la PS3 si tu l'as laissé ailleurs. Enfin, c'est toujours une fonctionnalité qui est plutôt appréciable. Et dernière non-date, c'est le report donc, de Uncharted 4 à 2016. Donc ça, quand même, grosse annonce. Je ne sais pas si on peut parler de report parce qu'il n'y a pas vraiment de date officielle, mais tout le monde laissait entendre que ça sortirait en fin d'année sur PS4. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de console PS4 avant 2016. Voilà, donc, tu peux attendre encore. On a vu les trolls de Microsoft qui a dit merci de nous laisser le champ libre pour Tomb Raider qui sortira. Ils doivent être bien contents. En exclusivité, temporaire, définitive, on ne sait pas non plus. Non, c'est temporaire. Hein, Oui, bon, on ne sait pas si ça sortira un jour. C'est toujours pas clair. En donc voilà, donc Uncharted, il ne faut pas l'attendre avant le premier 2016. Semestre 2016. Voilà. Bon, vaut mieux qu'il sorte poussé. Donc, de toute façon, Sony arrive à vendre des consoles sans sortir ses gros jeux. Donc pour l'instant, ils ne vont peut-être pas non plus s'affoler. Oui, c'est ça, ils ne sont pas pressés. Voilà. Greg, tu voulais nous parler d'annonces sur les jeux indés ? Oui, ouais, je disais que la GDC, c'est vrai qu'on a eu pas mal de jeux indés annoncés par Microsoft, et c'est vrai qu'on a l'impression que le programme ID at Xbox a un peu commencé à donner de l'efficacité, là, ça y est. Hein. Parce que pour rappel, ça permet aux développeurs indépendants d'accéder à des kits de développement Xbox One, tout en s'auto-éditant en fait sur la console, et là, apparemment, ça serait plus de 900 studios dans le monde qui accepteraient de travailler avec ce programme-là. Et du coup, ils ont pu annoncer pas mal d'une trentaine de projets indépendants à venir sur la machine pour les prochain mois, donc c'est bien parce que Microsoft souvent on dit ils ont pas trop d'annonces en ce moment, et là ils ont multiplié un peu les annonces sur les indépendants, donc ils rechangent un petit peu, enfin ils remettent un peu leur stratégie là-dessus peut-être, je sais pas. Alors annonce justement ils avaient dit le jeu indé et là ils se disent finalement je parlerai pas tous les citer hein, parce qu'il y en a une trentaine, mais je citerai quand même Shovel Knight que t'avais conseillé Stan dans un conseil précédent, Westland 2 qui a été un peu une surprise, Pixel Galaxy, Draw Stickman Epic, Quest of Dungeon, enfin voilà, il y a une liste de 30 jeux, c'est intéressant de voir qu'ils se remettent un peu dessus, et c'est aussi le cas un peu de Nintendo qui a dit que les jeux indés, ils commencent un petit peu à y travailler quand même, à s'intéresser à ce sujet encore plus qu'avant, puisqu'ils ont aussi annoncé un certain nombre de jeux indés sur la Wii U et sur la 3DS, donc notamment Don't Starve ou Octodad qu'on connaît déjà, hein, par exemple. Je citerai aussi Never Alone, Affordable Space Adventures, Runbow, Sword and Soldier 2, enfin voilà, il y en a plusieurs, et dont certains qui sont des exclus et qui pourraient apparemment se servir de la mablette d'une façon assez particulière, enfin voilà, vraiment s'en servir, on va dire, peut-être plus qu'actuellement. Ouais, notamment Affordable Space Adventure. Exactement, ouais, où ça serait un panneau de contrôle pour le vaisseau. Ouais, moi j'avais l'occasion de le jouer et ça a l'air vraiment intéressant. C'est vrai Bon, écoute, ça on va le surveiller de près. Moi ça m'a étonné, hein, c'était toi Stan qui parlait un peu de leur changement de stratégie Nintendo, de vouloir faire peut-être plus de petits jeux, de sortir plus des petits jeux et des indés peut-être. Et là ce qui est intéressant c'est de voir que justement on a eu celui qui fait Runbow, le studio qui fait Runbow, qui a évoqué ça et qui a dit que c'était Nintendo qui les poussait vraiment et qui faisait tout pour que ça soit très simple. Et il a dit que. Enfin, moi j'étais très surpris parce qu'on sait que Nintendo, historiquement, ils sont plutôt très dans le contrôle, on va dire, hein, sur leurs jeux, les jeux qui sortent sur leur plateforme. Hein, à l'époque, il fallait même qu'il y ait le tampon Nintendo pour que ça sorte, etc. Et là, on dirait que il lâche du lest un petit peu chez Nintendo. Donc, c'est Dev Proctor, le producteur chez 13AM Games, donc ceux qui ont fait Runbow, qui dit que ça a été un processus étonnamment facile de travailler avec Nintendo et que par exemple, eux, leur jeu en ce qui leur concerne, c'était qu'un prototype dans une game jam à Toronto, et c'est Nintendo qui est venu les chercher en disant bah, vous allez en faire un jeu Wii. Oui, ils ont complètement. Mais ça fait déjà quelques temps, puisqu'il y a déjà pas mal de jeux indés qui sont sortis sur Wii U. Exactement, mais quand on sait qu'à l'époque, quand c'était sur la Wii, le WiiWare, c'était une horreur à sortir des jeux. Ils étaient très regardants c'était sur ce qui. Limitant au niveau de la capacité. Ouais. Voilà, ils contrôlaient pas mal ce qui sortait, alors que là, ils ont fourni des kits Wii U à tous les développeurs gratuitement. Ils ont complètement changé. Voilà, c'est un modèle Unity. Alors, on avait parlé d'Anna Delman qui avait beaucoup fait, notamment pour aider les indépendants chez Nintendo, qui est parti. On avait parlé un peu de ce qu'il avait dit, un peu avec fracas. Mais ouais, non, ils ont complètement changé leur politique. Et c'est pas étonnant parce qu'ils ont pas vraiment de raison de mettre des bâtons dans les roues des indés. Autant sur les éditeurs tiers, on peut penser que c'est plus compliqué pour Nintendo parce qu'ils sont sur le même marché. Autant sur les indés, les stores, on va dire, c'est pas un marché qui. Non, ça complète leur marché bien. Ça en complète fait. Très bien leur marché et leur période de disette de calendrier, un peu comme en ce moment. Non, moi je suis très content de ces annonces perso. Vraiment, ouais, en plus, ça colle vraiment bien Nintendo. Déjà Shovel Knight là sur Wii U. Je crois que sur l'année 2015, ils ont 200 jeux indés annoncés sur Wii U. Après, il y a plein de choses, il y a énormément de choses. Oui, il y a des choses, on jouerait jamais à certains. Oui, mais voilà, ça montre que c'est vraiment vivace chez les trois constructeurs pour le coup. Ouais, c'est très bien. Sony aussi fait beaucoup aussi. Moi je suis très content de cette nouvelle vague là qui revient un petit peu. C'est bon pour les jeux indés ? C'est bon pour moi. Super, c'est super tout ça. Julien, tu aimes toujours jouer avec tes instruments ? Oui, tout ça. Oui, ça y est, c'est officiel. Je vous parlais lors du dernier podcast d'un possible retour de Rock Band, donc sur PS4 et Xbox One. Eh bien, c'est officiel puisque c'est Eric Pop, producteur manager de chez Harmonix, qui a officialisé la chose. Donc, on a eu droit d'abord à un message sur le PlayStation blog où le dénommé Eric Pop confirme une sortie en 2014, ainsi que la possibilité, ça c'est intéressant, de récupérer ses morceaux achetés depuis sa PS3. Donc, vu que c'était quand même un jeu qui comportait pas mal de morceaux en DLC, bah, tu pourras les réutiliser. Sauf si, comme moi, bah, tu as joué sur PS3 et après tu as acheté une Xbox One. Bon, là. Tu pourras rien faire, tu peux acheter une PS4. Voilà. Voilà, on suppose que ça sera la même chose pour les versions Xbox 360 vers Xbox One. Et puis on a vu aussi une vidéo sur le site d'Harmonix qui s'appelle Behind the Scene chez Harmonix, qui est assez promo, mais on voit plein de bonne humeur. On voit comment ils sont en train de jouer avec les instruments, on voit un peu les nouveaux instruments. Donc on voit qu'il y a une batterie, guitare, micro, mais il n'y a pas de clavier, hein, qui n'était pas forcément l'instrument le plus joué dans Rock Band. Qui sera apparemment absente du quatrième opus. Enfin, moi je dis ça, je joue qu'avec la guitare. Je l'avais expliqué la dernière fois, mais c'est pour jouer la guitare. Donc on va voir aussi Guitar Hero qui va revenir aussi normalement, qui serait annoncé à l'E3, donc ça va être le retour du duel des jeux musicaux. Bon, pour notre plus grand bonheur ou pas. Continue avec tes news avec Julien. Ouais, j'ai deux petites news super rapides. On a appris que quand Titanfall 2 sortira, alors c'est pas une annonce officielle, il serait multiplateforme et il verra donc le jour sur PS4 et ne sera plus une exclue Microsoft puisqu'il était sorti sur PC et sur Xbox One et 360. Pas une énorme surprise là-dessus, tout le monde attendait un peu. Ouais. Donc là pour le coup, c'est Vince Zampella qui est donc le CEO de Respawn, hein, donc qui avait quitté, on se rappelle, c'était Infinity Ward, hein, qui avait quitté qui faisait Call of Duty. Avec Zampella et je sais plus le nom de l'autre personne qui a quitté Activision. Et voilà, c'est lui qui l'a annoncé, on verra sans doute plus à l'E3. Donc voilà, Titanfall 1 n'a pas non plus extrêmement bien marché, c'est pas non plus un carton, mais après voilà, c'est une licence qui demande peut-être un peu de temps pour s'installer. Et puis dernière petite news, c'est Sega et Game Freak, donc Game Freak c'est ceux qui font les Pokémon, ils avaient teasé un nouveau jeu et en fait il s'agit d'un jeu qui s'appelle Tembo the Badass Elephant. Voilà, donc je ne sais pas comment ils le traduiront en français, je pense qu'ils laisseront le titre en anglais. Voilà. En anglais, donc comment ils vont le traduire en français. Oui. Pour traduire badass en français, bon, c'est un peu compliqué. Donc ça a l'air d'être une sorte de beat'em all plateforme qui rappelle un peu Beautiful Joe, pour ceux qui ont connu ce jeu génial d'Hideki Kamiya, qui sortira en fait cet été sur les stores pour PC, PS4 et One. Donc pas de Wii U, donc ce qui est un peu étonnant, parce que Game Freak, ils sont habitués aux jeux, c'est ceux qui font Pokémon. Donc tu peux penser quand ils sortent un jeu, ils vont aussi le proposer à Nintendo. Mais apparemment non. Mais ils ont déjà travaillé, ils n'ont pas travaillé que pour Nintendo, dans les années 90, ils avaient travaillé pour la PC Engine et pour la Mega Drive. Donc voilà, c'est pas une première. Peut-être qu'un jour ça sortira d'ailleurs sur Wii U. Quand tu vois le jeu tourner, il est pas non plus dingue. C'est un style très cartoon, comme je disais un peu à la Beautiful Joe. Voilà, faut voir ce que ça va être. Je sais pas si ça sera intéressant, mais Game Freak, ils font plutôt des bons jeux. Bon. Des Pokémon et aussi Harmonite, qui était plutôt sympa. D'accord. Bon, comme on a des cracks en jeux vidéo, on va peut-être vous donner des conseils pour faire des bons jeux. Ouais. Enfin, c'est pas moi qui vais vous les donner. Ah bon, je suis un peu déçu. C'est Anita Sarkisian, donc qui est la réalisatrice du documentaire Troops versus Women in Video Games. Voilà, qui en gros regrettait dans ces documentaires-là la place qui était laissée aux personnages féminins dans les jeux vidéo, qui étaient souvent un peu victimes du syndrome de la princesse à aller rechercher dans un château. Et c'est vrai que ces documentaires faisaient un peu froid dans le dos quand on les regardait. Moi, ça m'avait un peu fait bizarre. Je m'étais dit effectivement, elle a pas tort, quoi là. Donc, elle a donné une conférence au Game Center de l'université de New York, et dans laquelle elle donnait, bah voilà, 8 choses que les développeurs peuvent faire pour rendre leur jeu moins merdique pour les femmes. Ça, c'est le nom de la conférence. Bah, je vais tout simplement vous les citer, c'est 8 points. C'est assez rapide. Le premier point, c'est éviter le principe de la schtroumpfette, hein, selon lequel un groupe de personnages ne va inclure qu'un seul personnage féminin dont la principale caractéristique se résume à être féminin, donc habillé en rose ou des choses comme ça, par exemple. Deuxième point, éviter l'armure bikini et les autres tenues affriolantes injustifiées. Troisième point, créer des personnages féminins aux morphologies variées, pas seulement des top modèles. Quatrième point, ne pas insister sur le postérieur des personnages féminins, mais du moins pas davantage qu'on ne le ferait sur celui d'un personnage masculin. Cinquième point, inclure davantage de personnages féminins de couleur. Sixième point, animer les personnages féminins conformément à la manière dont de vraies femmes se déplaceraient. Septième point, enregistrer des cris de douleur féminins qui ne ressemblent pas à des orgasmes. Et huitième point, inclure des ennemis féminins sans pour autant les sexualiser. Voilà, donc je voulais juste les citer parce que ça paraît des conseils finalement un peu basiques. Presque du bon sens, ouais, c'est presque du bon sens. En gros, tu fais pas Bayonetta, quoi. Voilà, c'est ça. C'est dommage, non? Ou tu le fais autrement, quoi. Non, mais Bayonetta, elle est quand même, voilà, elle a quand même du pouvoir. Mais alors, oui. La plupart du temps, c'est pas le cas. Ça me paraît des principes simples. Bayonetta, peu coûteux. Il faut creuser. C'est... Oui, voilà. C'est la surface qui a l'air. Effectivement, elle a quand même un physique assez. Voilà. Oui, non, mais parce que je pensais à tous tes points, ouais. Les plans sur les postérieurs. Ah, ça, sur... oui. Ça, Bayonetta, ils ont raté là-dessus. Voilà, pour moi, c'est tout. Bon, c'est intéressant d'avoir ce point de vue. Merci, Grégoire. On va passer tout de suite à la rubrique critique et conseil. Cette semaine, on va faire un critique conseil. Je ne sais pas si tu as bien aimé ce que tu vas nous présenter, Grégoire. Eh bien, si, j'ai bien aimé. Et ça sera relativement rapide parce que c'est un conseil sur un petit jeu vidéo. Donc, c'est la première fois que je me tente à l'exercice de conseiller un jeu vidéo. Qui est en version alpha seulement, donc vous voyez qu'on est pas on est assez entre guillemets en avance sur le stade de développement de ce jeu. Et ce jeu, c'est Besiege. Alors Besiege, je crois qu'on le prononce Besiege, Besiege en anglais. Siege. Besiege, donc c'est B-E-S-I-E-G-E, qui est un jeu de Spiderling Games et qui est un jeu entre le puzzle game, hein, vous allez devoir construire des choses, et le jeu de stratégie, et le tout appuyé qui repose sur un principe de simulation de physique, on va dire, avec lequel on prend énormément de plaisir à jouer. Alors qu'est-ce que c'est concrètement? Sur quelle plateforme il est? C'est sur PC, pardon. Donc PC, Linux, Mac. PC, ordinateur. Ordinateur, voilà. Comme son nom l'indique, donc le but de Besiege, c'est de construire une machine de siège, tout simplement, hein, pour atteindre l'objectif fixé dans chacun des niveaux. Donc le plus souvent, on va demander de détruire une maison, un moulin, un château, parce que tout ça se passe dans un style relativement moyenâgeux, hein, vous en doutez, moi j'ai une machine de siège. Et en face de vous, en plus de vos objectifs, souvent vous aurez des chevaliers à pied ou des archers qui vous attaquent, vous aurez des canons qui vous tirent dessus, des moutons, ce genre de choses. Et j'avoue qu'en fait, même si c'est en version alpha et que pour l'instant c'est du coup forcément très limité, le trip a été complètement total sur la douzaine d'heures que j'ai déjà passé sur ce jeu. Alors pourquoi je me suis éclaté? Parce que tout simplement la liberté de création elle est complètement totale. Donc là vous pouvez laisser libre cours à l'ingénieur cruel qui sommeille en vous, et en moi visiblement il était très cruel. Parce que donc à votre disposition vous avez plein de choses, donc je vais en citer certains, hein, des blocs simples, doubles, des charnières, des roues, des câbles de traction, des blocs tournants, des pics, des lance-flammes, des ressorts, des scies circulaires, des boules explosives, des ailes pour voler, des boucliers, enfin plein de choses. Et vous pouvez tout imbriquer comme vous le voulez, comme bon vous semble, pour fabriquer les mécanismes que vous voulez, aussi tordus qu'ils soient. Donc vous pouvez faire tout ce qui vous passe par la tête. Et en plus, ce qui est bien, c'est que c'est très rapide d'exécution, puisque vous faites votre machine de la mort tranquillement dans votre coin, entre guillemets, en mode pause, en mode construction. Vous appuyez sur un petit bouton ou sur la barre espace, et hop, ça active le jeu, vous pouvez lancer votre machine de la mort. Et par le même bouton, donc une petite pression sur la barre espace, vous pouvez retourner en mode construction pour aller parfaire votre machine, pour pouvoir finir le niveau avec celle-ci, et surtout pour qu'elle s'écroule pas comme une grosse merde, parce que c'est à peu près ce qui se passe dans 90% des cas au début, hein, quand vous allez construire une machine, elle va juste vous exploser à la gueule. Pourquoi? Parce que le moteur physique, il est justement assez marrant et surtout relativement complet, hein. Donc on a la gravité, bien sûr, il y aura même peut-être un niveau fixé sur la Lune, hein. Pour l'instant il n'est pas accessible, mais il y a une Lune qui se balade dans l'univers dans lequel on est, dans le menu. Il y a de la portance qui est prise en compte, il y a l'élasticité, les jointures et l'effet d'inertie, par exemple. Quand vous faites un tir au canon, il y a un effet de recul de votre machine. Donc c'est ce genre de choses qu'il faut apprendre à manier. Et on découvre tout ça, j'avoue, avec des échecs à chaque fois ridicules qui vous font bien marrer, parce que vous avez une situation complètement improbable avec machine qui a complètement pris feu toute seule au lieu d'aller détruire le château. Donc chaque fois, on se marre bien, puis on recommence. Donc pour l'instant, c'est une version alpha, hein, je vous l'ai dit, il n'y a qu'une quinzaine de missions disponibles dans la version alpha. Mais ce qui est bien, c'est que chacun peut prendre le plaisir qu'il veut. Par exemple, on peut essayer de passer tous les niveaux avec la machine la plus simple possible qui ferait que 3-4 blocs et qui va juste répondre à l'objectif du niveau. Ou alors, on peut essayer de se faire des défis. Bah, moi, c'est ce que j'ai fait. Après, j'ai refait tous les niveaux en essayant de créer des doubles catapultes, des trébuchés, des machines volantes pour larguer des bombes, ce genre de choses. Et en plus de ça, on a un mode sandbox dans lequel on est totalement libre dans sa création pour tester des autres choses. Et encore, on va dire un espace, un volume de création en 3D qui est encore plus large. Donc, on n'a pas de limite du tout pour le coup. Bon, parfois, bien sûr, il y a encore des petits défauts hein, dans le jeu, logiquement, il est encore tout neuf, on va dire, donc on peste un peu parfois contre la physique, parce qu'il y a un petit truc qui se passe comme vous l'aviez prévu, mais bon, voilà, on rigole 5 minutes, et puis après, bah, c'est reparti, on retente, et notre machine a explosé, mais c'est pas grave, on en fait une autre aussi vite. L'autre problème, on va dire, l'autre chose, je pense, qui va être réglée dans les futures versions de ce jeu, puisque pour l'instant on est encore en alpha, c'est la relative facilité, parce que la liberté de création, elle est tellement importante qu'en fait on trouve toujours une solution à la con pour remplir l'objectif qu'on a en face de soi. Voilà, je pense que a priori, enfin j'estime nécessaire même que les développeurs proposent par la suite des contraintes, peut-être en enlevant des pièces disponibles pour certains niveaux ou en imposant un type de déplacement, par exemple en volant, ce qui est beaucoup plus difficile à faire, ou en réduisant l'espace disponible pour la création. Pour l'instant, on va dire que vous pouvez à peu près facilement terminer les niveaux en une heure parce que vous allez torcher tout avec une super machine que vous aurez bien pensé. Mais bon, en général, vous aurez très envie de les refaire juste après. Tout ça en plus, donc, c'est agrémenté par un superbe graphisme. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça superbe. C'est très épuré, hein. On est sur un monde où tout est blanc, on va dire, sauf votre objectif et votre machine. Et tout ça avec un espèce d'effet vignette autour, un vignettage, hein, donc les bords sont un peu plus sombres et vous avez un effet de profondeur, c'est très bien travaillé. Donc dès que vous approchez votre machine en zoomant dessus pour aller rajouter un élastique, etc., vous aurez un bel effet de flou sur le château au loin que vous devrez attaquer. C'est assez joli, franchement, ça donne un petit aspect maquette à tout ça. Donc C'est en 3D, tu tournes autour de ta machine très facilement. Et en plus de ça, il y a une option qui permet de modifier la vitesse du jeu, c'est-à-dire qu'on peut la passer à 1% ou la mettre à 200%. Et ce qui est très drôle, c'est quand on la passe à 5-6%, on se retrouve dans un mode ultra slow motion. Et du coup, on voit notre catapulte partir doucement, exploser en vol comme une merde parce qu'on a mal prévu le recul. Donc, on passe encore plus de temps à rigoler bêtement devant son écran. Donc, voilà. L'interface est très bien faite. Et donc, voilà. Moi, je vous le conseille aujourd'hui. C'est mon conseil de la semaine. C'est Besiege ou Besiege. Comment tu le trouves, ce jeu? C'est, tu vas sur Steam, tout simplement. Tu tapes Besiege. Il est même mis en avant, je crois, parce que justement, c'est une des early access les plus jouées sur Steam actuellement. Hein. Donc, ça coûte 6€. En version alpha. Et j'avoue que ça vend pour l'instant pas mal du rêve quand même, hein, parce qu'on est devant une liberté de création telle, pour l'instant, on peut s'amuser comme un fou. Et d'ailleurs, si vous allez télécharger, voilà, la version alpha, peut-être qu'on en fera gagner une pour le podcast 10, hein. J'évoquais la possibilité tout à l'heure. Sur les internets, déjà, il y a des communautés bien fédérées, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de partage de machines, parce qu'on peut exporter les machines et les donner à d'autres gens, si on veut. Donc il y a des gens qui ont construit des hélicoptères Apache complètement fous. Je sais même pas comment ils ont fait ça. Et il y a aussi beaucoup déjà de tutos sur YouTube pour construire des machines complètement inutiles et donc très drôles. Donc voilà, moi je vous insiste à aller voir sur Steam et à taper Besiege ou Besiege pour aller regarder ça. C'est seulement 6€ et moi j'y ai déjà passé une douzaine d'heures juste à me marrer bêtement. Donc allez-y. Ça a l'air sympa. Voilà. Bon, super. Merci pour ce conseil, Grégoire. Eh ben de rien. On va enchaîner tout de suite, on va évoquer les sorties ciné. Allez, c'est qui parti. Viennent pour les deux prochaines semaines, donc le 18 et le 25 mars. On avait évoqué entre nous le fait de se prêter un petit jeu, pardon, de chacun doit sélectionner un seul film par semaine. Ah bon? Oui. J'étais pas au courant. C'est pour ça que je te regardais, Julien. J'étais pas trop au courant non plus. Non, on l'avait évoqué, mais on l'avait pas formalisé. Je te rassure, Julien, t'inquiète pas. Prenez des décisions sans me comprendre. comment? Attendez, on coupe le son, on a discuté. Ouais, non, tu nous dis autant de films que tu veux, mais moi, je me suis amusé à me mettre cette contrainte. C'est Stan, en fait. D'accord, ok. Bon, j'en ai sélectionné plusieurs. Hein. Bon, Grégoire, tiens, tu fais le malin. Le 18 mars, j'en ai sélectionné deux. Non, j'ai sélectionné Hacker. Alors pourquoi? Parce que ça a l'air bizarre, ça a l'air un peu nul. Mais surtout parce que c'est réalisé par Michael Mann. Ça m'a quand même intrigué, même si la bande-annonce, j'avoue, m'a fait très peur. Voilà, c'est tout ce que j'en ai à dire. Julien, toi, tu l'as. Ah oui, la bande-annonce m'a pas fait peur du tout, si. J'ai rien compris. Mais par contre, j'ai retrouvé Michael Mann, c'est-à-dire il y a des plans de ville, il y a une façon de. Ça a l'air d'être monté, d'être expliqué. Voilà, tu dis que ça va être très complexe. Et en même temps, Michael Mann, c'est quelqu'un, je trouve, par un film comme Révélation, il arrive bien à rendre la complexité d'un sujet. Donc là, c'est une bande-annonce où c'est vrai que tu comprends pas vraiment de quels sont les tenants, les aboutissants. Mais je pense sur un film de 2 heures, je sais pas combien de temps il dure, 2 heures, 2 heures et demie, ouais. Je fais confiance à Michael Mann pour ça, même si le dernier Michael Mann que j'avais vu, c'était Public Enemy, c'était pas terrible. Mais voilà, quand t'as fait des films comme Hit, comme Collateral, même comme moi, un de mes préférés, c'est Miami Vice. Voilà, je confesse, hein, ce sera peut-être un de mes conseils. C'est un de mes préférés. Je trouve que c'est un très grand film, peut-être le meilleur Michael Mann. Si t'arrives à nous le vendre, écoute. Je peux le vendre. Je suis capable de vendre Miami Vice de Michael Mann. La bande-annonce m'a fait peur. Pour moi, c'est le film anxiogène américain. Les hackers font sauter les centrales nucléaires. Ouais, il y a un côté qui m'a fait un peu peur aussi dans la bande-annonce. Mais c'est vrai que le nom de Michael Mann, en général, j'adhère un peu quand même. Ouais, moi, voilà pourquoi. Ça me fait peur. Pour moi, ça m'a l'air d'être un dôme signé Michael Mann. Mais bon, on verra. Je ne vais pas être comme ça. Grégoire, tous les deux d'ailleurs, vous avez sélectionné un deuxième film. Ah, d'accord. Bah, on a sélectionné peut-être le même alors du coup. Big Eyes, tout simplement, réalisé par Tim Burton. Et on en a tellement peu entendu parler que ça m'a paru bizarre, parce que d'habitude Tim Burton, même en Europe, enfin peut-être même surtout en Europe, je ne sais pas, c'est un réalisateur assez apprécié, on entend beaucoup parler de ses films, et là bon, ça a l'air un peu différent de ce qu'il a fait d'habitude. C'est pour ça qu'on en parle moins. C'est peut-être ça, ouais. Ça raconte l'histoire vraie d'une imposture dans l'histoire de l'art, hein. Je ne vais pas développer des masses parce que je ne vais pas spoiler la surprise, on va dire, de la bande-annonce ou autre. Le dévoiler au spectateur. Déjà, voilà, bon, en tout cas, c'est vrai qu'il n'y a pas ce côté un peu Edouard Romain d'Argent ou extrêmement étrange de la plupart de ses films, mais ça m'intéresse. Pourquoi pas, Tim Burton, puis surtout, il y a Christophe Waltz, que j'aime beaucoup, donc excellent acteur, j'ai envie d'aller le voir le 18 mars. Julien, t'as quelque chose à ajouter sur ça? Oui, moi j'ai un peu décroché perso de Tim Burton, voilà, donc là je trouve que ça a l'air un peu différent, ça a l'air assez rythmé, le casting est plutôt un peu différent pour... Il y a Amy Adams aussi. Ouais, Amy Adams, c'est un peu différent de Tim Burton, on retrouve pas Helena Bonham Carter, à moins qu'elle soit cachée dans, cachée dans le film, mais voilà, je trouve que ça sort un peu de son univers, ça a l'air un peu plus rythmé, toujours, bon, il y a toujours de la drôlerie chez Tim Burton, mais ça a l'air moins l'univers gothique, même si les Big Eyes font quand même très... c'est très univers aussi de Tim Burton. Voilà, enfin, voilà, je trouve que le film a un cachet un peu différent, donc je suis assez curieux. Intrigué, ouais. Pas une folle envie de le voir, mais par curiosité, quoi. Si vous deviez en choisir qu'un entre Hacker et Big Eye. Ah, Hacker, Big Eyes. Non. Voilà, au moins, c'est bien. Michael Mann. Moi, je vais vous en donner un troisième, parce que personne n'en parle. C'est Un homme idéal. Donc, c'est un film français, déjà, forcément, vous n'en parlez pas, j'imagine. Moi, mais C'est aussi une histoire de faussaire aussi. C'est une histoire de faussaire. En fait, moi, déjà, j'adore les thrillers, et c'est un thriller, donc ça attire mon attention. Il faut savoir que dedans, il y a Pierre Niney qui joue. Pierre Niney, il a eu le César du meilleur acteur pour Yves Saint-Laurent cette année. On l'a vu dans LOL, Les émotifs anonymes, J'aime regarder les filles, ou 20 ans d'écart, vous voyez, c'est cet acteur très fin, filiforme, qui doit avoir une vingtaine, 25 ans. Et là, il joue un rôle assez intrigant d'un auteur qui n'arrive pas à écrire un livre et qui pique... un vieux manuscrit qu'il retrouve et qu'il repompe pour en faire un livre, et il a un gros succès avec, et le passé vient le hanter avec ça. Voilà. Donc ça a l'air que la bonne annonce est prometteuse. La bonne annonce donne très envie. Le réalisateur, c'est Yann Gozlan, celui qui avait fait Captif, qui est un film qui est passé inaperçu mais qui était vraiment réussi, j'ai trouvé, sur des gens qui se faisaient capturer et sans comprendre pourquoi. Moi, ça m'a fait penser, la bonne annonce m'a fait un peu penser à du François Ozon. C'est vrai. En plus, c'est un sujet qui aurait pu... Un peu swimming pool. Oui, c'est Pierre Niney joue très très bien dans la bande-annonce. Là, le peu qu'on le voit, il est... Pierre Niney, moi, je vous avoue... juste dans la bande-annonce, apparemment. les autres, moi, je vous avoue, Pierre Niney, je ne comprends pas ce hype qu'on a en ce moment. Mais j'aime beaucoup, en fait. Mais c'était le CR, il a eu ça pour Saint-Laurent. Ouais, ça. Mais je ne comprends pas le hype qui l'entoure, mais... Pourtant, je trouve que c'est un bon acteur. Mais... Bah, c'est simple, il joue mieux que d'autres, c'est tout. Peut-être. Non, mais ce thriller va peut-être me convertir totalement à lui. Hein. Voilà, ah, moi, je suis converti. Je vais tout de suite dire le 25 mars. Moi, il n'y a rien qui a retenu mon attention. Oui, j'en ai un. Julien, je sais Julien, ce que tu as dit. Qu'il en a plus, non, je sais ce qu'il non, a dit, Julien. Non, j'en ai un, moi. Ouais, je sais ce qu'il a vu, Julia. Allez, Grégoire. Moi, s'il y en a un que j'irais conseiller d'aller voir le 25 mars, c'est Diversion. Mais donne-moi envie, parce que moi, la bonne annonce m'a... Alors, il y a une seule chose qui m'a donné envie, c'est pas Will Smith. Ça pourrait être Margot Robbie, mais c'est pas elle. Non, c'est la réalisation, en fait. C'est Glenn Ficarra et John Rica, la réalisation, et c'est ceux qui ont réalisé Crazy Stupid Love et I Love You Philip Morris. Mmh. Et ces deux films que j'ai bien aimés personnellement, je crois que Stan, t'avais pas trop aimé, toi, Crazy Stupid Love. C'est bien Crazy Stupid Love. J'ai été décontenancé, je savais pas si c'était une comédie ou un film dramatique. Moi j'aimais bien ce rythme, justement, j'ai trouvé ça très bien fait, ça renouvelait bien la comédie romantique. I Love You Philip Morris, j'avais beaucoup aimé aussi. Voilà, moi j'aime bien, j'aime bien ce duo, donc j'irai voir Diversion pour voir un peu mieux si ça tient un peu les promesses, donc c'est avec Will Smith, hein, je l'ai dit, on verra. Ça parle d'arnaque professionnelle. Moi, j'ai trouvé que c'était une sorte de Ocean Eleven. Oui, ça, ça ouais. Je pense qu'ils le vendent un peu comme, ça. Je sais pas si c'est ça comme ça qu'ils auraient dû le vendre. C'est peut-être mieux que la bande-annonce laisse présager. Ah, je savais pas que c'était. Bon, ça m'a. Finalement, ça me titille. Ah, tu vois. Ouais, parce que moi, j'aime bien Crazy Stupid Love. Ah, bah, moi aussi. Ah, bon. C'est bien, t'as fait un. Tu vois, j'ai converti une personne. C'est bien. Le podcast n'est pas inutile. Julien, qu'est-ce que tu nous conseilles le 25 mars ? Bah, Cendrillon. Eh oui, Cendrillon. Pourquoi ? J'ai choisi Cendrillon. Pourquoi ? Tu nous conseilles ça ? Bah, je suis curieux de voir ce que Kenneth Branagh. Donc maintenant, Kenneth Branagh, bon, c'est surtout un acteur qui était connu à l'époque, assez acteur shakespearien, et même réalisateur shakespearien, qui a après un peu. Bah, il a fait un peu d'adaptation. Je ne sais pas pourquoi il se retrouvait dans certains projets, notamment dans Thor. Thor, oui, on ne sait pas ce qu'il fait là. Voilà, par contre, son Frankenstein, si je peux le conseiller, était vraiment réussi, moi. Ouais, voilà, tu te dis, c'est un type. Je sais pas, il m'intrigue en fait. Il arrive à faire des bonnes choses et il arrive à faire des merdes. Je sais pas ce qu'il veut à Hollywood en fait. Toi, c'est-à-dire que c'est un type qui a commencé à être acteur pour, voilà, je disais, shakespearien, et puis maintenant il fait des blockbusters, des trucs, des commandes, voilà. Je sais pas trop où il veut aller, donc en fait, ça m'intrigue de voir ce qu'il en a fait. Et moi, surtout, que je trouve que par exemple, le Cendrillon de Disney, c'est peut-être un des meilleurs Disney parce que c'est un des Disney les plus cruels. Enfin, je trouve que c'est une histoire super dark, extrêmement cruelle, et dans le dessin animé, c'était très très bien rendu. Donc là, bon, la bande-annonce fait un peu bizarre. Mais tu te dis, ça peut être quand même intéressant s'il joue justement sur cette cruauté de la belle-mère, des sœurs. Hein. Et puis voilà, c'est un classique, c'est un classique du conte de fées quand même, Cendrillon. Ouais. Voilà, moi j'ai une petite fille de 4 ans, donc voilà, Cendrillon, c'est un peu son univers, donc voilà, je suis curieux de voir ce qu'il en sera avec elle. Non, peut-être pas, mais je pense pas qu'elle, pense qu'elle est un peu jeune. Non, on ira voir la Fée Clochette, mais la Fée Clochette 8, là, je sais pas. C'est ça, 8, je crois. Ouais, enfin, c'est 12. La nouvelle histoire de la Fée Clochette. Non, mais je trouve, voilà, je sais pas, la bonne annonce m'a pas donné une folle envie de le voir, mais je suis quand même curieux de voir. Puis il y a Kate Blanchett qui joue je crois que c'est elle qui joue la belle-mère. Ouais, Kate Blanchett, exact. C'est la caution, je me déplace au ciné pour toi. Non, mais c'est plutôt de voir vraiment ce qu'il va en faire, et voilà, je trouve ça intéressant. D'accord. De voir un conte, comment il va l'adapter. Ok. Super. Bon, bah, quelques petits conseils sympas de ciné. Grégoire, tu nous rappelles un peu le principe du concours. Ah, bah oui, n'oubliez pas de nous suivre sur Twitter, hein, donc @subcastfrance sur Twitter. Et puis, vous allez voir que là, je vais poster aujourd'hui, donc vous l'aurez sûrement pas vu, puisque vous n'aurez pas écouté le podcast aujourd'hui. Mais bref, vous nous suivez sur Twitter, vous faites un RT, donc vous retweetez notre tweet qui va consister tout simplement à poster une image où on dit que vous pouvez gagner ce magnifique amiibo Megaman sous blister. Et puis, bah, des retweets sera tiré au hasard par un petit programme, et puis bah voilà, vous le recevrez chez vous après par la poste. Ça se finit, je compte le finir, je crois, dans une semaine à peu près, mardi prochain, quelque chose comme ça. Donc voilà. Un amiibo acheté par nos soins, enfin par tes soins d'ailleurs. Acheté par mes soins. Il n'a pas été fourni par Nintendo. Je tiens à préciser qu'on ne mange pas de ce pain-là. Non, on ne mange pas de ce pain-là. On aimerait bien. Ni de ce pain-là, ni de ce sushi-là. Nintendo ne nous propose pas. Si Nintendo m'envoie des amiibo, je ne vais pas les refuser. Julien, mais là, pour le coup, on les gardera pour nous. Je crois que ton troll est passé inaperçu, Julien. Quel troll. C'est trollesque, c'est dégueulasse. Bon, sur ces bonnes paroles. Donc, on se dit à plus tard sur Twitter pour le concours. À plus tard sur Twitter, donc @upcastfrance. Exactement. Vous pouvez nous retrouver bien évidemment sur iTunes. N'hésitez pas à nous mettre des étoiles, c'est précieux pour nous. Sur le site upcast.fr pour les commentaires. On adore avoir des commentaires. Et n'hésitez pour écouter en version chapitrée. Exactement. Et je mettrai aussi le fichier en MP3 parce qu'apparemment on ne peut pas les écouter sur le Windows Phone, apparemment, avec les versions qu'on a actuellement sur le site. Donc il faut que je le mette en MP3. C'est bien de le souligner. D'accord. Voilà. Et on vous donne rendez-vous. On va écouter une petite musique de fin. Oui, on va écouter. Que Stan a choisi. Déjà, je précise. Comment tu te désoles à dire. Moi, je suis fier de cette musique de fin. On se donne rendez-vous dans 2 semaines pour le Upcast 10. 10 Ceci dit, c'est un peu le Upcast 10 aujourd'hui. C'est le 10e. C'est le 10e qu'on enregistre. Parce qu'il y avait un compteur 0. Mais ça sera le 10 officiel. Ça sera le 10 officiel. On termine avec une musique. J'ai l'impression d'entendre venir le Knight Rider. Allez, salut tout le monde. Bon, dans 2 semaines, salut. Salut. I had everything that money could buy, but freedom.